disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 28. Avant de commencer l'émission, je procède au rappel traditionnel de cette dernière. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante, eelb.su, je répète, eelb.su. C'est l'occasion pour vous de commenter l'actualité, en ce moment c'est très utile. Les démocrates peuvent aussi faire vivre le forum avec des visuels sympathiques, des photographies notamment, qu'ils prennent ici ou là, dans les cortèges qui se forment progressivement contre donc cette tyrannie sanitaire dont nous allons parler en détail une nouvelle fois dans l'émission, parce que c'est l'actualité, bien évidemment. Alors avant de remercier nos donateurs, je vais bien sûr présenter les membres de cette semaine. Nous sommes au creux de l'été, au beau milieu de la période creuse, hein, 15 juillet, 15 août. Donc nous avons pour commencer Hopman America. Salut Hopman, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, Hopman va bien. Écoute, c'est l'été, donc je fais comme les Français, je me promène un petit peu partout. Et force est de constater que les footballeurs de Guingamp ont fait des émules un petit peu partout, même dans les endroits les plus reculés de Bretagne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Guingamp, allez vous faire enculer et gardez vos nègres pour vous. Merci, au revoir. Bon, bah, c'était une entrée en matière très, très légère. Est avec nous aussi cette semaine Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Porovitch. Salut Porovitch. Bonjour à tous, oui. Oui, tu vas bien? J'ai bugué, mais c'est pas grave. Bonjour. Donc, très bien. Et enfin, est avec nous cette semaine un invité exceptionnel, c'est toujours exceptionnel quand il participe, c'est Vincent Renoir. Bonjour Vincent, comment vas-tu Vincent? Bonjour Gandalf, bonjour les amis, bonjour le public. Je suis très honoré d'avoir été invité, je vais bien et je suis heureux de participer à cette émission cet après-midi. Sur l'actualité, donc sanitaire entre guillemets. Voilà. Oui, sanitaire, tout à fait. Et comme tu as consacré plusieurs vidéos sur tes chaînes, parce que tu en as plusieurs, hein, par mesure de protection contre la censure, tu as parlé assez abondamment récemment de ce sujet, donc ça m'a paru tout indiqué de t'inviter, et tu es toujours le bienvenu. Aimable. Non, c'est normal. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver lorsqu'ils ont envie de se renseigner sur ce que tu fais, ce que tu écris, les vidéos que tu produis? Alors, oui, merci. J'ai mon Gab. Je suis déjà sur Gab, comme beaucoup de gens hein, aujourd'hui. C'est un peu le refuge actuel. Donc, je suis au nom de Renoir. Hein, il suffit de taper Gab Renoir. Et puis, j'ai un blog. C'est pas moi qui l'anime. Alors, des fois, il a du retard par rapport à ce que je fais. C'est donc blog-sc.com. Hein. De toute façon, tout le monde peut m'écrire à mon adresse mail, c'est vincentrenoir@hotmail.com. Vincent Renoir, comme ça, comme ça s'écrit, hein, je veux dire, je n'ai pas des plaies, mais sans majuscule, ni point, ni tiré, ni rien. Et puis, s'ils veulent plus de renseignements pour savoir où ils peuvent voir. Mais je dirais que, avant tout, c'est ma page Gab, mon mur Gab, et puis mon blog, blog-sc.com. Voilà. Avec une actualité aussi de tes livres, j'avais un auditeur qui m'avait écrit en me demandant, il voulait acheter des ouvrages. Il avait dit, tiens, la boutique est momentanément suspendue, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Ça arrive comme ça. Oui, c'est parce que celui qui s'en occupe, encore une fois, ce n'est pas moi, hein, est en train de la refondre complètement. Nous aurons beaucoup de livres à la rentrée qui vont paraître. Et donc il refond la boutique, il la modernise un peu pour qu'elle soit plus claire, etc. Et ça devrait rouvrir à la fin des vacances. Donc avec toutes nos nouveautés, je compte moi aussi republier donc mon livre sur Oradour et ainsi que mon premier, ce sera pas mon dernier, enfin je l'espère, mais si Dieu le veut, mais mon premier livre entièrement consacré à la Shoah, c'est-à-dire c'est la synthèse de 15 ans de travail sur la Shoah, et ce sera le premier livre, ce sera un livre résumé, et ensuite il y aura le livre en lui-même, La Shoah Arnaque. Mais là, je publierai un premier livre qui sera plus léger, avec plus d'images pour les jeunes, pour les plus jeunes qui, je sais, n'ont pas envie de lire un livre de 500 pages sur la Shoah. Voilà. Mais comment dire, Donc, ta boutique est en train d'être refondue, des nouveautés arrivent à la rentrée, un livre de synthèse sur tout ton travail, hein, révisionniste de plusieurs décennies, donc une première synthèse très abordable pour un public qui n'a pas forcément envie d'avoir tous les détails, bien sûr, et ensuite viendra l'ouvrage vraiment complet avec toutes les références, etc., pour ceux qui chercheraient à avoir... vraiment les explications dans le moindre détail. Hein, je résume. En fait, oui, plus exactement, c'est que ce que je veux toujours, ce que je fais depuis le début, c'est que je veux donner un arsenal d'arguments aux gens pour qu'ils puissent soutenir des discussions. Alors, il est évident que normalement, sur la Shoah, un livre de 30 pages, ça suffit. Parce que c'est tellement évident que ça ne tient pas debout. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez dans une discussion, l'adversaire a souvent beaucoup d'arguments qu'il a pris ici et là d'ailleurs, hein, ce sont ces arguments auxquels il faut répondre parce que certains peuvent paraître assez percutants. Et ce sont tous ces arguments auxquels il faut répondre et qui font que, eh bien, on est obligé de dire. Ah oui, mais attendez, mais si vous répondez ça, ce sera ça, parce que par exemple, on nous dit oui, mais quand, par exemple, je vous cite un exemple, hein, quand un tel a parlé des appareils de gazage sur le front de l'Est, alors c'est quoi? Alors, quand on remet le document dans son contexte, ce sont des appareils sanitaires, mais pour quelqu'un qui ne sait pas, ça prouve qu'il y avait bien des chambres à gaz à l'Est. Et donc, il y a pléthore. D'arguments qu'on nous ressort et que si vous répondez pas, on dit ah, vous voyez, là vous pouvez pas répondre. C'est-à-dire que vous avez beau répondre à 90 arguments, si le 91e vous n'y répondez pas, on dit bah voyez, là vous êtes bloqué. Donc c'est pour ça que, alors qu'un livre de 30 pages ou 40 pages suffirait, bon bah il faut arriver rapidement à 500 pages. Et encore, moi je fais pas du Matonio, hein. Matonio, il y a rien que sur les fours crématoires d'Auschwitz, c'est un livre de 1300 pages. Enfin, c'est en 3 tomes, hein. Je veux dire, tellement qu'il faut répondre à tout, on en sait. Voilà. Donc, c'est un peu l'explication du... C'est pas pour, en fait, pour donner des détails, pour dire, voilà ce qui s'est passé tel jour à telle heure, Himmler a fait ci, a fait ça. Non, non, non, non. C'est pour dire, voilà, si on vous répond, si on vous dit ça, vous pouvez répondre ça. Mais comme souvent, les mensonges s'appuient les uns sur les autres, quand vous répondez à un mensonge, vous êtes obligé après de vous expliquer sur 2 ou 3 autres mensonges qui viennent à la suite. Mmh. Et donc, ça fait qu'on ne s'en sort plus à des moments. Donc, c'est très extrêmement compliqué. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la question, ce n'est pas le sujet, mais c'était pour expliquer pourquoi des fois, oui, on dit, oui, mais Renoir, il fait des longues vidéos où il pond des bouquins. Ben oui, mais je m'adapte un peu aux adversaires. Oui, bien sûr. C'est le problème du challenger. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de répondre à des thèses officielles mensongères, ben, on est obligé de répondre à toutes les questions que les gens posent parce que... Exactement. Si vous butez sur une seule, ah, tu vois. Voilà, vous avez parfaitement vu la question. Et c'est ce que disait Micha, qui n'est pas un ami politique. Il dit, quand on apporte une thèse dissidente, on est obligé de tout justifier. Et ça fait que, donc, il disait, mon livre, il y aura très peu de textes et beaucoup de notes. Parce que sinon, on va dire, c'est pas justifié. Il a tout à fait raison. C'est terrible de voir ça. Par contre, comment les gens boivent, mais boivent aveuglément la propagande du système. S'ils voient un truc dans la télévision, c'est amen. Là, il y a zéro discussion, zéro question. C'est terrible. Moi, c'est ce que j'appelle ça le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle avec une blouse blanche, ah, c'est un sachant. Il s'y connaît. Et donc, c'est pareil avec un historien, quoi. Mais combien de fois j'ai entendu ça dans ma famille ? Ouais, mais Vincent, tous les historiens, ils disent autre chose. Oui, mais toi, tu n'es pas historien. Donc, c'est pour ça que, avec ce syndrome de la blouse blanche, que j'appelle, les gens boivent, en effet, boivent l'autorité. Et le challenger, comme on a dit là tout à l'heure, on ne boit pas. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve actuellement en ce moment, puisqu'on voit sur les plateaux de télévision des experts, en fait, qui sont en réalité, dont on peut contester totalement la légitimité. Enfin, il y en a qui reviennent constamment, hein, il y a Blachier, Lacombe, etc. Des gens, en fait, qui sont carrément soutenus par le système. Généralement, comme Lacombe, ils reçoivent des légions d'honneur en temps réel, hein, je veux dire. Hein, et ces gens-là, en fait, sont censés l'aval de l'expertise à la parole politique. Et ça marche quand même très, très, très, très bien, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, donc du coup, dans les discussions, donc c'est vrai sur l'Holocauste, on dit « Ah, mais t'es pas historien, qu'est-ce que tu en sais ?» ce qui n'empêche pas d'avoir, d'ailleurs, les gens d'avoir un avis là-dessus, c'est parce qu'ils ne se l'appliquent pas. Hein. Quand les gens vous disent « Oui, mais toi, t'es pas historien », vous pouvez très bien répondre « Toi non plus ». Mais là, ils vont vous dire « Oui, mais moi, je fais confiance aux historiens ». Voilà, c'est ça. Donc, d'où le rôle de l'expertise, je veux dire. Et comment dirais-je Et ça joue à fond. Et en réalité, c'est vraiment l'autorité qui simplement se suffit à elle-même et qui dit « Voilà, c'est comme ça parce que nous sommes l'autorité. » Donc, a priori, ce que nous disons est vrai. Hein, voilà. Et beaucoup de gens s'y rallient, hein, tout simplement. Hein. Mais on voit bien que ce soit pour des questions historiques ou des questions ici plus médicales, en réalité, on n'est pas du tout à l'abri d'escrocs qui ont effectivement des doctorats. Je veux dire, c'est pas du tout impensable, et on le voit tant et plus sur les plateaux de télévision. Hein, des gens qui sont des docteurs et qui sont des menteurs, qui ont été... Je peux en parler pour moi-même, même si ce que je dis là, ça a l'air de jouer contre moi. C'est que j'ai un diplôme d'ingénieur chimiste, mais ce que je sais en chimie, on me l'a appris. Il y a plein de choses que si je vous parlais en disant j'ai un diplôme, je ne ferai que répéter ce que mes profs m'ont dit, sans avoir vérifié. Naturellement, j'ai été dans les labos, j'ai fait des trucs. Mais il y a plein de choses que je vous dirais qui seraient que des croyances. Je n'ai pas été vérifié moi-même. C'est pour ça que quelqu'un qui me dit « Mais moi, j'ai un diplôme, je le sais », j'ai toujours envie de lui répondre « Mais moi aussi, j'ai un diplôme. » J'en sais pas tellement plus. Hein. Je veux dire, voilà, je recrache, oui, je recrache. C'est pour ça que voilà, tous les experts, moi, ne m'impressionnent pas. Les seuls gars qui peuvent plus m'impressionner, ce sont des gars de terrain. Qui disent, voilà, nous, on a été sur le terrain. On a été confrontés à des faits qu'on analyse et qui ont l'air de justifier la théorie, les théories qu'on a apprises. Mais en dehors de ça, le gars qui pontifie mais qui n'a pas été sur le terrain, ça m'est complètement égal. Hein, je veux dire, c'est pour ça que, par exemple, dans mon métier de révisionniste, sur les crématoires, plutôt que de parler pendant des heures avec des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai étudié. » Moi, j'ai été voir un crématoire. J'ai pénétré dans un crématoire et j'ai regardé des gens brûler. Je veux dire, le conducteur du four, il a même ouvert la porte pendant la crémation. J'ai pu voir ce qui se passait parce que je voulais voir. La théorie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Voilà. Je comprends. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission, remercions nos donateurs. Vous savez que l'émission et le site et le forum est intégralement soutenu par les lecteurs, tout simplement. Hein, c'est personne d'autre. Il n'y a pas de subvention. Hein, pas de subvention. On n'a pas de ristourne non plus fiscale comme Mediapart, malheureusement. Donc, vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, si vous appréciez ce qu'on fait, par Monero exclusivement, puisqu'elle garantit cette crypto-monnaie votre anonymat. Anonymat qui aujourd'hui est la principale arme contre ce système de plus en plus tyrannique. Donc, merci à tous ceux qui le font anonymement, sans se manifester. Et merci aussi à ceux qui se manifestent. Alors, j'ai eu 3 donateurs cette semaine qui se sont manifestés par courriel. Le premier est le suivant. Chers démocrates participatifs, voilà plus d'un an que je cherchais un moyen de vous soutenir. Je l'ai enfin trouvé, donc par Monero, grâce à un tiers, que je remercie au passage d'ailleurs. Voici 300 euros. Merci, c'est une somme quand même assez considérable. Tenez le cap et merci pour votre indispensable travail d'éveil et d'analyse. Que Dieu nous délivre de tous les suppôts du diable. Mais comme le dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Que périsse la juiverie, détruisons la révolution, donc au sens maestrien du terme, vous l'aurez compris, c'est Kael, et c'est Monseigneur Mayol, alias Panzer, qui le dit. Nous confirmons, bien évidemment, le don. Ça peut être effectivement, quand on ne maîtrise pas tous ces outils, ça peut être un peu rébarbatif, mais on a toujours quelqu'un, peut-être dans ses connaissances, effectivement, qui le maîtrise. Mais d'une manière générale, la maîtrise du Bitcoin et la maîtrise d'une crypto comme Monero, c'est pas très difficile, en fait. Bitcoin, c'est très accessible, on recommande pas parce que pour les choses à caractère politique, évidemment, c'est traçable, mais pas Monero. Et comme je le dis aussi, et je le répète, et je vais pas me lasser de le répéter, surtout si vous avez des entreprises et que là, en ce moment, avec les espèces de consignes qu'ils donnent pour ségréguer les gens qui se font pas vacciner, ça, bon, si vous voulez faire des prestations sans que l'État y fourre son nez, passez par Monero, tout simplement. Ça rentre progressivement dans les mœurs quand même, c'est très utile. Donc merci à Monseigneur Mayol, de l'UP bien sûr. Don numéro 2, assorti de questions d'ailleurs, intéressant, sur lequel on va s'arrêter un petit peu ensemble. Alors je fais encore une fois un don d'à peu près 100 euros. Alors je cite tout de suite le nom du donateur, hein, c'est Robert René Boulanger. Donc merci Robert, merci pour ton don. Et alors il y a toute une série de questions. Donc c'est une série de questions un peu comme ça, qui s'enchaînent, et on va essayer d'y répondre un peu collectivement. Que pensez-vous de l'état actuel de l'économie ? Vaste sujet. Ne sommes-nous pas au bord d'un crash économique énorme ? Plusieurs investisseurs renommés parlent d'un crash imminent. Michael Burry, qui avait prédit le crash des subprimes en 2008, Harry Dent, qui avait prédit le crash de 1989 au Japon, et le crash des dot-com en 2000, Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad, Poor Dad, je connais Kiyosaki effectivement, qui donne des conseils en fait, hein, sur la manière de gérer son patrimoine, et il a des conseils de bon sens d'ailleurs à donner en ce sens-là. Alors, crash imminent, où il faudra attendre des années après que les banques centrales remontent les taux d'intérêt en 2023. Ou bien pas de crash et stagflation pendant une décennie. Pas de crash, pas d'inflation, une économie florissante pendant une décennie, ou bien crash puis stagflation pendant une décennie. Bref, quels sont vos pronostics pour l'économie dans le futur ? Alors, merci Robert pour ton don, merci aussi pour tes questions. Bon, moi je prétends pas être économiste, j'ai quand même une opinion sur le sujet, peut-être les autres participants aussi ont une opinion sur le sujet. Bon, en fait, ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent, bon, je l'ai déjà dit dans l'émission, ça peut paraître redondant, mais il faut matraquer, hein, c'est comme ça, hein, c'est une règle importante pour faire passer un message. Quel était le but de cette pandémie dès le départ ? C'est un écran de fumée, administré par l'arme psychologique de la terreur. Moi, je résume en fait cette histoire de pandémie en fait à une guerre psychologique et biologique contre les populations pour justifier toute une série de mesures autoritaires. Mais pourquoi prendre des mesures autoritaires alors qu'avant, on avait des démocraties libérales qui s'en sortaient relativement bien en termes de gestion des foules ? Eh bien, c'est parce que, économiquement, le monde occidental, tel qu'il est organisé aujourd'hui, est dans une crise très profonde. Et puisque notre auditeur mentionne l'action des banques centrales coordonnées avec de l'émission de liquidités en grande quantité, eh bien, je rebondis là-dessus, ce n'est pas pour rien qu'il y a des émissions massives de liquidités en ce moment même. Donc c'est une politique de contrôle vertical de l'économie, avec la thèse de la relance, qui ne fonctionne pas, en fait, hein, puisque les gens n'ont pas confiance dans l'avenir, et même de moins en moins confiance dans l'avenir. Et quand on n'a pas confiance dans l'avenir, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, eh bien, c'est simple, on n'investit pas, on n'achète pas. Donc, on adopte une attitude attentiste. Et c'est contre cette attitude attentiste que réagit le système avec ses mesures de plus en plus directives, autoritaires, au plan économique, et qui sont des échecs systématiques. Hein. Bon. Et la grande menace pour le système, c'est d'abord le vieillissement démographique. Dans l'émission, on a souvent parlé des causes de ce vieillissement, notamment à partir de mai 68, et toute cette logique-là. Donc on a un vieillissement, un rétrécissement, en quelque sorte, de la part active de la population à travers tout le monde occidental, et singulièrement en Europe. Pas uniquement, mais singulièrement en Europe. Et des États-providence qui ont des programmes sociaux extrêmement généreux, qui ont été fondés à partir de 1945 pour une seule raison, il s'agissait de détourner les masses du fascisme, qui avait lancé les premiers grands vrais programmes sociaux, mais à côté d'une grande politique nataliste. Alors le problème, c'est qu'en Occident, on a des grands programmes sociaux et un individualisme forcené, donc il n'y a pas un encouragement à avoir un équilibre démographique naturel et organique, avec des familles relativement nombreuses, ou en tout cas une stabilité démographique pour qu'il y ait au moins un renouvellement des générations. Donc face à ce déséquilibre vraiment systémique, les États occidentaux sont, grosso modo, sur une bombe à retardement financière qui peut détruire tout le système de retraite, le système de santé, bien évidemment le système d'assistance aux chômeurs, hein, ça va sans dire, une envolée des taxes et des impôts, à laquelle on assiste maintenant de très nettement depuis plusieurs, au moins une vingtaine d'années, mais notamment la dernière décennie écoulée. Et donc, ils se disent que face à ça, il y a deux solutions. Premièrement, c'est l'immigration de masse, en tout cas le croit-il, l'immigration de masse pour combler le vide. Faut pas chercher d'explication ailleurs. Et deuxièmement, l'austérité autoritaire. Le problème de l'austérité autoritaire, si vous expliquez aux gens qu'on va diviser par deux leur niveau de vie, ils vont entrer en désaccord et vous allez avoir des phénomènes de troubles civils très importants. Ils en ont vu la démonstration en Grèce, où ça a été fait de manière frontale, brutale, par la Troïka, n'est-ce pas, après l'action dévastatrice d'ailleurs de Goldman Sachs et des socialistes sur place, avec l'euro, hein, vous connaissez tout ça. Donc, ils ont vu les limites de cet exercice, parce que ça ne leur a pas échappé que Obdoré en Grèce a réalisé des scores pas inintéressants. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été à 7-8% dans l'opinion, en sachant que si ça avait continué, ils auraient pu progresser encore davantage. Mais ensuite, il y a eu une intervention directe et on a soutenu Tsipras, c'est-à-dire le faux opposant, qui s'est complètement rallié au programme financier international, à l'Union européenne, etc. Bon. Mais ils ont quand même retenu la leçon. Donc ils arrivent avec cette nouvelle formule, qui est la formule qu'on peut qualifier de bioterroriste, et qui demain sera climato-terroriste, qui consiste à créer des menaces, si vous voulez, qui n'ont pas de fin. Donc la menace pandémique, ça n'a pas de fin virtuellement. Voilà. Et grâce aux variants, notamment, on y reviendra. Le climat, c'est pareil. La température va monter, ça va être l'apocalypse. À quelle échelle de temps? Ah, un siècle, deux siècles, trois siècles. Mais ça permet, ça c'est un chèque en blanc pour le pouvoir établi, un tel discours, si vous voulez. Bon. Donc en fait, par le sanitaire et par le climatique, ce que préparent ces gens, c'est la baisse drastique du niveau de vie. Et grâce à ces mesures sanitaires, on va contenir les troubles. Et vous remarquerez que toutes les mesures adoptées empêchent les gens de se rassembler. Alors au départ, c'est 1000 personnes, et puis ensuite c'est 50 personnes, et puis comme nous en parlait Fulbert la semaine dernière, c'est maintenant les visioconférences qui devront être soumises à autorisation. Donc il ne faut plus qu'il y ait d'interaction entre les gens, il ne faut pas qu'ils puissent s'organiser. Voilà. Donc voilà l'ambiance, l'environnement dans lequel on se trouve. Donc oui, on va vers une crise de l'économie occidentale très forte. Et ce à quoi on assiste, c'est la reprise en main. Et ils en ont été convaincus, non seulement par le précédent grec, mais aussi par, évidemment, le Brexit, évidemment par l'élection de Donald Trump, qui a été contenue, mais qui a quand même montré une colère dans les classes populaires blanches américaines, Et puis ensuite, la vague populiste en Europe et l'apparition de l'AFD, qui, quoi qu'on en pense, en Allemagne, en quelques années, est devenu un parti à entre 10 et 15% des voix, dans une Allemagne qui est censée, pour ainsi dire, proscrire toute forme de nationalisme, même modéré, je veux dire, même modéré. Donc il y a une reprise en main autoritaire, et c'est ce qu'on vit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'intéresser à ce qui se passe au plan de la bourse. Je pense qu'il faut, s'intéresser à ce qui se passe au niveau des monnaies, au niveau des dettes souveraines. Je pense que c'est là que ça se joue. Tout ça est couplé. Et plus le système financier, plus les monnaies souveraines seront en crise, notamment à cause des dettes souveraines, plus vous verrez des mesures très très dures apparaître, justifiées par le sanitaire et ensuite le climatique. Voilà à peu près ma conception des choses. Alors peut-être que les gens ont d'autres conceptions, mais je voulais quand même faire un panorama général pour qu'on s'entende bien sur ce qui se passe. Qui d'autre là-dessus, sur cette crise imminente ou non-crise? Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Quel est leur avis là-dessus? Moi, je suis pas trop convaincu. J'entends parler crise depuis des années. Je crois qu'avec la planche à billets, ils peuvent maintenir ce que l'auditeur appelait la stagflation. Donc, c'est-à-dire qu'ils évitent la crise, mais par contre, nous, on s'appauvrit, quoi. Parce qu'il est évident que quand ils créent comme ça de la monnaie, cette monnaie finit dans la poche de la haute finance, hein. C'est une monnaie, vous n'en verrez jamais la couleur. Et donc forcément, vous en bas qui n'avez pas accès à cette manne, relativement, vous avez perdu de l'argent, vous vous appauvrissez. Je pense que ça va continuer comme ça au moins pour les 10 prochaines années. Mon avis, hein, je ne suis pas économiste, voilà mon impression sur la chose. L'impression de masse telle qu'ils la font, de toute façon, frappe ce qui reste des classes moyennes, parce que tout se renchérit. Je veux dire, vous voyez l'immobilier qui monte, etc., alors que c'est sans rapport avec ce que gagnent les gens. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une crise dans l'inflation, et voilà. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ouais, moi j'ai un truc à dire. La vraie richesse, c'est le fait d'être autonome et indépendant. Donc, quelle que soit la situation financière dans laquelle on va se retrouver d'ici 1, 2, 5, 10, 20 ans, celui qui aura réussi à monter un business, à être indépendant du gouvernement au maximum, qui aura réussi à agréger des gens de confiance autour de lui, qui sera autonome, par exemple, du point de vue de la nourriture, hein, de l'eau et compagnie, lui, il sera riche, en fait. Même si tu as une petite maison de 70 mètres carrés à la campagne et que tu as tes voisins qui étaient en bonne relation de voisinage et sur qui tu peux compter, tu seras immensément plus riche que le mec qui a une baraque à 1,5 million en centre-ville d'une mégalopole, quoi. Vincent voulait réagir. Oui, moi je ne suis pas économiste, mais j'ai donné des cours particuliers à une famille dont le père était dans les milieux de l'économie. Ils habitaient un château, ils avaient 12 enfants, les gens. Et j'avais sympathisé au bout d'un moment avec eux. Et je lui avais dit justement, mes chers amis, la crise est imminente, ça va s'effondrer. Je vous parle de ça, c'était vers 2005. Et il m'avait dit absolument pas. Le système a encore beaucoup de ressorts. Énormément, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notamment avec les gestions par ordinateur, il y a des algorithmes qui fonctionnent en permanence et ils ont compris que plutôt que d'avoir un crack, il vaut mieux injecter des milliards et des milliards en quelques heures. Et ils me disent, comme ils n'ont pas de problème à faire marcher la planche à billets, ça peut encore tenir. Donc ils me disaient, à terme, ça va s'effondrer parce que le système est complètement incohérent. La monnaie ne vaut plus rien et surtout, la bourse est devenue très obscure. On ne sait plus trop ce qui s'y passe. Même les principaux experts, entre guillemets, ne savent plus ce qui s'y passe. Donc, ils me disaient ça, un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Mais ça peut durer encore des années, des années et des années. Vous voyez, donc, ils me disaient ça il y a 15 ans, alors que moi, je pensais que... Alors, il y a eu une crise en 2008, etc. Mais ils m'avaient dit d'avance, ils m'avaient dit, vous verrez, les cracks n'iront jamais jusqu'à un effondrement total. Non, ça c'est... Aujourd'hui, il faudra vraiment arriver au bout du bout du bout, mais c'est pas encore. Donc... Je vous dis ça encore une fois, je ne suis pas du tout économiste. Mais voilà, donc ce gars me l'avait dit, et donc 16 ans après, oui, ben, il avait raison. Voilà. Mais quand je parlais de la Grèce, ça a été quand même un signal très important pour le système, hein. Surtout en Europe, parce que la Grèce était une toute petite part de l'économie européenne, c'était 2% du PIB de l'Union européenne, et pourtant ça a généré une grave crise de gestion, parce qu'il n'y avait pas de coordination, et surtout, les gens ont regardé un petit peu en détail la comptabilité de l'Union européenne, de l'eurozone exactement, et ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait des Grèces... enfin une possibilité de réplique en fait considérable en Italie, en Espagne, au Portugal, dans une certaine mesure aussi bien sûr en France, et ils voyaient l'effet domino possible. Et donc... Ah mais ça... Oui, vas-y Vincent, bien sûr. Non, je t'en prie, je voulais pas t'interrompre. Ah oui, je dis de toute façon, pour moi, l'histoire peut aller très vite. Hein. Il peut y avoir un effet domino soudain, absolument imprévu. Tout à fait. Et donc, ils ont bien compris cette menace systémique, mais fondamentalement, l'eurozone reste mal construite. Il n'y a pas de dette unique, il y a une dette par État membre de l'eurozone, ce qui crée des déséquilibres. Alors, ce qui fait empirer le tout, c'est que les différents États se sont empruntés pour être solidaires les unes des autres, mais ça, en cas de stress intense, ça ne fonctionnera pas, et je crois que les choses se précipitent toujours plus. Mais il faut bien comprendre que la crise de confiance décisive, parce que c'est ça qui crée en fait les crises historiques en fait. Qu'est-ce qui a déclenché la première secousse en Allemagne avant-guerre, enfin je veux dire dans les années 20, je crois que c'était en 1923, au plan financier, c'est le fait que l'État a forcé un emprunt. Donc il s'est mis à saisir ce qu'avaient les gens sur leur compte. Et les gens n'ont plus eu confiance, parce qu'ils se sont dit, l'État est fauché et il vole. Et quand les gens arrivent à cet état de prise de conscience, tout d'un coup, ils perdent totalement confiance dans l'État. Et ce qu'on voit actuellement se passer, c'est pour ça que ces manifestations ont un rôle tout à fait important dans ce qui se déroule, c'est que, et là on parle de choses très graves, on va y revenir, c'est que si sur des sujets aussi importants que la santé, l'État devient suspect, l'effet en termes de confiance est catastrophique. Parce que sur tous les autres sujets, les acteurs économiques vont remettre en doute la possibilité de planification de l'État et ne vont plus lui accorder leur confiance. Et c'est là qu'on va voir d'effondrement économique arriver. C'est-à-dire que les gens vont retirer leurs capitaux. Donc on va voir... Hein. Pardon. Oui, c'était ce que me disait mon ami. Mon ami me disait, le dollar ne fonctionne plus parce que les gens jouent le jeu. Ils jouent le jeu de la confiance. Mais à partir du moment où, comme tu disais, les gens n'auront plus confiance, il me disait, tout peut aller très vite. Mais pour l'instant, les gens, même ceux qui savent, il me disait que c'est pourri tout ça, jouent le jeu de la confiance parce que ça leur permet de fonctionner. Mais on ne pourra pas faire ça, en effet, avec le public, qui, lui, à un moment ou à un autre, peut retirer sa confiance. Et c'est ce qui se passe dans cette crise sanitaire. Les gens, pour l'instant, c'est une petite minorité, mais on va y revenir probablement, les gens perdent confiance. Et ça, c'est un phénomène capital qui arrive. Exactement. Je voudrais rajouter, effectivement, bon, le dollar, l'euro, toutes ces monnaies-là, en vérité, ne valent plus rien. Elle ne marche que parce que les gens n'ont pas trop le choix, ils sont un peu obligés de faire confiance. Face à ça, moi je propose quelques pistes, je ne suis pas économiste, mais se tourner vers l'or, ou mieux, l'argent, qui me semble très sous-coté par rapport à l'or, ça peut être une piste. Voilà, acheter de l'argent sous forme de pièces ou autre. Ça peut être une piste qui est, voilà, que je vous propose. C'est des choses quand même qui sont relativement à la portée de tout le monde. Bien sûr, le conseil d'Hopman, essayer d'être autonome le plus possible. Mais c'est un peu la solution aussi de la BAD. Mais là, il faut pouvoir investir, il faut se dépêcher. C'est peut-être pas toujours à la portée de tout le monde. Par contre, quelques pièces d'argent, il y a peut-être moyen de moyenner. Je ne sais pas. Mais je pars de l'idée qu'on, comme c'est une crise aussi de la monnaie, forcément, en cas d'effondrement, on risque de revenir à des fondamentaux. Et les fondamentaux pour la monnaie, ben, c'est l'or et l'argent. Voilà. Donc, une Faudrait piste expliquer pourquoi en peut-être. fait. Faudrait expliquer pourquoi l'argent est sous-coté par rapport à l'or. Enfin, pourquoi tu conseilles d'investir dans l'argent? Ben, je dis, je viens de le dire, c'est parce qu'en cas d'effondrement des monnaies, on reviendra à des monnaies métaux, et c'est traditionnellement c'est l'or et l'argent, et que je constate effectivement que l'argent est très très sous-coté par rapport à l'or. Donc voilà. Ouais, c'est-à-dire que normalement l'argent est coté 20 fois moins que l'or, et là il est, si j'ai pas de bêtises, à 70 fois moins que l'or. C'est Et ce qui ça. fait qu'il y a des. Voilà, il y a des gens qui. Enfin, c'est 20-30 normalement. Et donc là, il y a des gens qui veulent spéculer sur ce fait-là et se dire que bah, mettre en argent maintenant, ce serait une bonne chose, parce que le jour où ça va revenir aux 30, 20 ou 30 fois moins que l'or, ben voilà, ils auront fait un x2, x2 demi. Après, moi, ce que ma perspective, quand je parle de ça, c'est pas de vous faire gagner de l'argent, hein. Ça, c'est une stratégie de survie. C'est pour éviter de tout perdre. C'est pas pour faire des bénéfices, hein, mon avis personnel. Après, je vais rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis du fait que c'est difficile d'investir, c'est vrai, mais on n'a pas tous 50 000, 100 000, 200 000 balles à investir dans une boîte. Mais il y a quelque chose de vachement important que on parlait justement l'auteur qui a cité Gandalf, là, le japonais qui a fait le nom du devoir, je m'en souviens plus, mais c'est le truc avec son père, machin, là. En fait, lui, dans son bouquin, il explique que dans l'économie, il y a deux choses, quoi. Dans la vie, il y a les actifs et les passifs. Et que la majorité des gens s'endettent pour acheter du passif. Et le passif, c'est quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent. Par exemple, tu fais un prêt de 300 000 euros pour t'acheter une maison, et en fait, tu as un travail à côté. Alors, certes, le travail t'a permis de faire le prêt pour acheter la maison, mais du coup, tu ne gagnes pas d'argent avec cette maison. C'est juste quelque chose qui te coûte de l'argent. Si par exemple, bon, mettons, tu étais militaire, tu achètes un appartement, tu fais un prêt, c'est vrai, mais la maison elle est en location, et toi tu habites gratos à la caserne quand tu es soldat, oui, là ton appartement c'est un actif, parce que tu vas gagner de l'argent, tu vas rembourser ton prêt, mais in fine, ça devient quelque chose qui te rapportera. Or le truc, c'est que maintenant, je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils arrivent à devenir autonomes, indépendants, et avec des actifs en fait. Donc, c'est ce que j'ai dit les dernières émissions. Si vous avez des compétences, essayez de voir si vous pouvez en tirer un revenu. Essayez de voir si vous pouvez donc transformer ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, et ce dans quoi il y a un marché, en actif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement devenir autonome, indépendant, et puis devenir du coup résilient. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, en Angleterre, j'ai réussi à passer la crise en tant qu'auto-entrepreneur parce que je donne des cours particuliers, justement. Donc, j'ai mis en valeur une de mes compétences. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai au moins celle-là, de savoir bien expliquer. Et ce qui fait que je suis totalement autonome pour gagner de l'argent, pour organiser ma vie, etc. Et c'est la cinquième fois depuis le début de la crise que l'État anglais dit aux auto-entrepreneurs, si vous voulez, on peut vous aider, vous donner de l'argent pour surmonter. Parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs, en fait, ne sont pas vraiment indépendants. Et moi, j'ai jamais réclamé parce que, justement, quand on met en valeur une de ses compétences, qu'on a sa propre clientèle, qu'on organise ces choses, en effet, on a une force, on a une résilience que d'autres n'ont pas. Alors après, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est une piste, en effet, je pense. Alors messieurs, troisième don avant de commencer l'émission. Bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous faire un don de 02 Monero ce jour. Pouvez-vous m'en confirmer la bonne réception? Ça sera fait. Et c'est VALCM qui nous écrit. Merci VALCM. Alors commençons l'émission, messieurs, après cette introduction qui était intéressante. Ça a posé le cadre, c'est bien. Alors point numéro 1, hein, c'est le pass sanitaire. Alors les nouvelles neuves du front, le Sénat adopte le projet de loi largement modifié. Alors beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas le fonctionnement du Parlement français. C'est pas un mal, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison de vous, d'a priori, de s'y intéresser, je veux dire. Non, déplaise aux démocrates. Mais ils ne le connaissent pas. Donc, en fait, quand Macron annonce son projet de loi sanitaire fin juillet, il faut comprendre que c'est première lecture à l'Assemblée nationale, où se trouvent les députés. Ensuite, ça va au Sénat, où il y a une première lecture et ils en donnent leur avis. Ça retourne ensuite à l'Assemblée. Voilà, donc il y a cette espèce d'aller-retour, et avant un vote décisif qui a lieu après. Donc il y a une deuxième lecture, et le Sénat, je crois même, le droit de regarder encore. Bref, peu importe. Donc le Sénat s'est exprimé sur la première version du texte. Vous connaissez le Sénat, il est à majorité les Républicains, confortés d'ailleurs par les récentes élections régionales, parce que comme vous le savez, le Sénat n'est pas... on ne désigne pas les sénateurs qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont élus pour 6 ans, on ne les désigne pas au suffrage universel, direct. Ils sont élus au suffrage indirect par des élus, en fait. Hein. Donc ce sont des gens qui sont élus par des élus. Bon. Donc c'est une espèce de syndicat des élus, si vous voulez. Et dominé par ce qu'on appelle la droite gaulliste, ces gens-là, au Sénat, ont souvent tendance, sur des projets de loi médiatisés, en fait, à essayer de jouer un petit peu une petite voix discordante pour faire croire qu'ils s'opposent à Macron ou de toute façon au président en place, pour essayer de créditer l'idée qu'ils ont une valeur ajoutée. Et alors là, on pourrait croire que le Sénat fait un peu de l'opposition. C'est pas vrai du tout. Ils savent très bien que le projet de loi sera adopté par Macron et son gouvernement, parce qu'il a, en dernière lecture, à l'Assemblée, tout pouvoir sur ce qui sera voté. Donc c'est simplement une espèce de théâtre comme ça, où chacun peut un petit peu se mettre en scène, mais ne doutez pas un instant que le Sénat est à 100% d'accord pour faire passer toutes les mesures de Macron. C'est simplement, comme je le disais, un exercice de théâtre politique. Alors, voici ce qui a été voté, on va pouvoir en parler. L'article est d'Europe 1. Alors voici. Dans la nuit de samedi à dimanche, les sénateurs ont adopté le projet de loi prévoyant l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du passeport sanitaire. Mais ils ont apporté au texte plusieurs modifications, parmi lesquelles l'exemption du pass pour les mineurs ou en terrasse. Alors effectivement, il y avait une exemption pour les mineurs. Dans la version du texte voulu par le gouvernement macroniste, le Sénat a dit non, pas d'exemption. Le Sénat, majorité de droite, a adopté dans la nuit, donc, de samedi à dimanche, le projet de loi consacré à l'extension du pass sanitaire, ça c'est déjà dit. La Chambre haute a voté le texte par 199 voix contre 123. Sénateurs et députés tenteront dimanche de s'accorder sur un texte de compromis au lendemain de nouvelles manifestations contre la dictature sanitaire, entre guillemets, dans le texte hein, d'Europe 1, rassemblant plus de 160 000 personnes dans le pays. On va y revenir aussi là-dessus. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le gouvernement espère un accord des parlementaires, donc entre le Sénat et l'Assemblée, pour éviter une nouvelle navette qui ferait dérailler un calendrier très contraint. Outre l'obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou professionnels auprès des personnes âgées, le projet de loi prévoit une extension du pass sanitaire, parcours vaccinal complet, test négatif récent ou certificat de rétablissement, début août, dans les cafés-restaurants, foires et salons, établissements médicaux, donc ce qui inclut les hôpitaux bien sûr, avions, trains et cars longs trajets. Le Sénat a toutefois adopté de nombreuses modifications qui promettent des débats animés en commission mixte paritaire, donc c'est une commission qui sera pour moitié composée de sénateurs et pour moitié de députés de l'Assemblée, dimanche à partir de 15h. Il a conditionné l'extension du pass sanitaire au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 octobre et a prévu d'exempter les centres commerciaux. Certains amendements adoptés au Sénat ont divisé la droite, comme l'exemption du pass sanitaire en terrasse ou pour les mineurs, autant de mesures qui pourraient être revues dans la suite des discussions. Les sénateurs veulent repousser du 30 août au 15 septembre la mise en place de ce pass pour les lieux publics, aussi bien pour les personnels que pour les usagers. Le Sénat a en outre voté un amendement socialiste pour que les mineurs de 16 à 17 ans puissent se faire vacciner sans autorisation parentale. Le projet de loi prévoit l'isolement obligatoire pour les malades à disposition assouplie par les sénateurs. Voilà. Donc vous avez compris, il y a eu une toute petite modération sur certaines mesures, comme effectivement l'isolement sous supervision du préfet à votre domicile si vous êtes détecté positifs au Covid, est tracé par l'application du juif Guillaume Rosier, hein, dit Rosier, tous anti-Covid. Voilà. Sachez que si vous avez fait la connerie de vous inscrire à ce truc, vous êtes maintenant suivi en temps réel par le ministère de l'Intérieur. La connerie à pas faire, bah, fallait pas la faire, donc maintenant que vous l'avez faite, faut pas venir pleurer. Bon, il y a d'autres modifications, et il y a aussi d'autres aggravations, puisque bon, piquer des gamins de 16 ans sans l'autorisation de leurs parents devient possible maintenant. Bon, vous l'avez remarqué. Alors, donc on en avait parlé, hein, de ce qui était prévu. Bon, là, c'est au Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des discussions actuellement? Il y a aussi l'histoire de licencier. C'est ce qu'a voulu la juive Borne, hein, Elisabeth Borne. Hein, donc, de licencier les gens qui, au bout de 2 mois, qui refusent de se faire vacciner ou de présenter de présenter un passeport vaccinal. Apparemment, le Sénat l'a retoqué. Alors là, je m'y arrêterai, mais bon, ils ont fait semblant de le retoquer. On va en reparler. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Du projet de loi, quoi. Effectivement, tu l'as rappelé, c'est du théâtre. Il faut bien comprendre ça. Ils font le coup à chaque fois. Ils sortent des lois pas possibles, et puis le Sénat fait semblant de s'y opposer parce que El Famoso, les contre-pouvoirs. C'est du théâtre, totalement du théâtre. Une mesure, qui retient plutôt l'attention. Enfin, toi, parmi tout ce que j'ai cité là, bah, ce soit 16-17 ans, pas besoin d'autorisation parentale, pas d'exemption pour les 12-17 ans en termes de passeport sanitaire, c'est-à-dire pour mettre la pression sur les adolescents pour qu'ils se fassent vacciner très vite. Je sais pas, enfin, il y a toute une série de choses où il y a un durcissement, en fait, parce qu'ils disent que ça a été adouci. Non, ça dépend quoi, en fait, hein. En 2005, Christian Poncelet, donc qui était, c'est bien Christian Poncelet, si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. C'était bien Christian Poncelet. Donc c'était également un gaulliste. Bon, 2005, il y a le spécialiste de la démographie, enfin pas la démographie, la géographie, démographie, Yves Lolland, qui fait un colloque pour les sénateurs au sein du Sénat avec d'autres démographes, géographes, spécialistes économiques. Et le colloque s'appelle « Ces migrants qui changent la face de l'Europe ». Il y a un livre qui a retranscrit ce colloque. Bon, à l'intérieur, les mecs prévoyaient que pour 2025 ou 2020, il y ait au moins un minima 25% de la population française qui serait d'origine non européenne. Il faut m'expliquer en fait comment on peut avoir confiance dans n'importe quel homme politique. Je veux dire, ces gens-là, c'était des gaullistes, ils ont connu De Gaulle, ils ont travaillé avec lui sous ses ordres. De Gaulle avait sorti cette phrase que l'on connaît si bien, qui disait que c'est bien qu'il y ait des Français de toutes les origines, mais enfin, il faut quand même que les Français restent de souche européenne, restent majoritaires. Bon. Comment est-ce qu'on peut passer de cette vision du monde à une France dans laquelle on nous dit que 30% de la population européenne sera ne sera justement plus européenne et que ça ne fera qu'augmenter. Et comment un mec président du Sénat, comme Poncelet en 2005, peut dormir dormir du sommeil du juste et puis accepter ça sans réaction aucune en fait. Bah, pour moi en fait c'est tous des traîtres. C'est tous des gens qui méritent de finir à minima, et je dis bien à minima, devant les tribunaux spéciaux. Ah oui, là, oui, c'est tout à fait évident. Vincent, un petit regard sur cette démocratie parlementaire là, qui va de forfanterie en forfanterie, la dernière étant celle citée, hein, bon, qui instaure... Et même, je vais demander ton avis simplement sur l'objet même du passeport sanitaire. Moi, je désigne ça sous le terme de passeport intérieur. C'est un outil qui a existé notamment en Union soviétique. Dans les années 30, d'ailleurs, en Ukraine, il a été abondamment utilisé pour contrôler les populations, pour restructurer l'économie et procéder à la collectivisation qui va aboutir à des millions de morts, hein, on le sait. Donc là, il y a une résonance historique. Qu'est-ce que tu penses de ce passeport sanitaire dont discutent actuellement les parlementaires? Et justement, des coups de poignard multiples qu'il délivre à tout le monde, là, en ce moment même. Bien, voilà, merci de me donner la parole. À propos de la démocratie et de ces parlementaires qui font en général preuve de peu de courage, nous, les révisionnistes, on a un exemple extraordinaire. C'est l'exemple de M. Toubon, au moment du vote de la loi antirévisionniste et après, il a été parmi les plus fermes opposants à cette loi. Il a même comparé cette loi à une loi stalinienne. Bon, quelques années après, M. Toubon arrive ministre de la Justice. C'était le moment de faire quelque chose. C'était le moment de dire, tiens, ben, cette loi, on pourrait peut-être l'abroger maintenant. Et il y a, bon, y a des gens qui ont fait justement circuler une prétendue lettre de Toubon, où Toubon disait, bon, ben, on va abroger cette loi parce que j'ai toujours été contre, etc. Et dès que c'est arrivé aux oreilles de Toubon, Toubon a dit, mais non, pas du tout. Cette loi, on la conserve, etc. Donc voilà un homme qui, à quelques années d'intervalle, dit, qualifie une loi de stalinienne, et quand il est ministre de la Justice, qu'il aurait le pouvoir, dit non, non, cette loi est très bien. Donc, nous, révisionnistes, on connaît bien cette affaire de ces retournements, de tout cela. J'ai toujours été surpris, quand on lit les comptes rendus au Sénat, à l'Assemblée nationale, de voir à quel point, par moment, c'est puéril. Ces gens sont puérils. Y a des disputes sur des queues de cerises, des grosses blagues vaseuses. Enfin, c'est... Non, bon, pour ça que, pour moi, le parlementarisme à la française, c'est un reflet de ce pays qui se délite. Donc ça m'intéresse, puisque notamment dans ma dernière vidéo sur le pass sanitaire, j'ai lu tous ces comptes rendus, ça m'intéresse, mais je n'en espère rien. Ça c'était donc pour répondre par rapport à cette démocratie, ce parlementarisme qui en général, lui, ne mène pas à grand chose. Après, pour le pass sanitaire, eh bien, c'est la suite logique d'une société de contrôle, d'une société qui, depuis des décennies, applique et hypertrophie le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on voudrait une société du risque zéro. C'est ça. Et moi, je l'avais remarqué, comme avec mon épouse, on a eu 8 enfants, j'avais remarqué au niveau de la médecine et de la grossesse. On a l'impression qu'en fait que la nature fait très mal les choses et qu'il faut tout corriger pour arriver à un risque zéro. Donc tout se médicalise et toujours au nom de votre sécurité, toujours au nom de votre confort et toujours le fait de dire on sait mieux que vous ce qui vous est positif. Donc, on vous impose ça, ça et ça. Et on arrive à une société où tout devient normé, tout devient obligatoire au motif d'assurer votre sécurité. Le même phénomène se trouve pendant les colonies de vacances. Je connaissais un moniteur de colo qui me disait « Mais ça va disparaître à terme les colonies de vacances. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. » Il me racontait un petit truc tout bête. Il me disait « Dans le temps, on se promenait avec les enfants. Les enfants trouvaient un chat errant, par exemple, qui n'était pas errant, mais enfin, qui était là. Les enfants le caressaient, le chassaient, et puis, ben, qu'est-ce qui se passait dans le temps? On le ramenait à la colo. Et puis, ben, les enfants, ils s'en occupaient, le chat était très, très content. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus. Ah non, parce que le chat, ça peut véhiculer, ça peut griffer, ça peut mordre, patati, patata. Et me raconter comme ça des anecdotes sur les plages. On ne pouvait plus rien faire. Et donc, on arrive à une société qui sera la société où tout sera codifié. Tout sera codifié. Et donc, dans cette société, le pass sanitaire, qui est l'instrument du principe de précaution et de la sécurité collective, parce que vous remarquez que ce n'est pas le bien commun, c'est la sécurité collective, c'était fatal que ça arrive un jour ou l'autre. C'était fatal. Ça aurait pu arriver par d'autres biais. Mais avec ce Covid, c'était fatal. Et c'est normal que ce soit accepté. Donc on va arriver, on va arriver à une société où, ben voilà, il faudra présenter, prouver qu'on est en bonne santé pour aller ci, pour faire ça, etc., etc. Mais le problème, encore une fois, il est le même, il est toujours le même. Qui va vraiment résister à cela? Il y a quelques bistrotiers qui disent qu'ils vont refuser, mais comme leur établissement pourrait être fermé sur ordre préfectoral, une fois qu'il sera fermé, qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, c'est que ces gens soient soutenus par la population. Mais la population ne les soutiendra pas. Et donc ces gens vont fermer, et puis ben, quand ils vont rouvrir, ils se tiendront à carreau, je le prévois déjà. Le problème, il est toujours là. Le problème, c'est que on n'est pas, hélas, on n'est pas assez solidaire. Et donc, l'État peut cibler les rebelles, et ben, au bout d'un moment, ben, les rebelles, ils se fatiguent, ils peuvent plus résister, etc., etc. Il est évident que si un bistrotier disait, moi, je prendrai pas le pass sanitaire, et puis quand je fermerai, que les gens de la commune disent, bon, on vous soutiendra le temps que vous puissiez rouvrir, etc., ou autant de temps qu'il faudra, hein, commencerait à y avoir, et si tous les bistrotiers faisaient ça, certains d'avoir des soutiens, là l'État serait bien embêté, mais ça n'arrivera pas. Donc, c'est ce que, pour résumer ma pensée, je dis qu'on est dans une logique sociale, la logique de la sécurité à tout prix, hein, et encore une fois, c'était ce que disait l'abbé de Salinis en 1877, hein, un individu peut reculer devant des conséquences d'une logique qui peut pas aller jusqu'au bout, mais la société, elle va jusqu'au bout. Toujours, toujours. Et donc, la société va jusqu'au bout du principe de précaution avec, hélas, une population qui ne résiste pas suffisamment, au moins pour l'instant. Alors après, on pourra y revenir sur les manifs qu'il y a à l'heure actuelle. Mais pour moi, c'est ça, le pass sanitaire. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Non, non, du tout. On peut enchaîner, d'ailleurs, sur les conséquences pratiques de ça, parce que tu dis, voilà... Bon, moi, ce que tu dis, je te rejoins sur ce que tu dis. Hein. Quand tu dis, voilà, si un bistrotier veut se rebeller parce qu'il estime qu'il ne veut pas être flic, parce que ça a été un point qui a été soulevé par Mélenchon, d'ailleurs, il a produit une vidéo, franchement, hein, je ne suis pas mélenchoniste, mais il a produit une vidéo parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont formé un recours auprès du Conseil constitutionnel, quelque chose de cet ordre, je ne sais plus, en disant, parce qu'il faut 60 parlementaires hein, pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel sur un projet de loi en cours de discussion. Donc, il a produit une vidéo pour expliquer la démarche de la France insoumise sur ce projet de loi, et il a dit un point qui était très intéressant, il a soulevé un point qui était très intéressant, qui était le suivant, la logique de ce pass sanitaire, c'est de permettre à des citoyens français de surveiller d'autres citoyens français. Parce qu'en pratique, c'est à ça que ça revient. Et notamment, des bistrotiers, des coiffeurs, etc. Et bien évidemment, ça crée une tension avec le public. Peut-être pas tout le public, mais une partie du public. Une partie de leur clientèle. La première, vous rentrez dans un bar. C'est censé être un lieu de convivialité, un lieu d'ouverture. C'est là où vous allez, vous rentrez, vous connaissez pas le patron, etc. Mais vous savez que la porte est ouverte. Si le premier geste qu'on vous demande de faire, c'est de vérifier que vous êtes bien à jour vis-à-vis des autorités, de fait, c'est un geste policier. Et c'est une ambiance que ne recherchent pas les gens. Alors vous allez me dire, il y en a qui vont se conformer. Oui, il y en a qui vont se conformer, mais il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Il y a d'autres qui ne vont pas le faire. Je ne parle pas des bistrotiers, je parle des clients. Il y a des clients qui ne vont pas aimer ça et qui ne vont pas suivre. Et ça va créer un vrai problème financier. Donc j'en reviens au point, parce que c'est un peu ça, hein, l'élément moteur dans l'être humain, c'est la recherche de son intérêt bien compris. Ce n'est pas un problème en soi, je veux dire, on est programmé pour rechercher notre intérêt, en premier lieu, bien sûr. Ce n'est pas une finalité totale non plus, mais ça existe. Donc ce que tu dis, Vincent, je te rejoins, mais je dis que la limite, elle va se trouver là, c'est qu'au bout d'un moment, ces bistrotiers, par exemple, pour prendre le cas de ces gens-là, vont remarquer que le pass sanitaire leur fait plus de tort que de bien. Alors, ça l'a revendu en leur disant, grâce au pass sanitaire, vous allez enfin pouvoir retrouver votre chiffre d'affaires, etc., etc. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, les cinémas sont en train de le vérifier. Voilà, donc je voulais en parler, mais quelqu'un voulait prendre la parole. Je ne sais pas qui c'est qui voulait prendre la parole. Ouais, c'est moi. Vas-y, vas-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le pass sanitaire et cette ce flicage permanent, ce n'est que qu'une énième mouture en fait de ce que l'on vit depuis 45, parce que depuis la défaite DNS en Europe, les gens sont graduellement, hein, parce que bien sûr en 50-55, il y a encore une liberté de ton, les gens peuvent encore agir, mais on ne fait que renforcer cet aspect policier de tout à chacun, c'est-à-dire que ton voisin, lorsque tu vas dire « Ah putain, j'en ai marre, je me suis encore fait voler mon vélo par un Romanichel », il va te dire « Ah ouais, mais c'est raciste ce que tu dis ». Bon, bah ça, c'était la version qui était encore plus ou moins light. Parce que là, auparavant, on pouvait encore tenir des propos. Là, maintenant, même ce genre de propos tenus dans le cadre privé peuvent vous amener devant un tribunal. Et maintenant, on va encore plus loin, c'est-à-dire que carrément, pour manger, pour boire, et même bientôt pour aller aux toilettes, il va falloir se soumettre à ce genre de contrôle, en fait. Mais c'est normal, ce système est en crise. Hein. J'ai évoqué les causes profondes. J'ai bien aimé l'expression de Florian Philippot, là, qui était au Trocadéro. Il a parlé d'agression oligarchique. Bon, peut-être que Florian Philippot ne voit que la dimension oligarchique. Moi, j'y vois une dimension quand même très sémitique aussi. Hein. Mais c'est effectivement une agression. Et l'agression n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on voit qu'elle est de plus en plus pressante. Et donc je te rejoins sur ce que tu dis, et on se fait agresser, c'est une agression caractérisée, le système nous agresse, et plus ça va, plus il nous agresse dans les petits gestes de la vie quotidienne, et il ne veut plus d'espace qui lui échappe. Vous voyez, quand on dit aux gens, là, non mais 50 personnes qui se rassemblent, c'est pas possible, etc., vous avez des histoires hallucinantes, hein, qu'on a vues depuis 18 mois, des mariages, je veux dire, des descentes de police dans des mariages, mais j'en marche sur la tête, je veux dire. Et la police s'y prête, la police s'y prête, enfin, ça c'est le plus fou, je veux dire... Ça, c'est... Voilà, bon, j'espère qu'ils vont avoir de très très bons avocats aussi, là, les grands hiérarques de la police, parce que quand ça va se retourner, et ça se retournera, il y aura des comptes qui vont être demandés, hein, par les gens. Les gens vont demander des comptes. Qui c'est qui nous a mis là-dedans? Alors, oui, mais j'ai fait qu'obéir aux ordres, oui. Ça a été l'argumentaire à Nuremberg. Bon, mais bon, moi je dis, voilà, la logique de Nuremberg probablement va s'appliquer aussi là, hein, je veux dire, donc, oui, j'ai fait qu'obéir aux ordres, oui, bah, ça va être un peu court. Alors, revenons toutefois sur la dimension purement économique. Donc, je dis, hein, le passeport sanitaire, c'était un peu la carotte. Donc, le bâton, c'était le confinement, allez, vas-y, on tape sur les gens. Hein. La carotte, pour se faire vacciner, c'est le pass. Ah, le pass, d'ailleurs, ils ne disent pas le passeport sanitaire, c'est marrant. Ils disent le pass, vous voyez, c'est comme le pass pour les transports en commun, quoi. Le pass pour votre bus, le pass pour votre métro, etc. Vous voyez, alors que non, c'est un passeport, hein. C'est fait pour autoriser l'accès à des endroits ou les interdire. Et alors, donc, cette carotte, c'était censé être le sésame qui allait permettre aux gens qui s'étaient enfin fait inoculer le Pfizer de pouvoir vivre la vie d'avant, le Graal des Graals. Et alors, le résultat économique n'est pas du tout probant. Je vous lis ça. La source, leprogrès.fr. Alors, les salles de cinéma et les distributeurs ont lancé vendredi un appel à l'aide. Suite à la mise en place du pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs, qui a entraîné une chute de leur fréquentation depuis mercredi. Un plan massif en faveur de la distribution est réclamé par la Fédération nationale des éditeurs de films, qui regroupe les principaux distributeurs français. C'est-à-dire Gaumont, Universal Pictures, Studio Canal, etc. La FNEF dénonce une catastrophe industrielle, indiquant que les entrées des salles ont baissé brutalement de 70% entre mardi et mercredi, jour de sortie des nouveaux films dont le très attendu Kaamelott, premier volet. Si un signal n'est pas donné aux acteurs économiques du secteur dans les prochaines heures, il faudra s'attendre à n'avoir dans les salles qu'un écran noir, affirme la FNEF. Sans les investissements des distributeurs, la production de films est condamnée et l'exploitation en salle ne peut survivre. Bon, ensuite, il continue à demander évidemment des aides. Le pass sanitaire, qui atteste d'une vaccination complète ou d'un test négatif, est demandé à l'entrée de tous les lieux de loisirs, de culture, capables d'accueillir 50 personnes et plus depuis mercredi. Sont notamment concernés les cinémas, les théâtres, les salles de concert, de sport, les piscines, les chapiteaux, les salles de jeux, les parcs d'attractions, les expositions, les foires ou les salons. Le projet de loi prévoit l'extension de ce pass début août aux bars, restaurants et grands centres commerciaux, et qui passe au Sénat, dont on a vu d'ailleurs la conclusion, etc. Bon, voilà, ça continue à être discuté. Bien. Alors, donc, le point est le suivant. D'abord, il n'est pas totalement mis en place, et deuxièmement, il y a des gens qui ne veulent pas être contrôlés, Et il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, une société là à double vitesse qui est sciemment mise en œuvre. Donc ça se convertit en désastre. Mais soulignons, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, que ces gens-là ont accepté de jouer le jeu de la tyrannie. Parce qu'ils sont tous en train de pleurer, ils réclament l'argent des contribuables, y compris des non-vaccinés par ailleurs, mais ces gens-là ont collaboré ignominieusement avec la clique macroniste pour mettre en place cette horreur absolue qu'est ce passeport intérieur qui interdit aux Français qui refusent de se faire empoisonner par Pfizer, Moderna et tous les autres, AstraZeneca, etc., d'avoir une vie normale. Donc je veux dire, ce sont des crapules qui pleurent maintenant parce qu'elles perdent de l'argent. Moi je dis bien fait pour eux, bien fait pour eux. Alors, je voudrais dire quelque chose à propos des cinémas. Je pense qu'on... C'est vrai ce qui se passe pour les cinémas, mais je pense qu'on ne pourra pas généraliser ça aux bars et restaurants. Parce que les cinémas, aujourd'hui, avec Internet, on peut ne pas y aller et quand même voir les films. Alors que le restaurant, ben, on ne peut pas faire ça chez soi, et le bar non plus. Donc, il faudra attendre. Je pense, hein, il se peut que ce soit une catastrophe aussi, mais là-dessus, on ne peut pas prendre les cinémas pour dire ce sera la catastrophe partout. Par contre, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, et ça, je le dis souvent. Ces gens, en fait, ils collaborent avec le système, et le jour où ça se retourne contre eux, ah, oh, ben, ils viennent pleurer. C'est un peu comme les gens, là, que je vois dans les manifs, dire, ah, il faut la liberté d'expression, il faut la liberté d'expression. Oui, mais tant que les fachos étaient mis en prison, et j'en sais quelque chose, vous étiez où? Vous étiez où? Et maintenant, vous pleurez que vous n'avez pas la liberté d'expression? Ah, ben ouais, mais vous savez, leur fameux poème, j'étais juif, ils sont venus prendre les juifs, alors, j'étais pas juif, ils sont venus prendre les juifs, j'ai rien dit, ils ont fumé, patati patata. Ben ouais, mais vous étiez pas fachos, on est venu prendre les fachos, vous avez rien dit. Ben maintenant, ça vous retombe dessus. Je pleure pas, je ne pleure pas du tout. Mais ça, là-dessus, 100% d'accord avec toi. Alors, je veux m'arrêter sur un cas en particulier qui m'a absolument révolté. C'est bien évidemment Alexandre Astier et son film Kaamelott, effectivement attendu depuis environ une décennie. Je ne veux pas parler de son œuvre, ça, on pourrait s'y intéresser, on pourrait avoir un avis nuancé là-dessus, etc. Bien. Mais c'est pas l'occasion, puis on a beaucoup de choses à aborder dans l'émission, donc je ne vais pas m'arrêter à son œuvre. Ce qui est sûr, c'est que Kaamelott est une série télévisée populaire, c'est pas une série exactement, on va dire, mais bon, une sorte de sitcom un peu populaire, ou très populaire, et la version film était très attendue. Et il a fait un ébarrage extraordinaire avec les avant-premières, et ça a été assez trompeur. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aux avant-premières, on ne demandait pas aux gens de venir avec un passeport sanitaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui n'avaient pas de passeport sanitaire, ou qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais qui voulaient voir le film, ils sont allés voir le film. Et dès qu'on a mis en place le passeport sanitaire, les entrées pour Kaamelott ont été divisées par trois. Divisées par trois. Donc, d'un film qui était voué à faire des millions d'entrées, sauf retournement, bon, bah, je sais pas, hein, je suis pas devin, hein, j'ai pas ma boule de cristal, donc je sais pas combien d'entrées va faire Kaamelott, mais c'était un film qui pouvait, en temps normal, envisager de faire vraiment des millions de sorties. Ça pouvait être, je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 millions de d'entrées. Tout à fait possible. Hein, tout à fait possible. Malheureusement, pour ce pauvre Astier, ça lui est pas arrivé. Mais je dis là aussi, bien fait pour sa gueule. Bien fait pour sa gueule à Astier. Parce qu'il était où la veille de la sortie de son film, le 20 juillet? Il était sur Arte, dont le conseil d'administration est présidé par monsieur Bernard-Henri Lévy, qui était encore en train de dégueuler l'autre jour sur les anti-vaccins, sur ceux qui refusent de voir l'instauration de la tyrannie, n'est-ce pas? Bon, donc il était sur Arte en train de dire qu'il fallait absolument mettre en place ce système, que c'était normal, etc., et qu'il espérait que son film n'en souffrirait pas trop. Mais voilà, il est châtié, il est puni par la Providence, je m'en félicite, voilà, c'est encore un collaborateur, parce qu'il faut regarder quand même ce qu'il y a dans l'histoire de la loi sanitaire qui est en train d'être votée. On peut pas dire que personne n'est au courant, c'est partout dans la presse. On interdit les soins programmés aux gens, avec cette loi. C'est-à-dire que des gens qui sont cancéreux, cardiaques, diabétiques, qui ont des soins programmés, qui sont sous dialyse, qui doivent se rendre à l'hôpital, on va leur interdire l'accès. Et on nous fait croire que c'est constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel risque fort d'ailleurs de faire passer ce truc. Donc on va faire, potentiellement, si le truc va à son terme, on parle de dizaines de milliers de morts potentiels. Parce que je rappelle qu'actuellement, il y a 27 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées en France, sur 67 millions. Je suis d'accord que le chiffre va encore baisser. Mais on peut très bien envisager que 10 millions de Français, peut-être un peu plus, même 15 millions, mais imaginons 10, refusent de se faire vacciner, avec de bonnes raisons d'ailleurs, de pas se faire vacciner. Ça représente la population de la Suisse tout de même. Donc on interdirait d'accès aux soins d'abord des gens qui payent des impôts pour y avoir droit, qui sont des citoyens français et qui, à ce titre, ont le droit d'être soignés dans leur pays, tout de même. On parle d'une situation où ces gens-là, on les laisse à l'entrée de l'hôpital, par la force de la loi. Et c'est un dispositif qui, de l'aveu des autorités sanitaires, coûtera 600 millions d'euros par an, voire 700 millions, pour interdire aux gens de rentrer dans les hôpitaux. Vous vous rendez compte où on en est? On va dépenser 700 millions d'euros pour empêcher des Français de rentrer dans des hôpitaux, selon une logique complètement folle, où on leur dit, pour rentrer dans un hôpital, il faut être en bonne santé. C'est ce qu'on explique aux gens. On leur dit, si vous êtes positif au Covid, vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes malade, vous allez contaminer les autres. Mais avec oui, mais c'est pas cher. C'est l'État qui paye, c'est pas cher. Non, mais c'est délirant, je veux dire. À ce titre-là, on va interdire les gens qui ont la grippe, les gastro-entérites, des gens qui ont le sida, de rentrer dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Les hôpitaux sont des lieux où on ne retrouve que des gens en pleine santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ahurissant ce qu'ils sont en train de voter là en ce moment, la bande de crapules. Comment ça se fait d'ailleurs que l'Assemblée n'a même pas été prise d'assaut par la foule du peuple en colère? Je ne sais même pas. Toujours même question. Pourquoi le peuple ne réagit pas? Ah non, mais là c'est criminel, je veux dire, là c'est criminel, et ça vaudra, je le dis en toute sincérité, je veux dire, ça vaudra à Macron de finir derrière les barreaux, si ça se retourne, Macron finira derrière les barreaux avec sa bande à cause de cette disposition tout à fait particulière, je veux dire, les autres dispositions sont scélérates, mais ça mène immédiatement et à très court terme à la mort de gens, si on interdit l'accès aux hôpitaux aux malades, c'est la mort pour eux. Et Olivier Véran l'a revendiqué à l'Assemblée. Il a même fait revoter la disposition, elle avait été rejetée dans un premier temps à l'Assemblée. Il a rameuté à 5h du matin je ne sais combien de députés macronistes qui étaient en train d'aller à gauche et à droite dans Paris. Il les a rameutés, il leur a fait voter cette disposition qui voue à la mort des gens malades, qui ne seraient pas vaccinés, je le répète. Bon, tout le monde est informé de ça. Astier voit ça, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des entrées. Alors moi, des guignols comme ça, je m'en passe très volontiers. Donc j'espère que son film va être un crash. J'espère qu'il va perdre énormément de fric et qu'il se reconvertira, je sais pas moi, dans la vente de saucisses sèches par exemple. Voilà, il pourra briller. Voilà. J'espère ça. Des gens qui collaborent à ce genre de saloperie ne méritent absolument pas d'avoir une longue carrière remplie de succès. Voilà. Et je suis très content de voir que son film est lourdement impacté. J'espère que ça va lui coûter une fortune. Vraiment. Vraiment. Voilà. Moi, perso, ça fait longtemps que je ne peux pas le blairer. Bon, oui, déjà, Kaamelott, il y a des passages qui sont rigolos, certes. Mais bon, c'est quand même transformer cette magnifique histoire celte et médiévale européenne en espèce de vaudeville pour mec de 88, quoi. Moi, je suis désolé. Ce mec chie sur l'histoire européenne avec Kaamelott allègrement. Et le pire, c'est que les gens en redemandent. Pour moi, franchement, ce type, j'ai envie de dire, je comprends pas son succès, mais je le comprends. C'est parce que les gens, ça ou Hanouna, c'est pareil pour eux, quoi. Le truc, c'est qu'en plus, il s'est pas arrêté là. Il a aussi fait, sous François Hollande, un clip dans lequel on voyait une petite fille catholique être mariée avec un vieux catholique. Clip financé par la République, avec Julie Gayet à l'intérieur, si je me souviens bien. Tout ça pour parler des méchants mariages arrangés de certaines communautés françaises, hein, les catholiques, voilà. Les fameux mariages arrangés entre les gérontocrates et les mineurs dans la communauté catholique, c'est très connu, effectivement, oui. Voilà, donc ce mec, non seulement hein, il chie allègrement sur la légende arthurienne qu'il ne comprend pas finalement, il ne comprend pas la beauté de tout ça, c'est lui étranger, quoi. Et en plus, il nous trahit, enfin il nous trahit, il fait pas partie de notre communauté en fait. Il roule pour sa pomme, il bosse avec les fossoyeurs de la civilisation européenne. Moi, je tiens à dire qu'Alexandre Astier est un Arien du Sud selon la stricte définition célinienne. Ok. Ok. Il y aurait de quoi dire hein, sur son œuvre et tout, mais bon, ça serait trop long malheureusement et ça nous écarterait du sujet. En revanche, sur sa posture publique en faveur du passeport sanitaire, c'est rédhibitoire, mais il y avait un fil conducteur que tu as bien cité. Son frère, j'ai oublié le nom de son frère d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle son frère. Lionel, je crois. Ouais, qui écrit, hein, qui coécrit avec lui, qui a coécrit avec lui, a fait un truc contre le complotisme, dans la même veine, hein, genre spot commande d'État, si tu veux, anti-complotiste, typiquement sur lequel, tu vois, la LICRA mettrait son tampon, quoi. Et alors, il s'était foutu de la gueule du Libre Penseur, hein, que vous connaissez, hein, qui est de Marseille, et dans ce court métrage, où joue d'ailleurs le frère d'Astier, c'est pas le libre penseur, c'est le penseur libre. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui se laisse influencer par les conneries qu'il voit sur Internet et il rentre dans un délire conspirationniste, etc. Donc, notez comment, et ça fait le lien, hein, notez comment tout le show business et les médias ont mis en place un discours de délégitimation de tout questionnement du narratif officiel. Et avec le truc sanitaire, c'est devenu flagrant. Avant, c'était déjà le cas, avant, dès qu'on me posait la question, mais qui ? Mais qui ? Qui ? Qui ? Hein ? Qui ? Pose la question, qui ? Quand on posait la question de qui, bah, c'était complotiste. Mais avec le sanitaire, ça a pris une dimension énorme. C'est-à-dire que maintenant, quand vous posez la question avec une distance critique, mais pourquoi faire ça maintenant ? Qu'est-ce qui le motive ? Qui prend la décision, etc. Vous êtes plus ou moins conspirationniste, complotiste, vous laissez dévorer par vos passions, vous êtes victime d'influences obscurantistes, etc. Je dis pas que c'est... Voire carrément habité par la haine. Oui, enfin bon, il y a tout le langage démonologique qui est convoqué. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens délirants qui s'opposent à la vaccination, je veux dire, pour des motifs qui sont, presque ésotériques, si vous voulez. Mais... l'argumentaire anti-vaccinal, dans le cas de figure qui nous intéresse, est politique, il est biologique, il y a toute une explication très solide derrière, c'est pas du conspirationnisme. Et donc, il délégitime l'opposition en disant, en gros, les gens qui critiquent sont irrationnels. Il ne peut pas y avoir de critique rationnelle des politiques menées. C'est le point de vue des élites, hein. Le point de vue des élites, notamment avec la convocation des experts. Il ne peut pas y avoir de critique des politiques menées qui soient rationnelles. C'est impossible. D'ailleurs, pardon, je t'interromps. C'est très amusant de voir Attal disant « Ah, mais les protestataires, je les scinde en deux catégories, ceux qui se posent des questions et les opposants par principe, ce qui dit les bigards, les lalanes, enfin ce qu'on veut, quoi qu'on pense de ces deux personnes, hein, c'est pas bon. Voilà. Et alors il dit bon ben les bigards et lalanes, j'en ai rien à faire, mais par contre ceux qui se posent des questions, qui sont inquiets, il faut débattre avec eux. Et ce qui est très amusant, c'est que quand vous analysez bien leur discours, quand ils parlent de débattre, mais non, ils disent il faut débattre pour les convaincre. Sous-entendu, le débat ne peut avoir qu'une fin. C'est nous qui allons remporter le débat. C'est nous qui allons les convaincre. Sinon, c'est que ce sont des complotistes. Ça veut dire que, même quand ils parlent de débat, en fait, il n'y a pas de débat. Le débat, ça veut dire, écoute-moi, tu peux donner toutes les raisons que tu veux, moi je ne t'écouterai pas, c'est toi qui m'écouteras. Et là, encore une fois, nous les révisionnistes, on connaît ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On est arrivé dans une société logique où logiquement, il ne peut pas y avoir de débat. Il y a une pensée officielle. Et quand on vous parle de débat, en fait, ce n'est qu'une discussion entre gens qui sont d'accord entre eux. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous la fermez et vous écoutez et vous devez acquiescer à la fin. Vous devez avoir été convaincu. Voilà. Et tout ce qu'on peut faire, et rappelez-vous, en avril 2002, pour les moins jeunes, lorsque Jean-Marie Le Pen a été qualifié pour le deuxième tour, qu'est-ce que disaient les politiciens ? nous pouvons, et il le disait comme ça, hein, nous pouvons entendre les protestations des lepénistes, nous ne pouvons pas les écouter. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la démocratie cause toujours. Voilà. Et c'est la notion du débat qui est chez eux. Mais cette notion, cette espèce de dictature, en fait, de la pensée, remonte très haut. Elle remonte jusque dans la Déclaration des droits de l'homme. Parce que on cite souvent les, cette déclaration des droits de l'homme, oh, c'est magnifique, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de recherche, patati patata. Oui, dans la Convention européenne, c'est l'article 10, dans la Déclaration universelle de 48, c'est l'article 19. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toujours les derniers articles. Et les derniers articles des droits de l'homme sont très clairs. C'est, vous ne pouvez pas revendiquer ou utiliser les droits de l'homme pour, dans des objectifs qui sont contraires aux objectifs des Nations Unies, ou qui sont contraires à l'objectif donc de la Déclaration des droits de l'homme. Sous-entendu, tous les droits que l'on vous accorde, vous ne pouvez les utiliser ou même les revendiquer que si vous restez dans l'enclos fermé des droits de l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus vous exprimer si on estime que votre discours a pour objectif, par exemple, d'instaurer une dictature. Vous ne pouvez pas. Ou si on estime, si par exemple vous opposez à un seul droit de l'homme, vous ne pouvez plus parler. Alors on pourra dire, oui, mais bon, c'est théorique. Non ! Dans l'affaire Garaudy, lorsque Garaudy a porté son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, en disant que c'était scandaleux de lui écrire, de lui interdire son livre, donc les mythes fondateurs de la politique israélienne, la Cour européenne des droits de l'homme a répondu, non, parce que vous, votre discours a une finalité de susciter l'antisémitisme, c'est contraire aux droits de l'homme, donc vous ne pouvez pas revendiquer la liberté d'opinion et d'expression. On arrive donc, et je conclurai avec ça, je ne veux pas être trop long non plus, mais tout ce qui est dénoncé là sur le plateau, c'est tout à fait, c'est vous êtes libre à condition de rester dans l'enclos. En fait, vous êtes la chèvre de Monsieur Seguin. Vous êtes libre, mais on vous a mis un pieu et on vous a attaché une ficelle, enfin une laisse. Et tant que vous restez attaché à ce pieu, vous êtes libre. Là, vous êtes dans l'enclos des droits de l'homme, de la bien-pensance, du politiquement correct et aujourd'hui du sanitairement correct. Ouais. Mais dès que vous en sortez, alors là, et c'est terminé. On vous exclut de la communauté. Et comme dit Philippe Bobola avec raison, aujourd'hui, l'injure de complotiste, c'est vous retirer de la communauté. Vous n'êtes plus dans la communauté puisque vous êtes un délirant. Donc, oui, voilà, c'est l'excommunication contemporaine. Hein. Exactement. Il y a négationniste, complotiste, fasciste. Il y a toute une batterie de mots que l'on ressort et qui vous exclut de la communauté. Et d'ailleurs, j'en termine avec ça. Regardez, lorsque Le Pen avait été battu en 2002, les titres des journaux le 6 mai 2002, c'est « La France a gagné ». Sous-entendu, et ça je l'avais développé dans mon livre sur la question, les électeurs de Le Pen ne sont pas des Français, ce sont des fachos. Être facho, c'est pas être Français. Parce que être Français, c'est être républicain. Parce que la France, aujourd'hui, est assimilée viscéralement, corporellement à la République. Je voudrais rajouter là-dessus. Dans la démocratie, tout est à l'avenant. Hein. C'est le mensonge perpétuel. C'est la même chose, par exemple, avec le principe de laïcité. On vous vend ça comme de la neutralité. C'est pas le cas. 100% d'accord. La laïcité n'est jamais neutre. Jamais. Et philosophiquement, c'est maçonnique. Hein. Donc c'est eux qui dominent le game. Alors je vous laisse imaginer quand vous êtes catholique, comment vous êtes classé avec ces gens-là. Pardon. Je voulais rebondir aussi à ce qui avait été dit à M. Renoir, Vincent, qui est ici, à son procès, il me semble, son premier procès à cause de radio sur Glane, à propos de la liberté d'expression. Je suis sûr que Vincent s'en souvient. On lui a dit, mais bien sûr, monsieur, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais vous serez condamné pour ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez le niveau de foutage de gueule de ces gens-là. Vous êtes libre, mais on vous condamne. Eh bien non, vous n'êtes pas libre. Et tout leur langage et toute leur idéologie reposent sur ce genre de mensonge. Démocratie. Oui, bien sûr, nous sommes en démocratie. Le peuple a le pouvoir. Énorme mensonge. Oui, enfin, ils insistent, une démocratie, bien évidemment, mais une démocratie raisonnable qui a besoin de représentants, une démocratie représentative. Et, ils ont des discours multiples, attention, selon la situation. Ah oui, non, mais ça... Réponses varient. Hein, vous savez, c'est le « en même temps ». Donc, oui, par exemple, pour le grand remplacement. Alors, quand vous félicitez le grand remplacement, là, vous allez dire, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, cela existe. Si vous le contestez, on vous dira que ça n'existe pas. Il y a toujours le double langage. Mais rien que le terme démocratie, c'est déjà un énorme mensonge. On sait très bien que le peuple n'a pas le pouvoir en France, ni dans les autres démocraties. Alors ça pose quand même la question de savoir qui a vraiment le pouvoir. Bah, visiblement, c'est un qui pouvoir occulte. Oui, bah oui, qui ? C'est un pouvoir occulte, puisqu'on vous oppose un mensonge. Donc bon, tout ça pose... Disons qu'il... Il est occulte sans l'être, c'est-à-dire que et c'est ça en fait tout le comique de la situation avec Pasternak, qui est devenu si emblématique en fait de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en fait t'as un juif qui est Pasternak, il a une gueule, on dirait Trotsky. Il est là, il boue, il veut agresser le fameux général. Mais qui, monsieur, qui ? C'est-à-dire qu'en fait t'as un juif qui demande, mais qui contrôle les médias ? Je veux dire, t'as un juif dans ce temps. En majesté, sur un plateau de télévision français qui démontre par la caricature que les juifs contrôlent les médias français, qui pose la question à un type qu'on soupçonne peut-être, tu vois, de ne pas suivre, et dit « mais qui contrôle les médias ?» Et s'il répond bah, « les juifs », l'autre il explose, alors qu'il est le juif qui contrôle les médias, je veux dire. Et en fait, ce qu'il ne tolère pas, c'est pas que ça se voit. Ils savent que ça se voit. Faut pas que ça se dise. Oui, le roi est nu, on ne peut pas le dire. Alors on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que le juif est au pouvoir. Donc ce qu'il veut, c'est que le juif veut être loué en tant que divinité toute puissante, n'est-ce pas ? Mais il a le pouvoir honteux. Il a le pouvoir honteux parce qu'il sait que souvent, ça vient avec toute une série de complications, le pouvoir. Hein ? Et le juif redoute certaines réactions populaires, à mon avis. Bah, c'est toute la puissance d'un gouvernement occulte. C'est que comme il n'existe pas officiellement, il n'a pas de compte à rendre, il ne peut pas être tenu responsable de rien, puisque officiellement, il n'existe pas. Oui, c'est ça qui est très ambivalent, c'est qu'en fait, quand ils vous disent « la démocratie, c'est très clair, il y a des représentants, il y a l'Assemblée, etc. » Sauf qu'évidemment, personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien que le pouvoir n'est pas à l'Assemblée, pas plus qu'à la présidence d'ailleurs. Et quand on pointe du doigt ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, et qui se montrent d'ailleurs en situation de le détenir, et qu'on le dit... Là, ça les fait paniquer et ça donne la scène de Pasternak, quoi. C'est qui a le pouvoir ? Et quand tu réponds les Juifs, là, ils... L'auteur de cette situation épouvantable, les Juifs. Les Juifs. Les Juifs, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas négliger, je pense aussi, toute une logique qui, même si l'homme de la rue ne la voit pas forcément, il y a une logique qui est confuse en lui, mais qui est là. On parle souvent de la démocratie et de dire c'est le peuple qui a le pouvoir. Ouais. Mais on va poser une question. Et si le peuple décide par un vote de se retirer le pouvoir, donc de donner le pouvoir à un dictateur, est-ce que c'est démocratique ? Ah bah non ! Ben ça ne l'est pas, parce que justement, le problème de la démocratie, c'est un problème extrêmement complexe, mais sur lequel on ne peut pas passer trop vite. Le problème, c'est que la démocratie disant « le peuple a le pouvoir », eh bien le peuple n'a pas le pouvoir de ne plus avoir le pouvoir. Ça veut dire que ce qui est l'alpha et l'oméga de la démocratie, ce n'est pas la souveraineté du peuple, mais justement c'est parce que le peuple est souverain, il n'a pas la souveraineté de ne plus être souverain. Alors vous allez me dire, oh là là, mais vous faites des nœuds au cerveau, Renoir. Pas du tout. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'à l'époque, en Autriche, Il y a eu l'élection là de comment il s'appelait cet Autrichien là qui est mort d'ailleurs depuis. Jörg Haider. Eh bien, j'ai lu un article extraordinaire d'un professeur. Merci pour la personne qui m'a rappelé que c'était Jörg Haider. Un article extraordinaire qui disait que si vraiment Jörg Haider était un fasciste, un facho, ce qu'il n'était pas en fait, hein, eh bien, même s'il était élu à 99%, ce ne serait pas une élection démocratique. Ce n'était pas un article pour rigoler, hein, c'était un article sérieux. Parce qu'il disait, un homme qui menace la démocratie, même s'il est élu à 99%, ce n'est pas un vote démocrate, puisque ça va mettre en péril la démocratie. Et donc, et c'est pour ça que tous les discours de dire « vous êtes libre, mais pas totalement », c'est une logique infernale qui se déploie et qui est complètement, qui arrive à des contradictions terribles, mais dans lesquelles on est complètement englué. C'est un peu comme le principe de la liberté. Votre liberté, on vous dit, elle est consubstantielle à vous. Sous-entendu, vous êtes libre parce que vous êtes un être humain. Ah oui, mais alors si je choisis de me vendre comme esclave, ben vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas libre de renoncer à votre liberté, parce que votre liberté est consubstantielle à vous. Donc, au départ, quand on pose la liberté comme étant consubstantielle à l'homme, on vous borne votre liberté. Vous n'êtes pas libre de refuser votre liberté. Et donc, à partir de là, peut se développer tout un discours de restriction des libertés. Ah non, pas ça, ah non, pas ça, ah non, pas ça. Et se développe en même temps un discours complètement dictatorial, c'est-à-dire que, par exemple, on retire la peine de mort, même si on sait que la majorité des Français est pour, parce que la peine de mort, c'est pas démocratique. Et donc, le problème de tout cela, c'est que quand on lit bien nos adversaires, parce que je pense que c'est les adversaires de tout le monde ici, ils sont pris dans une logique infernale, contradictoire, et comme disait Dr Porot tout à l'heure, ils peuvent tenir tous les discours parce que chez eux, le principe de non-contradiction n'existe pas. Parce qu'au départ, leur logique là ne connaît pas ce principe de non-contradiction. Vous êtes libre, donc vous n'êtes pas libre de refuser votre liberté. Vous avez la souveraineté populaire, donc vous ne pouvez pas élire un dictateur. Eh bien, à partir de là, tout principe de contradiction n'existe pas. Voilà. Le grand remplacement, si vous trouvez que c'est très bien, ah, oh, mais c'est magnifique. Oh là, la diversité culturelle. Oh là là, tous ces gens partout. Et puis après, quand vous dites, mais c'est un grand remplacement. Non, ça n'existe pas. Vous êtes un délirant. Aucun principe de non-contradiction. Oui, c'est ça. Moi, je vais juste enfoncer le clou en disant, ces principes de la démocratie qui reposent sur des mensonges, c'est vraiment une philosophie démoniaque. Démoniaque. Démoniaque, Satan est le père du mensonge, pardon. Et tout à fait, Satan est le père du mensonge. Et ça ne peut pas marcher. Tant qu'on fonctionnera sur des règles comme ça, il n'y aura rien de bon qui sortira de tout ça. C'est basé sur des mensonges, ça vous interdit d'en sortir, et ça ne produit quoi au final que l'inversion des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, l'interdiction de la peine de mort au nom de la liberté, et la sacralisation de l'avortement, c'est-à-dire l'assassinat des enfants, au nom de la même liberté, celle de la femme ici. Alors excusez-moi, mais ça, ouais, c'est une machine démoniaque. Quand tu dis touche pas à mon corps, ouais, mais touche pas à mon corps, j'ai pas envie de me faire piquer. On te dit ah non, désolé, l'État peut disposer de ton corps comme il l'entend. Ah oui, mais c'est toujours pareil. Tu vois, c'est le principe de non-contradiction qui n'est pas respecté. Ah, c'est le en même temps. C'est... Oui. Et puis pour l'avortement, il y a aussi autre chose. Il y a toute la pensée matérialiste qui est entrée en jeu. Hein, c'est-à-dire que à partir du moment où vous considérez que finalement l'homme n'est qu'un arrangement de cellules particuliers, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas supprimer un fœtus, etc. Et je me souviens, j'étais en voiture un soir, parce que je conduisais que la nuit, moi je n'aimais pas conduire de jour, et il y avait une émission, c'était le 50e anniversaire, je crois, de la loi Veil. Non, ce n'était pas le 50e, c'était le 30e, c'était en 2004, 2005. Eh bien, il y avait des femmes qui venaient témoigner. Et il y a une femme qui a dit, voilà, ben moi, je me suis fait avorter une première fois. Et puis après, j'ai eu deux enfants et je suis très, très content. Et le journaliste lui a posé une question intelligente. Il lui dit, mais madame, vous n'avez pas l'impression d'avoir tué un enfant. J'ai trouvé que cette question était courageuse, surtout déjà à l'époque. Et la dame a répondu, absolument pas. Ah bon, mais pourquoi, madame? Ah ben parce que je ne le voulais pas, le premier. Et alors? Eh ben alors pour moi, c'était qu'un paquet de cellules. Donc voilà une femme, pareil. Quand elle veut un enfant, c'est un vrai enfant qu'elle porte. Quand elle ne le veut pas, c'est qu'un paquet de cellules. On est dans une société où il n'y a absolument plus aucune règle, tout est flou. Et c'était ce que disait Bardèche d'ailleurs dans Nuremberg 2 ou les faux monnayeurs. Tout va être flou. Notre vie va être comme une bulle de savon dont on donne la forme que l'on veut. À partir du moment où une société est devenue comme ça, elle est mûre pour l'effondrement. Elle s'effondrera. Alors ça peut mettre du temps, hein. Ça peut mettre du temps parce que un cadavre social peut encore marcher longtemps, hein. Mais ça va nécessairement s'effondrer. On ne peut pas violer la nature au point où on la viole. Il y aura forcément une catastrophe qui va arriver un jour ou l'autre, qu'elle soit économique, écologique. Qu'elle se soit une guerre et des guerres civiles, une famine, je ne sais pas, mais ça va forcément arriver. On peut pas violer la nature à ce point. Oui, non, tout à fait. Mais pour m'arrêter brièvement sur la démocratie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils insistent bien sur la dimension représentative de la démocratie. C'est marrant parce que tout est toujours un oxymore avec eux. Par définition, elle n'est pas représentative de la démocratie. C'est toujours, quand vous surtout, regardez en pratique comment fonctionne. Par exemple, là, officiellement, le Parlement français représente la majorité de l'opinion en France. Bon, et on sait très bien que Macron et sa clique ne représentent pas la majorité de l'opinion en France, loin s'en faut. Donc, elle n'est pas représentative. Elle l'est pas, tout simplement. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Et c'est l'imposture. C'est-à-dire que quand ils justifient. Parce qu'ils opposent toujours, ils sont assez malins. Ils disent, pour séduire le peuple, on leur dit, voilà, la démocratie. Ah oui, c'est quoi la démocratie? Ah, démos, kratos, le pouvoir au peuple. Alors, c'est très flatteur pour, le dernier individu dans la rue, il a l'impression d'être détenteur d'une parcelle du pouvoir, bien sûr, et de pouvoir à tout instant utiliser cette parcelle de pouvoir pour tenir en respect un homme politique qui serait trop puissant. Ça, c'est en pratique. Sauf qu'en réalité, c'est pas tout comme ça que ça marche. Alors déjà, parce que la démocratie ne consiste pas à remettre le pouvoir à des hommes élus, mais à les priver de pouvoir, premièrement. Ils sont bien élus, ils sont là pour occuper une fonction fictive. Le pouvoir est ailleurs, le pouvoir est financier, le pouvoir est le fruit de réseaux occultes très souvent. Et donc, l'homme de la rue va s'exciter sur un homme de paille, en réalité. Mais cet homme de paille, très souvent, quand il se sent menacé, parce qu'il a quand même une fonction dans ce système, donc la fonction de l'écran de fumée, il va convoquer la démocratie représentative contre les passions des foules. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que quand le peuple commence à s'énerver parce qu'il se fait abuser, qu'il commence à descendre dans la rue, ce n'est plus le peuple. Ce n'est plus le démos. C'est la foule, passionnée, irrationnel, ne sachant pas où est son bien, prêt à basculer dans la violence. Le populisme. Ah ben, le populisme, ça c'est typiquement la critique de la petite clique au pouvoir, quoi. C'est vraiment ça. Et voilà, ils disent ah ben non, nous on est représentatifs, ils représentent qu'eux et leurs intérêts. Et voilà. Donc et c'est ça, c'est consubstantiellement ça la démocratie. Et je crois qu'on serait évidemment plus en phase avec la réalité, avec un pouvoir qui serait autoritaire, méritocratique, mais qui assume sa nature. Tout fonctionnerait beaucoup mieux. Et qui assume son identité. Oui, mais en plus, rien ne fonctionne sur le fonctionnement démocratique. Rien, je veux dire, rien, absolument rien. Ni les familles, ni les églises, ni les entreprises, il n'y a rien qui fonctionne sur ce modèle. Donc la chose la plus importante, à savoir un État, aujourd'hui dans le monde occidental, est livré à la démocratie, qui est en fait une escroquerie. Ça revient, je dis, à mettre en place des hommes de paille, tandis que le pouvoir réel est entre les mains des financiers. Voilà. Et les accords se font entre eux de manière occulte, et vous subissez ensuite la décision qui est passée par des parlements sous contrôle. C'est ce qu'on vit exactement en ce moment-là. Et comme les gens, dans la tête, ce mythe très puissant de la démocratie, ils disent que ce qu'ils ont en face à eux, quand ça marche pas, que c'est pas vraiment la démocratie. Mais si, c'est ça la démocratie, c'est ce que vous avez sous les yeux. Ça ne sera jamais que ça. Ça sera jamais que ça. C'est-à-dire des pourris qui ne servent à rien, qui sont achetés, qu'on met là. Parce que Macron, c'est un serviteur comme un autre. Il partira et on le remplacera par un autre fusible et sa vocation n'est jamais arrêtée. N'est-ce pas? Ce sont des gens qui mentent durant leur campagne politique. Et une fois qu'ils sont élus, ont un chèque en blanc, ils font tout l'inverse. Oui, mais le problème, c'est que les gens acceptent. Enfin, je veux dire, même s'il y a de plus en plus, pour l'instant, les gens acceptent encore. Il suffit de voir les élections, que les gens votent, même s'il y a beaucoup d'abstention. Dans une vidéo, j'ai bien expliqué que, attention, l'abstention, ce n'est pas forcément aujourd'hui un signal qu'on refuse la démocratie. C'est un vote comme un autre. C'est-à-dire, on n'a pas, au sein de la démocratie, on n'a pas l'offre que l'on souhaite. Mais ce n'est pas une remise en cause de la démocratie. Les sociologues ont bien analysé ça, et je suis assez d'accord avec eux. Donc le problème, c'est qu'on est toujours la même chose. C'est que c'est comme la monnaie, en fait. Tant qu'il y a la confiance, ou que l'on joue la confiance, qu'on fait même semblant, ça fonctionne. Et on va toujours arriver avec cela. Parce que vous n'allez pas me dire quand même que les gens savent que les politiciens mentent. Rappelez-vous que les politiciens volent, que les politiciens sont malhonnêtes. Rappelez-vous la blague de Coluche. Quelle est la différence entre un politicien et un oiseau? Ben, des fois, l'oiseau, il s'arrête de voler. c'était une blague de son époque. Bon, mais tout le monde le savait. Je veux dire, parce qu'en général, pour moi, les humoristes font office des bouffons de dans le temps. Le bouffon, c'était celui qui révélait ce qui n'allait pas, mais sous le mode humoristique, pour éviter que ça fasse trop de drame. Mais en fait, c'était des gens très importants dans la royauté, les bouffons. C'était pas que le gars qui faisait des bouffonneries. Non, il révélait des choses, mais sous le mode humoristique. Eh bien, c'est très intéressant de voir souvent ce que disent les comiques. Ils pointent du doigt des choses que tout le monde sait, Donc Coluche pointait du doigt. Regardez par exemple le sketch de Jandel sur l'instituteur. C'est un réquisitoire contre l'éducation nationale, contre le laxisme, le laisser-aller. C'est extraordinaire ce sketch. Tout est dit. Mais tout le monde le sait. Seulement, voilà, le problème, c'est que mais qu'est-ce que je peux y faire? Ben tant pis. Du moment que je tire mon épingle du jeu, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut arriver à un état de catastrophe. Et quand tu parlais tout à l'heure, Gandalf, des gens qui vont peut-être mourir, des gens qui, à cause de tout ça, quand tu parlais de ce pass sanitaire qui va provoquer des désastres financiers, ben moi, je suis obligé de dire bravo, j'espère. Moi, j'espère. Je suis pour la politique du pire. Parce que je veux que ça s'effondre plus vite. Il n'y a plus rien à sauver là-dedans. Il n'y a plus rien à sauver dans ce système. Et c'est pour ça que souvent je dis, allez-y, pardonnez-moi ma vulgarité, faites ce que vous voulez, enculez des poules, je m'en fous. L'important, c'est qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au fond, pour que tout s'effondre. Et c'est pour ça qu'avec ce pass sanitaire qui va sûrement provoquer des catastrophes, je me dis, très bien. Il faut en passer par là. Il faut en passer par là pour que les gens se réveillent. Pour que les gens commencent à se dire, tiens, il faut peut-être réviser nos certitudes. Donc, moi, c'est triste à dire, hein. Je veux pas paraître d'être quelqu'un de cynique et sans cœur, c'est pas ça. Mais il va falloir passer à ce qu'il y ait des gens qui meurent, des gens qui soient obligés de fracturer les portes des hôpitaux, etc. Qu'il y ait des familles qui aillent dans l'hôpital, qui flinguent un médecin qui n'aura pas voulu recevoir quelqu'un de leur famille, pas dire. Et que ça, mais il faudra peut-être en passer par là. C'est triste à dire, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant. Alors, messieurs, juste rebondir là-dessus vite fait. Il ne faut pas trop attendre du peuple, je crois. Bien sûr, il faudra qu'on en passe par des choses difficiles, mais ne vous attendez pas à une grande prise de conscience populaire. Quand il aura faim, Non, il y aura révolte, mais il n'y aura pas conscience. Je crois que le peuple, 80% des gens, peut-être 90% des gens, profondément, ce sont des moutons. Je suis pas d'accord. Suiveurs. Et il n'y aura pas de prise de conscience chez ces gens-là. Mais par contre, et c'est là qu'il y a sûrement des gens parmi les auditeurs qui ont un rôle à jouer, une petite minorité, suffisamment nombreuse tout de même, qui, elle, a conscience, qui, elle, comprend. À ce moment-là, quand elle sera très nombreuse et qu'elle pourra s'organiser, c'est cette minorité-là qui fera bouger les choses. Ne soyons pas démocrates, ne croyons pas que le salut viendra par le peuple. Il viendra d'une minorité consciente décidée à agir. Mais là je ne partage pas, mais enfin, on peut avoir des dissensions, hein, ça me change rien. Moi, je ne partage pas cette analyse-là. Moi, je crois au contraire que dans le malheur, l'ordre naturel, qui est toujours inclus dans la conscience des gens, même si c'est endormi, peut revenir très vite. Notamment, on l'avait vu avec les fameuses grèves des transports en commun à Lyon il y a une trentaine d'années, à quel point les gens se sont transformés dans le malheur. Alors, par contre, que en effet, il faille une minorité, là, c'est là où je suis tout à fait, hein, qu'il faille une minorité pour orienter dans la bonne direction. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y aura quand même une prise de conscience comme il y a eu sous Hitler. Les gens ont repris une conscience, alors que si vous regardez Weimar, la République de Weimar, on n'a pas inventé grand-chose dans la déchéance. Hein. À part jusqu'aujourd'hui, ça vient plus vite parce qu'il y a Internet. Mais quand vous lisez Ambroise Goethe, je conseille à tout le monde de lire Ambroise Goethe, l'Allemagne de la débâcle. Il décrit des pièces de théâtre sous Weimar. Les films les plus dégoûtants d'aujourd'hui, c'est pas pire. Le peuple était, alors bien sûr, ça n'était pas arrivé dans les campagnes, etc., peut-être, mais même après, les nationaux-socialistes ont réussi à revaincre les villes où il y avait vraiment une déchéance terrible. Donc moi, je crois quand même, malgré tout, même si je reste d'accord avec vous, qu'il faut une minorité qui soit là pour orienter, je pense qu'il y aura une prise de conscience. Mais après, on ne va pas se disputer là-dessus, l'avenir le dira, hein. Ce n'est pas du tout, hein. C'est mon avis, hein. Mais je pense ça quand même. Oui, oui, mais on peut être en désaccord. Mais je crois que l'histoire a déjà parlé sur ce sujet-là. Oui, en période de crise, il y a des prises de conscience, mais c'est temporaire. Dès que l'ordre revient, les gens retournent très facilement à la démocratie. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit vraiment un crash total. Là, moi, je pense que s'il n'y a pas une élite derrière pour pousser le peuple, voilà, cet instant de lucidité ne pourra pas durer. Je suis là tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis toujours, il faut se tenir prêt pour quand ça va craquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller dans l'action pure. C'est impossible. Par contre, se préparer, intellectuellement, physiquement, etc., pour être prêt le jour où ça s'effondrera, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour que lorsque l'éclair de conscience arrivera, être là et sortir au bon moment et récupérer le pouvoir dans le caniveau. Pas faire ce qui s'est passé le 6 février 34, par exemple. Hélas, où là, les gens n'ont pas pu en profiter parce qu'ils n'étaient pas prêts. Moi, je dirais aussi, je ne suis pas prêt intellectuellement, physiquement, psychologiquement aussi. Parce que ça sera des périodes dures et il faudra des gens psychologiquement durs. Tout à fait d'accord avec vous, alors à 100%. Insensible à l'apitoiement, insensible au découragement. Il faut peut-être aussi être amené à commettre des actes durs. Alors, voilà. Endurcissez-vous. De toute façon, l'histoire aussi parle d'un truc. Ce sont les gens dont on pourrait croire qu'ils sont les moins forts qui, dans des moments de crise, se révèlent être les plus forts. Je vous donne juste un petit exemple, 5 minutes, ou 3 minutes. Lorsqu'il y a eu la débâcle en 1940, eh bien, les gens qui ont la plupart du temps organisé les secours, ou lors des bombardements à partir de 1943, les gens qui ont organisé les secours, c'était quoi? En général, eh bien, c'était des petites gens, il y avait beaucoup de vieilles dames, notamment dans les hôpitaux, quand les médecins se barraient, vous voyez, qu'il n'y avait plus personne, eh bien, les gens qui ont repris ce qu'ils pouvaient, il y a même eu l'histoire d'un hôpital où ça a été une femme de ménage, qui tout le monde s'est embarré, c'est elle qui a pris, qui a organisé, elle n'était pas médecin, mais qui a pu organiser, qui a pu prévenir pour qu'il y ait des médecins qui reviennent, etc. Et on a vu des tas de fois, quand des enfants ont été abandonnés, des classes entières, il y a eu des cas comme ça, eh bien, c'était des gens dont on n'aurait jamais cru qu'ils avaient de l'envergure qui ont pris. C'est pour ça que je me suis toujours méfié des grandes gueules. Non, je fais énormément confiance à des gens qui, à l'heure actuelle, qu'on ne voit pas, qui sont des simples auditeurs et qui, à ce moment-là, pourront se révéler de façon fulgurante. Oui, oui, bah, le meilleur exemple, c'est Adolf Hitler. Hein. Il n'était pas issu des élites, ce n'était pas un aristocrate, ce n'était pas quelqu'un qui sortait de grandes écoles, c'était un homme du peuple. Exactement. Et d'ailleurs, personne ne croyait, les gens disaient, mais le parti nazi sont des cris d'Indiens, je m'en souviens, cet article qui disait ça. Et il a prouvé qu'avec la foi, qu'avec l'amour du peuple, on n'a pas besoin d'avoir des grands technocrates, bien qu'il en avait autour de lui, attention. Mais je veux dire, du moment qu'on a la foi, l'envie de bien faire, on soulève des montagnes. Et là, je crois que le message du Christ est pas mal. La foi soulève les montagnes, ça j'en suis persuadé. On peut tenir énormément. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de Démocratie participative. Les chacals craignent pour leur peau. Hey, ya, oh, oh. Car leur décompte viendra bientôt. Hey, ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Clocher, nous mettrons claquant dans le vent notre fagnon. Les tambours battent leur appel. Eh-ya, oh, oh. Et pour l'Europe, c'est le réveil. Eh-ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Clocher, nous mettrons claquant dans le vent notre fagnon. Les régimistes nous les chasserons. Eh-ya, oh, oh. Et les marxistes nous les pendront. Eh-ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Clocher, nous mettrons claquant dans le vent notre fagnon. Des camarades sont tombés. Eh-ya, oh, oh. Et nous vaincrons pour les venger. Eh-ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Clocher, nous mettrons claquant dans le vent notre fagnon. Dans la nuit partent nos commandos. Eh-ya, oh, oh. Déjà paraît l'ordre nouveau. Eh-ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Clocher, nous mettrons claquant dans le vent notre fagnon. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode 28. Alors avant d'enchaîner, je voulais, par rapport à tout ce que vous avez dit, je voulais ajouter un petit point. C'est qu'on pourrait, nous dire, ou à tout le moins me dire, mais quelque part, est-ce que, en vous opposant à la tyrannie sanitaire, est-ce que finalement vous ne faites pas une critique très démocratique de ce gouvernement, de cette méthode de gouvernement en tout cas, ce qui n'est pas une contradiction. Alors là, je suis en désaccord total, parce que la justification de cette tyrannie, qu'il faut d'ailleurs distinguer de dictature au sens propre, est fondée sur l'illégitimité profonde de ceux qui la mettent en place, parce qu'ils sont minoritaires. C'est-à-dire que c'est un cartel de minorités, alors qui, par intérêt d'argent, qui par affinité, j'allais dire, ethno-religieuse, suivez mon regard, il y a d'autres réseaux un petit peu similaires, comme le réseau LGBT, etc. Bon, ce sont des minorités qui, pour se maintenir au pouvoir, n'ont qu'une solution, c'est de recourir à l'autoritarisme. Donc c'est en fait la racine de cette méthode de gouvernement est l'illégitimité, qui n'a rien à voir avec l'autoritarisme populaire, plébéien, que moi je défends. Parce que lui défend la majorité contre les minorités agressives. Et précisément, la démocratie est conçue pour désarmer le peuple. Et le peuple ne le comprend jamais. Parce que la démocratie, c'est d'abord des abstractions, alors, des grands mots, bon, ce qu'on retrouve dans les droits de l'homme. Et en pratique, ça ne fonctionne jamais comme ça. En pratique, vous avez toutes ces démocraties parlementaires achetées, surachetées, vendues, corrompues, des magistrats, etc. Et ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, qui ne sont pas des contre-pouvoirs au sens où ils s'opposeraient au pouvoir profond, mais qui visent à empêcher le peuple d'exercer son pouvoir. C'est très différent. On le voit d'ailleurs avec les magistrats, là, il y a 8000 magistrats en France qui font la loi, au sens strict d'ailleurs, et contre le peuple. Le peuple n'a qu'une envie, c'est de pendre les criminels, et les magistrats n'ont qu'une envie, c'est de les laisser en liberté. Et de quel côté est le contre-pouvoir ? Du côté des magistrats. Donc c'est les magistrats contre le peuple. Et tout est comme ça en démocratie. Parce que c'est ce dont ont besoin les grands prédateurs financiers, c'est d'États faibles, fondamentalement. Un pouvoir plébéien fort a besoin d'un État fort, au sens régalien du terme, pas tellement au sens économique. Hein. Je ne suis pas un grand interventionniste, si vous voulez, en tout cas dans le détail de la vie économique. Après, il y a des grandes stratégies, des grandes orientations, mais voilà. Mais je suis pour cet autoritarisme fort, parce que c'est le seul obstacle à cette prédation internationale. Parce qu'il faut s'imaginer une chose, quand vous prenez le pouvoir dans un pays donné, vous avez les chacals internationaux qui se coalisent contre vous. Et ils payent des agitateurs. Donc en fait, et c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas avec Adolf Hitler, on le peint sous un portrait d'agresseur, etc. C'est ne pas comprendre que la situation était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la minute où il a pris le pouvoir légalement, démocratiquement, en tout cas en respectant les règles institutionnelles de son époque, dite démocratique, ou en tout cas républicaine, et que le peuple a manifesté, en tout cas une bonne partie du peuple allemand a manifesté une volonté de changement, qu'et ensuite cette volonté a été renforcée par différents plébiscites, les démocraties et les financiers internationaux qui se trouvent derrière ont dit « c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça ». Et ensuite on est entré en guerre contre l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais ça s'est déroulé ainsi à chaque fois qu'on a eu un État fort manifestant une volonté d'indépendance réellement nationale. Ça s'est toujours passé comme ça. On a beaucoup d'exemples. Je veux dire, Kadhafi, c'est ce qui s'est passé pour lui. On a liquidé Kadhafi parce qu'il était trop indépendant et à la première occasion, les Juifs l'ont fait assassiner. Parce qu'il ne faut pas non plus passer par des intermédiaires. L'assassinat de Kadhafi a été ordonné par les Juifs. Et on peut continuer comme ça longtemps, il y en a eu beaucoup d'autres. Et Poutine aujourd'hui, c'est ça, c'est parce que les gens peuvent dire « Oui, mais Poutine, il a des accords, vous savez, tout n'est pas si clair, etc. » Mais bien évidemment, par la force des choses, la Russie est une grande puissance avec des engagements, etc. Donc évidemment que Vladimir Poutine n'est pas la réincarnation d'Adolf Hitler. Mais vous voyez bien que ça n'est pas le chouchou des médias occidentaux. Pourquoi ? Parce que d'après les financiers internationaux et d'après leurs médias et leur démocratie, le pouvoir russe est trop fort. La nation russe est trop forte. Et ça ne va pas. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre notre critique de cette tyrannie, en tout cas ma critique, celle que je fais, de cette tyrannie, avec un propos démocratique, pour ne pas dire démocrasseux. C'est pas du tout ça, hein. Mais il faut que le pouvoir soit légitime. Un pouvoir légitime s'appuie sur le peuple, par définition. Voilà. Mais il ne faut pas se mentir en disant que, voilà, avec des élections à tout bout de champ, en France, on vote tous les ans. Et pour tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est pas une question d'offre. Vous avez je ne sais combien de partis, je ne sais combien de candidats sur... avec toutes les idées les plus originales, tout ce que vous voulez. Ça ne résout rien. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'organisation du pouvoir. Et si, en fait, il n'y aurait qu'une candidature nouvelle en France aujourd'hui, ce serait un candidat qui arriverait et dit « Ben moi, si j'arrive au pouvoir, je mets un terme à la démocratie. » Ce serait la seule candidature qui offrirait une véritable nouveauté. Et d'ailleurs, ça vaudrait probablement à celui qui le dirait, d'ailleurs, de finir en tôle. Mais c'est ça. Voilà. Donc je voulais préciser cette chose, parce qu'on pourrait nous dire que à nous plaindre, comme nous le faisons, des mesures autoritaires du gouvernement, finalement, nous n'aurions qu'une envie, c'est de vivre justement dans une démocratie libérale des années 80, ce qui n'est pas du tout le cas. voulais le préciser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, je voulais clarifier mon point de vue là-dessus. J'enchaîne avec notre discussion, point numéro 3. Alors, on parlait, vous savez, justement, notamment avec le cinéma, des réactions du peuple face aux mesures ahurissantes qui sont prises, qui attaquent cette agression terrible contre... je dis pas les libertés, je prends pas le discours droit de l'homiste, hein, je parle de liberté anthropologique. Enfin, c'est les libertés entre les libertés vraiment enracinées dans le genre humain. Bon, la liberté d'avoir des interactions sociales avec ses semblables, par exemple. Enfin, c'est fondamental, par exemple. Elles sont attaquées de front, et on disait, ah, bah, les gens, ils suivent, peut-être que si ça se passe mal individuellement, il y aura des réactions. Alors, premier concerné, les soignants. Article de Russia Today qui me paraît intéressant. La section CGT du groupement hospitalier Porte de Provence dans la Drôme a déposé un préavis de grève illimité afin de s'opposer à l'obligation vaccinale des soignants. La décision n'a pas été suivie par le syndicat majoritaire de l'établissement. Nous avons donné un préavis de grève illimité à partir d'hier midi. On refuse l'obligation vaccinale. On demande plus de transparence. On manque de recul vis-à-vis de ce vaccin, a déclaré Elsa Ruyère, secrétaire adjointe de la CGT du groupement hospitalier Porte de Provence, à Montélimar dans la Drôme, citée le 23 juillet par l'antenne locale de France Bleu. La veille, la responsable syndicale avait commenté cette décision lors d'une intervention télévisée sur RMC, lors de laquelle elle avait entre autres dénoncé des mesures gouvernementales discriminantes et sectaires. La majorité des agents ont une intention de grève. Il y en aura dans tous les services, a assuré la syndicaliste sur France Bleu, affirmant avoir sondé ses collègues au préalable. On a des soignants qui démissionnent, décident de se réorienter, abandonnent leur vocation. Je pose cette question au gouvernement, comment allez-vous faire si 40% des soignants démissionnent, a-t-elle encore interrogé. Alors, voilà les situations que nous recherchons tous, c'est-à-dire une situation de refus catégorique jusqu'à la confrontation avec le gouvernement en place sur cette question, sur cette loi qui doit passer, instaurant le passeport sanitaire, l'obligation vaccinale, alors d'abord pour certaines catégories socio-professionnelles, mais vous avez bien compris que ça va être étendu, d'ailleurs Macron l'a dit dans son discours, son allocution télévisée le 14 juillet, que ça allait être étendu. Nous y voilà. Comment réagissez-vous aux propos de cette syndicaliste, alors pour le coup de la CGT, qui dit que voilà, une bonne partie de l'hôpital se met en grève parce qu'ils ne veulent pas se faire piquer. Je dis quand même, hein, c'est intéressant à relever, que ce sont des personnels soignants, ce sont des gens qui connaissent les questions médicales quand même. D'accord. Donc c'est quand même assez cocasse de voir que s'ils étaient d'accord de piquer, je veux dire, les gens qui venaient se faire piquer, sans du tout rechigner, à la minute où on leur dit « vous allez vous faire piquer », là tout d'un coup, attendez, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en grève. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a énormément de réactions du personnel soignant, et notamment lorsque Gabriel Attal, là, hein, je crois qu'il s'appelle Gabriel, le porte-parole du gouvernement, est intervenu sur, je crois que c'était Sud Radio. Il y a eu une question d'une directrice d'un établissement hospitalier de Loire-Atlantique qui a dit, mais moi en septembre, toutes les filles du paramédical ne veulent pas se faire vacciner, comment vais-je m'occuper? Comment je vais rouvrir des lits puisque je n'aurai plus de personnel? Les infirmières, elle a dit si, mais pas. Donc, il y a en effet, au sein du personnel soignant, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, bien que ça reste quand même minoritaire, il y a quand même une réaction. Et ça va être un sujet, d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo qui paraîtra demain, je parle de ces soignants qui ne veulent pas se faire vacciner et qui ne céderont pas. Alors maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? C'est un autre problème. Est-ce que dans cet hôpital où la CGT, enfin la branche de la CGT a fait un préavis de grève, est-ce que ça va être suivi, etc. C'est à voir. Mais justement, je pense que cette réaction du personnel soignant, s'il y a une mobilisation plus forte du peuple entier, elle va se précipiter, elle va continuer. Et il va y avoir des graves problèmes dans les hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose très intéressant qu'il faut suivre pour les prochaines semaines. Oui, et ça c'est juste la question de l'obligation de se faire vacciner pour les soignants. Ça n'intègre pas l'interdiction d'accès aux soins. Tout à fait. Pour ceux qui ont des soins programmés, qui est quand même une saloperie sans nom. Enfin, je veux dire, les gens ne réalisent pas, hein, j'insiste là-dessus, mais les gens ne réalisent pas ce que ça implique. Interdire des soins programmés à des gens qui sont qui sont malades. Enfin, je veux dire, ils sont fous. Et j'aurais ah mais... c'est non mais c'est... non mais Macron va finir en prison. Il faut quand même le piller. C'est pas Sarkozy. Ah mais peut-être qu'il a pris quelques valises de billets avec Kadhafi ou ah mais Chirac, est-ce que quelque part il n'aurait pas piqué dans la caisse quand il était à la mairie de Paris, etc. Oui, d'accord, mais ça c'est les magouilles habituelles, ok. Par ailleurs, pendant leur magouille, ils ont peut-être fait assassiner un ou deux témoins gênants, d'accord. Bon, mais ça, j'allais dire, c'est aussi vieux que la République. J'allais dire, c'est aussi vieux que le politique même. Mais c'est pas ça dont il s'agit. Là, interdire sciemment à une population potentiellement de la taille de la population suisse refusant de se faire vacciner en France, hein, je dis, hein, 10 millions, l'accès aux soins, alors qu'il y en a qui sont, je veux dire, s'ils n'ont pas accès aux soins, ils meurent dans quelques mois, parce qu'ils peuvent tout simplement pas s'en passer. Ils sont fous alliés. Donc qu'est-ce qui va se produire dans les différents hôpitaux? D'abord, je vous parle même pas au plan légal, qu'est-ce que ça implique. Puis deuxièmement, il y a des médecins qui vont dire, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, ben, on peut pas... Parce que les médecins, ils vont pas juste être là, oui, mais vous comprenez, on obéit... Il y a, comment dirais-je, à Haguenau. Il y a eu une polémique là-dessus, parce qu'ils ont anticipé à Haguenau. Alors vous savez, dans un hôpital, évidemment, on a tendance à englober tout le personnel, mais c'est pas vrai du tout. Vous avez des aides-soignants, vous avez des docteurs, vous avez du personnel administratif, etc., du personnel qui travaille en cuisine. Enfin, bon, il y a des gens très différents qui travaillent dans un hôpital. Et en fait, le personnel administratif, souvent composé de bonnes femmes, parce que c'était une bonne femme, en l'occurrence, qui n'ont pas vraiment de suite dans les idées, elle a dit, ah bah oui, mais le président de la République, il a dit, donc faut faire. Alors, elle a anticipé, elle a affiché à l'entrée de l'hôpital d'Haguenau, des visuels en expliquant aux gens que début août, c'est terminé, pas de passeport sanitaire, pas d'entrée à l'hôpital. Alors, ça a tellement gueulé, ils ont accès, les bandits du Parlement ont dit oui, bon, en cas d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, quoi? C'est un accident de la route, un accident domestique? Mais c'est infinitésimal sur la proportion de gens qui ont besoin de soins. Donc, c'est pour vous dire que ces gens sont des criminels. Je suis en train d'expliquer que la clique des députés majoritaires qui votent actuellement cette loi doivent tous être mis en état d'arrestation, sans aucune exception. Pareil pour tous les responsables dans tous les ministères, et de la même façon dans la fonction publique, et y compris dans l'administration hospitalière qui est en train d'essayer de mettre en place ce truc. Vous ne pouvez pas empêcher des dizaines de milliers de gens d'accéder aux soins. C'est pas possible. D'abord, parce que... Ce sont des citoyens français, premièrement. On ne peut pas les laisser mourir, premièrement. Voilà. C'est pas possible. Deuxièmement, ils payent des impôts comme tout le monde. Ils n'ont pas à devenir des gens qu'on laisse crever comme des chiens sur le bord de la route. Surtout pas dans un pays avec un dispositif qu'on appelle la CMU qui soigne tous les pouilleux de la terre qui viennent poser leurs valises en France quand ils ont même des valises. Parce que généralement, tout leur est offert. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Et je sais que des médecins vont dire que ce n'est pas possible, il va y avoir des troubles dans les hôpitaux, c'est évident, il va y en avoir, chez les infirmières, chez les médecins, etc. Ça ne va pas pouvoir passer. Donc, non seulement il y a la question de l'obligation vaccinale pour les personnels, je ne parle même pas des pompiers, parce qu'il y a beaucoup de pompiers volontaires, ils font ça de bonne grâce, ils font ça parce que c'est une vocation, ils veulent être pompiers pour aider les gens de leur commune, parce que souvent les pompiers volontaires sont dans des casernes locales, donc ils veulent aider j'allais dire presque leur famille, hein, si vous voulez. Et eux, il n'est pas du tout pour eux question de se faire piquer, parce que comme tout le monde, ils se posent des questions sur ce vaccin. Et un des arguments soulevés est totalement logique, c'est que c'est un vaccin expérimental. Alors c'est une autre discussion qu'on peut avoir d'ailleurs un petit peu après, mais les justifications pour dire moi je ne veux pas me faire vacciner sont parfaitement recevables au plan médical, d'accord? C'est pas une illumination. On a le droit de dire non. On a le droit de dire, voilà, moi, non, c'est expérimental à ce stade, moi, non. Voilà, merci de m'avoir proposé. Là, on cherche à les forcer, ça va créer des troubles très importants. Voilà. Alors après, on va revenir hein, sur qu'est-ce qui motive une telle radicalité de la part du gouvernement et qui n'a rien à voir avec le virus, mais on en parlera dans un deuxième temps. Vincent, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais juste dire que moi, je pense que dans cette radicalité, alors après, c'est multicausal, hein, une telle radicalité, mais je pense qu'il y a un pari du gouvernement qui consiste à dire les gens vont se soumettre. Les gens vont se soumettre et comme ça, quand on pourra dire que la pandémie est sous contrôle, etc., on aura une super aura de personnes qui avaient bien agi, qui avaient pris les bonnes décisions, etc. Et je pense qu'il y a comme un pari sur la faiblesse des gens qui acceptent tout. Ils se disent, de toute façon, en dernière minute, les gens se feront vacciner. C'est mon avis, hein, mais... et encore une fois, il n'y a sûrement pas que ça, mais je pense qu'il y a ça. Ils se disent, on y va, on verra, ça passe ou ça casse, mais ça va passer. À leur place, dans leur situation, hein, je me mets à leur place, je ferai ça aussi. Je dirais non, non. Et comme ça, après, on apparaîtra vraiment comme des super gouvernants et qui ont fait ce qu'il fallait, etc., etc. Et pour l'instant, je dirais, ils peuvent s'appuyer sur une majorité qui se fait vacciner, etc., etc. Oui, mais attention, c'est très ambigu l'histoire des gens qui ont été vaccinés, parce que beaucoup de gens ont été vaccinés, se sont fait vacciner, mais de mauvaise grâce. On est d'accord. Il faut pas le perdre. Ils se sont soumis, je suis d'accord. Ils se sont soumis sous la contrainte ou par peur, parce qu'ils voient les médias, ils pensent qu'ils vont mourir demain. Mais souvent, c'est par facilité. Ils disent, bon, là, vous voulez que je... Là, ok, je me fais piquer, voilà. Et puis, là, allez, redonnez-moi ma vie normale, etc. Et qu'on n'en parle plus. Ils sont dans cet état d'esprit. Ils sont dans cet état d'esprit. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et ce qui va arriver, on va leur dire, désolé, il y a des variants. Eh oui, je suis désolé, il va falloir vous faire piquer plus régulièrement que ça, et désolé, on ne peut pas mettre un terme à toutes les restrictions, et puis il va y avoir beaucoup de monde. Ah, mais ça va être beaucoup plus compliqué, parce que certains peuvent le faire, mais d'autres vont dire, attendez, là, je ne comprends pas, là, combien de temps ça va durer, parce qu'il n'y a plus de visibilité. C'est là qu'on en vient à la question de la confiance. C'est-à-dire que tu peux les faire plier, si tu veux, en les intimidant, avec une carotte, donc, soit le bâton, tu les intimides, tu leur fais peur, soit la carotte. Ah, regardez, vous allez pouvoir faire ça une fois. Mais s'il n'y a plus de visibilité, parce que leur projet implique qu'il n'y ait plus de visibilité, les gens vont dire, attendez, bon, à un moment donné, quand tout ça cesse? Quand et quoi? Et le pouvoir ne va pas répondre. Et c'est là, à mon avis, qu'on va vers de graves troubles. Et les gens actuellement qui sont fait vacciner sont convaincus que l'histoire est terminée. Ça, il faut se mettre dans la tête. Quelqu'un, le vacciné lambda aujourd'hui en France, est convaincu que tout est derrière lui. C'était ça le contrat qu'il a noué avec le gouvernement et avec le gouvernement et avec Macron. C'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est l'histoire ancienne. Ah oui, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, d'accord, mais c'est l'histoire ancienne. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est que non, c'est pas du tout l'histoire ancienne. Oui, mais il y a aussi le problème du comportement. Le comportement humain qui a été très bien étudié, c'est que on sait très bien que ça, c'est le principe du pied dans la porte ou de l'engagement, la théorie de l'engagement. À partir du moment où vous vous êtes fait vacciner deux doses, si on vous dit « ah ben non, mais il faut une troisième à cause des variants », vous savez, c'est l'expérience qui consiste à dire aux gens, si vous dites aux gens est-ce que vous pouvez donner, par exemple, 10 euros pour telle cause? Les gens vont dire non. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, est-ce que vous pouvez signer une pétition pour telle cause? Ah oui, donner sa signature, on n'en a rien à faire. Et une fois que les gens ont signé, on leur dit, oui, bon, mais maintenant, est-ce que vous pourriez donner pour la cause? Et bien, à ce moment-là, il y a énormément de gens, ou énormément plus, qui donnent. C'est la théorie de l'engagement, qui a été très, très bien étudiée par tous ces comportementalistes. Donc, je n'en suis pas si sûr de ce que tu dis, mais encore une fois, je peux me tromper, hein, je me suis aussi trompé dans ma vie beaucoup de fois, hein, mais il y a un risque très net que les gens disent, oui, bon, bah, maintenant, je me suis déjà fait vacciner, c'est bon, je peux me faire vacciner une fois de plus, et puis après tout, la grippe, bah, c'est tous les ans, oh, bah, pourquoi pas. Donc, il y a le phénomène, hélas, non seulement de ce qu'on appelle justement de l'engagement, et aussi, il y a le phénomène d'inhibition sociale qui a été très, très bien étudié avec des expériences terribles que moi, je réprouve avec des souris, mais qui prouve bien que quand on est isolé, eh bien, face à la pression, on subit. Et comme on est dans une société très, très individualiste, Eh bien, les gens sont chez eux, les gens sont assez isolés, mine de rien, parce que les amitiés Facebook, tout ça, c'est rien du tout. Eh bien, ils risquent de se soumettre. Alors que si les manifestations prennent de l'ampleur, parce que dans les manifestations, les gens se soudent, alors là, ça peut changer. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment, aujourd'hui, là, on est à une transition. Il faudrait pas que le rendez-vous soit raté. Moi, je suis très, très pessimiste, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est pessimiste qu'il faut pas combattre. Mais il y a tous ces phénomènes. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit, non, là, c'est pas possible, les gens n'iront pas jusqu'à là. Les gens n'iront pas jusqu'à là. Eh ben non, c'est l'engagement qui fait qu'on va toujours, toujours plus loin. Quand la loi Guesso est passée, je reviens toujours au révisionnisme parce que ça a été ma vie, on a dit non, les juges, ils vont jamais mettre en prison un révisionniste, non. Et c'est vrai qu'au début, non. Il y a mis des amendes, ça équivaudrait aujourd'hui à du genre 1000 euros ou 500 euros, enfin. Et c'était tout. Ouais, mais 20 ans après, ça y est, ils ont voté. Et maintenant, c'est automatique, hein. Le révisionniste en France, c'est prison ferme. Donc, l'engagement fait que on va encore voir, hélas, je pense, pas mal de gens se soumettre, parce qu'on dit souvent, voilà, j'en termine avec ça, je ne veux pas être trop long, mais on dit souvent, ah oui, mais vous comprenez, mais non, mais vous n'avez pas compris que les gens ne sont pas d'accord avec l'État, mais ils se soumettent. Pardonnez-moi, mais la soumission, c'est une facette de la démission et de la décadence. Je veux dire, soumis ou pas soumis, je veux dire, que vous le fassiez de bonne grâce ou soumis, s'il n'y a pas un moment où vous dites non, je ne le ferai pas, bon, ben, c'est comme si vous faisiez de bonne grâce. Hein, pour oui, l'État. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ah ouais, c'est pour ça que moi, c'est facile de dire ah ben non, oui, mais il se soumet, rassurez-vous. Mais moi, ça ne me rassure pas du tout. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un contrat moral qui est signé entre l'État et ses sujets, n'est-ce pas? Et pour que la confiance soit maintenue, il faut qu'il y ait un semblant de réalisation de l'engagement de la part de l'État du système. Tu vois, ça peut pas être, ça doit être donnant-donnant, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, la vaccination a un risque, entre guillemets, très réel d'échouer. Elle est même garantie d'échouer parce qu'elle a été programmée pour échouer quant à son but initial affiché, qui était d'atteindre l'immunité collective, ce qui est impossible, il y a des variants. J'en ai parlé la semaine dernière, donc se conférer à l'émission. Donc de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs la mauvaise nouvelle qu'a annoncée Delfrécy, on va y revenir. Mais ça se manifeste par des choses très, très symptomatiques, très, très réelles, très, très révélatrices. Donc y a beaucoup de gens qui ont dit « Ok, je me fais vacciner, je vais aller en boîte de nuit ». On a souvent entendu ça, hein, j'ai envie d'aller en boîte de nuit, m'éclater, en réalité, hein, essayer de trouver une nana, hein, généralement c'est ça. Alors regardez ça, c'est tout frais, hein, cette semaine. Alors la source, que je sois précis, France Bleu. Alors chaque soir, 300 à 400 personnes ont fait la fête à The Room, donc c'est une boîte de nuit, hein, entre le 13 et le 17 juillet, donc ça c'est dans la région de Lille, hein. Parmi les danseurs, et malgré le pass sanitaire obligatoire, 70 cas de coronavirus ont été détectés, annonce l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France samedi 24 juillet. Elle appelle tous les clients qui ont fréquenté cette discothèque basée rue Gambetta à Lille à se faire dépister au plus vite. D'abord, 6 malades ont été identifiés, mais en remontant la chaîne de contamination, 78 personnes sont désormais positives au coronavirus. Le criblage en cours révèle une mutation évocatrice du variant Delta, précise l'ARS. Elle demande donc, par mesure de précaution, à tous les clients de se faire tester et à limiter leurs interactions sociales d'ici les résultats du test. Alors, si la législation passe, les 78 gagnants du loto auront gagné le droit de rester bouclés chez eux sous la surveillance de la préfecture. Je tiens quand même à leur annoncer. La très grande majorité des personnes concernées sont des jeunes de 19 à 26 ans, poursuit l'ARS. Ah, ils se sont fait piquer, ils ont cru, ouais, c'est bon, on va pouvoir aller faire la fête. Qui ne sont donc, pour la plupart, ils sont que partiellement vaccinés. Enfin, ils sont quand même vaccinés en partie. Hein. Ils n'ont pas eu les deux doses, mais ils en ont eu une. Alors, ces contaminations, qui arrivent à peine 2 semaines après la réouverture des établissements de nuit, désolent le gérant. Il avait pourtant scrupuleusement mis en place le pass sanitaire, obligatoire depuis le 9 juillet pour les boîtes de nuit. Donc, après ce cluster, il a pris la décision de fermer The Room à partir de vendredi 23 juillet, car malgré les précautions, le coronavirus joue les troubles faits dans ces soirées qui ont rassemblé 300 à 400 jeunes sans masque. Bon, alors, vous avez bien compris que ça ne va pas s'arrêter, d'accord? Le passeport sanitaire, et c'est là qu'on le voit, a vocation, si vous voulez, à s'instaurer comme mesure de gestion des masses dans la durée, véritable objectif du système et pas du tout à juguler l'épidémie. Et remarquez qu'ils remettent pas en cause le pass, hein, même les, comment dirais-je, les médias ou même le gérant. Il n'y a pas de contestation, on ne dit pas, mais ça sert à rien. On referme, on reconfine. Vous voyez, les mecs ne sortent pas de cette peur panique. C'est très révélateur. Alors, pour s'arrêter sur le cas des boîtes de nuit, pour démontrer par A plus B que ce qui est visé, c'est le contrôle social et pas du tout la dimension sanitaire. C'est que vous avez remarqué que dans le projet de loi de Macron, les tests PCR deviennent payants. Ça coûte environ 50 euros. C'est pas donné au kidab. Alors évidemment, les gars de la Jet Set qui ne veulent pas se faire vacciner, ils n'ont rien à faire. Mais le jeune de 19 à 20, à 26 ans qui veut aller en boîte de nuit, il s'en fout totalement, il ne va pas payer 50 euros pour un test PCR. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire piquer, surtout qu'on l'y incite. D'accord, bon. Alors, les tests PCR, dixit les autorités, ont valeur, jusqu'à présent, de justification pour son pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez le fric pour payer votre test, eh ben, vous pouvez ne pas prendre le vaccin. Et c'est admis. Donc, c'est légitime, le test. Mais maintenant, il devient payant. Bon. Alors, on se retrouve dans une situation où, en fait, il décourage l'utilisation d'un moyen jugé pourtant, en tout cas, légitime de déterminer si on est malade ou pas, pour un vaccin qui, c'est prouvé, ne protège pas du tout de l'infectiosité du virus. Donc à quoi sert le pass sanitaire? Puisqu'on décourage l'utilisation des tests, okay, au profit d'un vaccin qui n'empêche pas la contamination. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi viser les tests? Bon, là, tout le monde a bien compris. Donc voilà, donc, quand je parlais de la rupture de la confiance, c'est ce genre d'incident-là qui contribue à ça. C'est-à-dire que maintenant, là, les jeunes qui sont contaminés, ils disent « Mais qu'est-ce que je fais ? Je me suis fait vacciner, j'ai mon test, je vais en boîte de nuit, mais je suis quand même affecté, et on me dit de rester chez moi. » Et bientôt, ça sera par obligation de la loi, ils seront même interdits de sortir. Donc les gens vont dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là » Et là, ils vont entendre parler des variants, on va y venir. Mais, donc, là, si vous voulez, les gens n'ont plus de visibilité, ils n'ont plus de confiance dans le discours du gouvernement, et ils ne savent plus du tout à quel sens vouer, parce que, encore une fois, on leur a vendu la vaccination comme le sésame, qui résout tous les problèmes. Vous voyez, ça c'est un exemple concret. Et toutes les boîtes de nuit, là, à mon avis, en France, doivent vraiment se regarder bizarrement, là, en ce moment. Ils doivent se dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'ils achètent le discours, quoi. Et d'ailleurs, je précise que le gérant, je suis très content qu'il se prenne ça dans les dents, parce que lui aussi a collaboré pour remplir sa caisse. Comme les cinémas, hein. Ces gens-là voulaient faire du fric, et ils ont accepté de collaborer avec le régime. Et maintenant, ça se passe pas comme prévu, eh ben, je le dis, j'en suis très content. J'en suis très content, voilà. Il fallait adopter une autre position dès le départ. Hein, c'est aussi simple, quoi. Je sais pas si vous avez un truc à dire sur ce point précis, sur cette anecdote dans les discothèques, qui seront probablement demain étendues aux bars et partout, parce que très vite, on va leur dire, mais en fait, on peut être quand même contaminé partout. Non, rien. Alors j'enchaîne. Avec... Bah oui. Vas-y, ouais. C'est comme tu dis, on fait des promesses, on vous promet la vie d'avant, et puis en fait, pas du tout. Voilà. Justement, mais regarde la réaction de Véran, parce que Véran, justement, à cause de ces problèmes-là, on lui a dit, mais attendez, votre truc, là, ça va durer combien de temps? Alors, ça, c'est France Info. La mise en place du pass sanitaire continue d'agiter les débats politiques, mais aussi sociétaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a eu l'occasion de le constater lors d'une rencontre avec des lecteurs du Parisien le samedi 24 juillet, donc en pleine manifestation de masse, là, dans les rues. Les discussions animées, qui ont duré plus d'une heure, selon le quotidien, se sont rapidement concentrées sur le pass sanitaire. Le ministre a confié que le gouvernement se serait bien passé si le contexte était différent du pass sanitaire. Ouais, bon, ça. Alors ça, c'est Véran qui parle, ou variant. L'idée de conditionner l'entrée d'un restaurant, d'un bar, d'un théâtre à un statut vaccinal ou sanitaire ne me plaît pas, mais on n'a pas le choix. Le pass apparaît comme un moyen efficace d'éviter un nouveau confinement et une catastrophe sanitaire, ajoute-t-il. À noter les arguments. Hein. On pensait que les Français auraient le temps de se faire vacciner avec une éventuelle prochaine vague à l'automne, mais ce variant très contagieux est en train d'envahir la planète. Toujours sur la question du pass sanitaire, Olivier Véran affirme devant les lecteurs du Parisien, je cite, « qu'on y mettra fin à la minute où nous, le gouvernement, le pourrons. La loi nous autorise à l'utiliser au plus tard jusqu'au 31 décembre. Alors je pose la question, hein, suspense, est-ce que d'après vous, le pass sanitaire sera suspendu le 31 décembre, oui ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les gros porcs du Sénat se feront un plaisir de revoter une extension le 31 décembre. Pour 6 mois de plus, hein, on va dire, voilà. Alors, comment on le sait? J'enchaîne encore. Hein, là, c'est Delfrécier, ça c'est le pape noir du conseil scientifique, élu par personne qui décide quand on fait quoi que ce soit en France, voilà. Hamid Fossi, aux États-Unis, ça c'est Le Figaro qui le cite. Ça a fait jaser cette déclaration. Alors, écoutez bien. Alors, nous gagnerons contre le Covid-19, mais il va falloir être patient. Pour Jean-François Delfrécy, invité de BFM TV, de RMC, vendredi 23 juillet, le retour à la normale, c'est peut-être 2022-2023. C'est pas trop. S'il ne sait pas de quoi demain sera fait, le président du conseil scientifique estime, je cite, que nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver, car le SARS-CoV-2 a des capacités de mutation hors normes, dit-il. Ah bah tiens, ça, on s'y attendait pas. Voilà. Alors, je pourrais continuer, il a fait d'autres déclarations. Il a dit d'ailleurs notamment qu'il continuait, même s'il était vacciné, c'est ce qu'il dit, hein, il continuait à porter le masque en ville. Hein. Bon, voilà. Alors, bon, oui, alors Véran est en train d'expliquer que le passeport sanitaire ne sera en vigueur que jusqu'au 31 décembre. Voilà. Pendant ce temps-là, Delfrécy, au même moment, un jour avant, hein, sur BFM et RMC, explique qu'en fait, bon, il n'est même pas sûr que ce soit en 2023, et que déjà, en hiver, en décembre, hein, par la force des choses, il y aura déjà un autre variant. Il nous a pas dit lequel, on sait pas, hein, il sort des variants comme ça, il dit voilà, il y aura un autre variant et voilà, on va repartir, etc. Alors là, les gens n'ont pas compris, et là, ils sont en train de comprendre, et Delfrécy a même dit lors de son interview qu'il était là pour apporter les mauvaises nouvelles. Voilà, bon. Alors, voilà, bon. C'était ce que je voulais dire là dans ce moment de l'émission. C'est que Delfrécy, en fait, est en train de corroborer. L'alerte du professeur Geert van der Bos, que je cite souvent dans l'émission, qui est un professeur belge, un virologue, qui dès le mois de mars 2021 a produit une lettre ouverte mettant en garde contre toute cette stratégie vaccinale qui, avec des arguments très précis, lui paraissait folle, parce que tout semblait fait en dépit du bon sens, avec pour résultat la création d'un super variant extrêmement dangereux. Alors, lors de la dernière émission, j'ai expliqué ça un peu en détail. Il y avait un point que les gens, en réaction de l'émission, ont soulevé. Ils ne comprenaient pas certains points. Je résume en fait le propos de van der Bos. C'est grosso modo, hein, vous ne vaccinez pas durant une pandémie. Vous ne faites jamais ça. Alors, les gens se demandent pourquoi. Alors, pendant une pandémie, comme son nom l'indique, le virus est partout. Il y a beaucoup d'hôtes, beaucoup de personnes qui ont le virus en eux. Même s'ils sont asymptomatiques. Ils ne déforment pas de forme manifeste de la maladie, mais ils le portent nonobstant. Si vous vaccinez en masse comme on le fait aujourd'hui, il y a quand même actuellement 2 milliards de personnes qui ont été vaccinées sur Terre. Il y a 7 milliards environ de personnes sur Terre. Vous avez 2 milliards de vaccinés très massivement dans les pays développés, c'est-à-dire Europe et Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Nord-Est. Hein, grosso modo, c'est là que les campagnes sont très avancées. Aussi en Inde, ça avance, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand vous avez un virus comme ça qui est partout, qui n'est pas très virulent, parce qu'il y a 4 millions de morts. Non, 4 millions, c'est rien, ça, 4 millions de morts, hein, que les gens comprennent. Il y a eu d'autres épidémies par le passé, notamment l'épidémie de grippe asiatique. On n'a jamais fait ce qu'on a fait maintenant. Et que vous vaccinez dans le même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous agressez, vous attaquez le virus pour le détruire. Qu'est-ce qui se passe? Le vaccin a une efficacité, oui, c'est vrai. Il va détruire en partie le virus. En partie, il va le détruire. Mais il va détruire les souches les plus faibles. Donc vous créez au même moment, simultanément, dans 2 milliards d'hôtes potentiels, en tout cas, il y a une partie de ces 2 milliards qui ont ce virus, un travail de sélection du plus fort, c'est une sorte de sélection darwinienne du virus, qui fait que les souches les plus résistantes, c'est-à-dire, dans le cas de figure qui nous intéresse, celles qui se répliquent les plus vite pour contaminer plus de personnes, eh bien, remportent la partie. Une fois que les souches les plus faibles ont été éliminées par la campagne de vaccination, les souches les plus fortes raflent le marché et remplissent le vide. Donc ça, c'était le premier avertissement du professeur Van der Bos. On ne vaccine pas pendant une pandémie. On ne fait pas ça. Surtout sur des sujets sains. Parce que quand vous vous intéressez au fonctionnement de ce vaccin, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, vous suspendez la production d'anticorps de votre système immunitaire naturel pour donner un ordre à votre système immunitaire de produire un certain type d'anticorps donné. Donc, celles qui vont cibler les fameux anticorps, pardonnez-moi, les protéines spike. Et vous allez produire uniquement ces anticorps durant une certaine période de temps. D'ailleurs, qui n'est pas connu à l'heure actuelle, puisque c'est un vaccin expérimental. Donc, ils ne savent même pas combien de temps le vaccin est efficace. Et ça joue un rôle important. Pourquoi ? Parce que si le virus mute, s'il y a des variants, et c'est ce que nous explique Delfrécy, s'il y a des variants qui résistent au vaccin, alors là on le voit puisqu'il se transmet, mais qui deviennent totalement résistants au vaccin, vous êtes bloqué puisque vos anticorps produits par la vaccination ne correspondent plus aux variants. Il a déjoué le piège de la vaccination, il l'a contourné sous l'effet de la pression de la vaccination. De masse, c'est ce que j'ai dit, on ne vaccine pas pendant une pandémie, vous forcez la sélection des meilleures souches par le virus, qui sélectionne ses meilleures souches pour être plus résistants. Donc, vous bloquez la production d'anticorps chez des sujets qui n'en avaient pas besoin, parce que leur système immunitaire naturel fonctionnait bien, notamment chez les jeunes, enfin les gens de moins de 40 ans en gros. Donc ceux-là sont vaccinés, ils n'avaient pas besoin, ils sont vaccinés. Ils ne produisent plus qu'un type d'anticorps. Donc demain, on va avoir des variants beaucoup plus infectieux que la première souche de Wuhan, qui vont contourner le vaccin, exposant de fait les populations jeunes qui jusque-là n'étaient pas exposées. Bien. Et le deuxième effet pervers de cette vaccination, c'est que quand vous allez, parce qu'ils vont nous le dire, ils vont nous dire « Ah oui, c'est malheureux, le vaccin a malheureusement pas réussi à créer totalement l'immunité collective. » C'était le but, bon, ça va rater bien sûr, mais c'est pas grave. On a des vaccins mis à jour. Ça ne servira à rien parce que vous avez le péché antigénique originel. C'est un principe. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très simple, c'est que la première vaccination conditionne votre système immunitaire à produire un certain type d'anticorps adapté à la première souche. D'accord ? Pour viser les protéines spike. Si vous faites un rappel de mise à jour, ça ne servira à rien. À cause du péché antigénique originel. Votre corps va reproduire les mêmes anticorps que lors de la première vaccination, très majoritairement. Donc, il frappera à côté, face aux variants. Et c'est ce que dit le professeur Van der Bos. Et ça, il faut bien le piger, il faut bien le comprendre. Alors évidemment, c'est la mauvaise nouvelle. C'était prévisible. Alors Van der Bos, il dit, je comprends pas. Pourquoi, comment, je comprends pas. Bon, lui, il ne dit pas que c'est un complot. Pour moi, c'est un complot. Pour moi, il savait très bien que c'était programmé pour échouer, que les variants allaient automatiquement être générés, et qu'ils allaient venir avec des mises à jour de vaccins, et que ça allait permettre d'alimenter ce contrôle total des populations avec toute l'armature sanitaire. Vous connaissez tout ça. Le problème, c'est que, par exemple, on parle beaucoup de l'AstraZeneca qui... si je ne me trompe pas, c'est le médecin, enfin c'est un vaccin qui a été conçu en Grande-Bretagne, si j'ai des bons souvenirs. Oui, c'est ça. Le vaccin. Bon, eh bien, il y a un truc qui m'a frappé quand même, c'est que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais en Angleterre, ce qui est étrange, c'est que, alors, il faudrait éclaircir ce point, je ne juge pas, mais en Angleterre, ça se passe relativement bien. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière des intérêts financiers de bataille de laboratoire ? Ça, c'est ce que je me suis posé comme question. Parce que, comme je veux dire, en Angleterre, les gens sont vaccinés, on a une couverture vaccinale énorme. Encore une fois, moi, je ne suis pas vacciné, hein, je ne veux absolument pas me faire vacciner. Mais Il n'y a pas tel dans les statistiques, les effets secondaires restent, bon, il y en a, hein, mais c'est limité. Et je me suis toujours dit, est-ce que finalement, en sous-main, sans qu'on s'en aperçoive, il n'y a pas d'autres labos qui veulent rafler la part du marché et qui font une contre-propagande? Je ne dis pas que c'est vrai, hein, attention, mais je me pose des questions, moi qui vis en Angleterre et qui suis au courant de ce qui se passe en Angleterre. Ce serait intéressant de s'interroger. Moi, je n'ai pas le temps de le faire, mais si un chercheur pouvait le faire, ce serait marrant. Si, forcément, il y a évidemment une confrontation pour des parts de marché, mais comment dirais-je, ça n'explique pas la grande campagne. D'ailleurs, je trouve ça très frappant de voir que même s'ils ont le Moderna et le Pfizer utilisent la même technologie, pas les autres, globalement, ils ont le même mécanisme de ciblage de la protéine Spike, ce que je trouve assez révélateur. Donc, il y a quand même une entente sur la stratégie adoptée. Mais alors, il y a aussi un autre point qu'il faut lever, qu'il faut quand même éclaircir, c'est qu'ils disent, grâce à la vaccination, quand vous êtes vacciné, vous pouvez l'attraper, oui. Mais vous ne développez pas de forme grave. Eh bien, peut-être que leurs statistiques sont tronquées, hein, je ne dis pas, ou sont faussées, mais c'est vrai que malgré, pour l'instant, des contaminations qui... Je parle en Angleterre notamment, peut-être qu'en France c'est différent, mais en Angleterre, il y a eu une hausse énorme des contaminations. Ça a fait un peu comme dans la première vague, mais les hospitalisations, il y en a énormément moins. Et ce n'est pas parce que les gens meurent tout de suite, hein, c'est parce que les gens ne développent pas tellement de formes graves. Alors moi, ça m'a désolé, puisque justement, ça a fait un super argument pour les pro-vaccinalistes. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas la forme grave. Le problème, c'est que c'est les variants d'échappement immunitaire. Les formes graves, elles adviendront si jamais tu as des variants d'échappement immunitaire, qui était la première critique de fond de la vaccination en pleine pandémie. C'est ça le principal argument. Que le vaccin soit efficace, personne ne le nie. Il est forcément efficace tant que le variant n'est pas adapté. Et encore, on voit que même des gens qui sont double vaccinés commencent maintenant à contracter le virus en nombre tout à fait considérable. Et sur pente ascendante, alors qu'on nous avait dit que ça, c'était de toute façon très très marginal. Moi, j'ai des articles encore vieux, il y a un mois peut-être, disant que oui, c'était théoriquement possible qu'il y aurait des contaminations ici ou là, mais que les doubles vaccinés souffriraient infiniment moins d'une potentialité d'infection. On se retrouve avec des chiffres qui sont pas du tout ceux qu'on nous avait annoncés. Enfin, c'est pas du tout le récit qui avait été proposé. Mais les formes graves actuellement ne sont pas le souci principal, parce que le but stratégique, c'était l'immunité collective. Et si tu as des variants d'échappement immunitaire, tu as raté ton but. Ah ben, de toute façon, moi, je ne sais pas si tu as vu ma toute première vidéo sur le coronavirus, qui date de plus d'un an maintenant, je pense, j'avais tout de suite dit, il y aura des variants. Il y aura des variants, de toute façon. Et à l'époque, il n'était même pas question de vaccination. Mais j'avais dit, il y aura des variants. Et c'est ça, moi, déjà, tout de suite, ça m'a inquiété. Parce que je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que ça nous prépare? Qu'est-ce que ça nous prépare? Puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours chez les virus, il y a des variants en permanence. Et c'est vrai, par contre, la Ligue antivaccinale disait toujours, ce qui est grave, c'est qu'il est faux de présenter un virus comme quelque chose qui se laisse attraper par la vaccination, par ce qu'on lui injecte. En fait, il se défend. Il se défend et il met au point des stratégies pour contourner tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que dès ma première vidéo, j'avais été très, très inquiet parce que je m'étais dit, bon sang, ils vont nous courir sur un vaccin ça va renforcer ce phénomène de variants. Donc, il y a eu des variants d'ailleurs avant la vaccination. Ouais. Mais là, moi, je suis persuadé que dans les quelques mois, il va y avoir, je suis persuadé, mais après, je peux me tromper, mais j'en suis quasiment persuadé qu'il va y avoir un variant beaucoup plus virulent. Alors ça, c'est conditionné par la vaccination de masse dans une pandémie, ces variants-là. Alors ce qu'ils espèrent, je vois bien, c'est leur pari, parce que c'est le fameux pari de tous les vaccinaux, pro-vaccinaux. Ils disent, oui, mais on va exterminer le virus avant qu'il y ait ce variant. Mais ça, je peux le dire, c'est une illusion. Parce qu'on ne peut jamais exterminer complètement un virus. La meilleure preuve, c'est la grippe. Je veux dire, alors c'est vrai, il y en a, il y a des certains trucs, ça a été quand même éradiqué. Mais donc là, je pense que, alors, Peut-être que c'est un complot derrière. Moi, je me prononce pas parce que j'ai pas accès à des archives, donc je peux pas dire. Mais ce qui est évident, c'est que il me semble que on peut aller dans une catastrophe majeure avec l'apparition d'un variant très virulent. Bah oui, c'est ce qu'a expliqué Van der Bos. Je sais bien, je le cite souvent, mais le plus drôle avec lui, c'est qu'il n'est pas anti-vax. Il est pro-vaccination. D'ailleurs, il propose comme une solution un type de vaccination différent. Je ne dis pas qu'il a raison, hein, c'est pas mon boulot. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là n'est pas un opposant systématique du tout, qui, au contraire, est un insider, et qu'il propose comme solution un autre vaccin. Donc c'est assez marrant, il n'a pas un profil d'illuminé. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir dans la presse d'ailleurs comment il est présenté, parce qu'on l'appelle le Doomsday Professor, tu vois, en gros, l'annonciateur d'apocalypse, quoi. Et alors évidemment, je veux dire, c'est pas Jésus, je veux dire, mais ce qu'il a fait, et d'ailleurs, il dit pas ce qu'il a fait, mais la façon dont il présente la chose, il dit bon, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je vois, c'est les décisions qui sont prises, les orientations qui sont adoptées. Et compte tenu de l'expérience qu'on a avec la vaccination, ces décisions ne vont pas résoudre le problème tel qu'il est posé actuellement. Donc voilà, il dit c'est si. Et le truc le plus intéressant avec lui, parce que, et j'en finis, c'est que si c'était un charlatan ou si c'était juste quelqu'un qui voulait faire parler de lui, il aurait la solution miracle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lui demande bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut arrêter la vaccination? Sa réponse est la suivante. On peut l'arrêter. Idéalement, faudrait l'arrêter. Mais il dit aussi, ça nous ferait gagner que quelques mois. À cause des variants qui vont inévitablement apparaître. Donc, en fait, il dit, c'est déjà trop tard. Et il le dit aussi dans ça, puisqu'il l'a adressé à l'OMS quand même. Donc, en mettant sa réputation en jeu. J'ai lu sa lettre, ouais. Bon, ben voilà, je pense que tout est là. Moi, je pense que tout est là. Et on en est à plusieurs mois maintenant dans cette vague de vaccination de masse, avec l'objectif affiché qui était donc l'immunité collective. On voit que... alors, il n'y a pas de forme grave, je suis d'accord avec toi. Hein, mais on voit que les infections repartent à la hausse et pas qu'un peu. On voit que l'efficacité alléguée des Pfizer, Moderna, n'est pas celle qui avait été présentée dans la première phase de la vaccination. On nous dit que finalement, les passes vaccinaux qui vont tout régler ne règlent pas forcément ce problème-là, qu'il faut, comme Delfrécy, qu'il faut quand même porter le masque quand on est double vacciné. Et j'apprenais la semaine dernière que l'Angleterre interdit maintenant à son territoire, enfin, met sous quarantaine sur son territoire les personnes qui reviennent de France avec le variant bêta, parce qu'ils soupçonnent le variant bêta d'être déjà résistant au vaccin. Tout ça, si tu veux, conforte de plus en plus la mise en garde de Van den Bos. Oui, alors... Mais le problème, c'est que, est-ce que tout ça, d'où vient cette politique? Parce que c'est là, en fait, c'est la vraie question, finalement. D'où vient cette politique que l'on peut, en effet, considérer comme un peu irresponsable de gestion de la crise? C'est un peu, d'ailleurs, le sujet de l'émission. D'où vient cette politique? Qu'est-ce qui se passe, dans cette affaire? Pourquoi, en fait, les gouvernants prennent toutes ces décisions. Voilà. C'est la question qui, à mon avis, doit se poser face à nous. Quoi. Toi, tu ne répondras pas parce que tu diras « je n'ai pas les éléments, les documents, je ne peux pas m'avancer, je n'irai pas faire de déclaration ». Moi, j'ai dit ça déjà en préambule dans l'émission, c'est que depuis l'origine, c'est organisé. Et alors, moi, je pourrais aussi donner une petite réponse, hein, mais quand même. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire par là, pour moi, il ne fait pas, non seulement par l'origine du virus, extrêmement louche. Ça, c'est une fuite officielle d'un laboratoire chinois. Progressivement, ce qui avait été décrit comme faux, on avait dit que c'était pas vrai, le virus était le fruit de manipulation en laboratoire. quand le professeur Montagnier, un professeur indien qui l'avait d'abord dit, ensuite le professeur Montagnier qui l'a dit, ils se sont fait menacer d'ailleurs par le docteur juif Sebag, qui avait appelé carrément, je ne sais même pas quoi, pratiquement au meurtre. Bon, ça a depuis été corroboré. Ça a été avéré qu'effectivement, oui, c'était le fruit de travaux en laboratoire, que ce virus n'était pas intégralement naturel. Bon, mais il a quand même fallu pratiquement un an et demi pour que ça soit admis. Un an et demi, une conspiration du silence, pour le nier. Je me rappelle des papiers de Tristan Mendès-France, de Rudi Reichstadt, s'attaquant d'ailleurs à Montagnier et à tous ceux qui le relayaient en disant qu'ils mentaient, que c'était des désinformateurs, etc. Bon, bah, on le sait maintenant, c'est reconnu partout, même par le gouvernement américain. En tout cas, le gouvernement américain dit que la piste est sérieuse à ce stade. Bon, ça c'est une première chose, origine douteuse du virus. J'ai lu les papiers que Fauci a reçus avec ses emails, parce qu'il y a eu une fuite, est-elle organisée ou pas, j'en sais rien, mais dans laquelle on parle d'une origine, en tout cas, partiellement militaire, de ses travaux sur ce virus. Bon, déjà, ça pose des questions. Ensuite, la répétition générale avec le Pentagone à l'automne 2019, d'une pandémie mondiale impliquant tous les grands acteurs, finalement, de ce qui se passera ensuite. Les emails qu'envoie Zuckerberg pour Facebook à Fauci pour tout de suite mettre en place une stratégie vaccinale. On est en février 2020, il n'y a même pas encore de confinement en France. Ils sont déjà en train de parler de vaccination. On pourrait comme ça s'arrêter sur toute une série de détails. Et ensuite, la grande stratégie, parce qu'ils ont tout de suite embrayé sur le tout vaccinal, ce qui a suscité l'opposition de Van den Bosch. C'est ça, fondamentalement, qu'il a forcé à protester. C'est cette décision du tout vaccinal, tous azimuts, tous âges confondus, en pleine pandémie. C'est ça qui a déclenché son opposition. Alors, tu vas me dire, un professeur contre tout le reste de l'établissement médical, ou pratiquement, il n'y a pas que lui quand même, hein, y a d'autres voix discordantes. Alors, pourquoi ? Ben pour moi, c'est ça, c'est l'agenda de Davos. C'est un 11 septembre biologique qui est autrement plus... Moi, je pense qu'ils ont d'abord utilisé l'arme du terrorisme en 2001. La menace du terrorisme. C'est pareil, c'est diffus, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est un chèque en blanc pour les autorités. On peut faire passer des tas de lois, hein, tu connais tout ça comme moi. Le Patriot Act aux États-Unis par George W. Bush qui permet grosso modo d'arrêter n'importe qui, n'importe quand, de le mettre au secret ad vitam aeternam sans jamais qu'il ait à rendre compte devant la justice. C'est quand même hallucinant aux États-Unis. C'est toujours en vigueur. Hein. Ils se sont dit, ça ne suffit pas. Et voyant la crise se profiler, pour des raisons structurelles, j'en ai parlé, il faut quelque chose de beaucoup plus violent. Et je crois que ce qui les a encouragés, c'est effectivement la montée du populisme, le Brexit, etc. Ils disent, c'est pas possible, on ne peut pas perdre la main dans le cœur du système. Donc il faut prendre les choses, le taureau par les cornes. Et ils ont pris le taureau par les cornes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation sanitaire, quand on voit les choses qui sont incohérentes, le forcing qui est fait pour la vaccination, etc., on voit bien quelque chose qui cloche, que plus le temps passe, moins ça colle avec la situation sanitaire sur le terrain. C'est-à-dire que je rappelle quand même que Jérôme Salomon, hein, qui est d'origine juive aussi, qui a géré une bonne partie de la crise en France, expliquait que c'était comme... Il a fait... un soir à 20h, hein, l'équivalent avec la peste noire. Alors que, je veux dire, ça avait une très faible létalité. Et il a comparé ça à la peste noire, ce qui était vraiment une volonté délibérée de faire peur aux gens, parce que les gens qui connaissent rien, surtout les gens âgés, on leur dit la peste noire, d'un coup, c'est la fin du monde. Toute cette politique de gestion de la terreur, c'est dans la continuité du 11 septembre. Et le plus intéressant... Et le plus révélateur, c'est à quel point maintenant ils essayent d'articuler ça avec l'histoire du réchauffement climatique, qui leur permet de mettre en place des mesures économiques à long terme, y compris de restrictions et de rationnement. C'est tout à fait frappant. C'est tout à fait frappant. Maintenant, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Quand il y a des catastrophes, c'est le réchauffement climatique. C'est automatique. Il y a un incendie quelque part, c'est le réchauffement climatique. Donc voilà. Donc pour moi, si tu veux, tu dis, enfin, quand on pose la question un peu rhétoriquement, pourquoi cette gestion? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce qu'il vise? Pour moi, l'objectif est très clair. C'est une reprise en main autoritaire par la terreur des populations avec des mesures d'exception prises en urgence. Voilà. Alors à court terme avec le sanitaire et à long terme avec le climatique. Voilà. Et donc quand Van den Bosch, lui, quand il s'interroge, lui, il ne met pas ça sur le compte de la malveillance. Il dit en fait, ils ont fait un mauvais choix stratégique. Simplement, ils peuvent pas s'en dédire, donc ils vont jusqu'au bout. Donc voilà, lui, c'est son explication. Voilà, ils sont plantés. Bon, maintenant, ils vont jusqu'au bout de leur campagne de vaccination. Ils ne peuvent plus en sortir parce qu'ils ont présenté ça comme ça et que c'est voilà, ils peuvent plus reculer. Donc lui, c'est son explication. Moi, c'est pas la mienne. Pour moi, ils savaient très bien que ça. De leur point de vue, ça réussit pleinement, c'est ce que je veux dire. Sanitairement, médicalement, c'est un échec, mais c'est un succès compte tenu de leur véritable objectif stratégique. Voilà, voilà exactement ce que je pense. Ah oui, je vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes convaincu, pas convaincu. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Vincent. On n'est pas dans le secret des dieux, même si on a des éléments. Donc c'est bien qu'il y ait des grilles de lecture différentes. Moi, je n'ai pas la même, non. C'est que ce que je remarque, c'est qu'en effet, on est dans, enfin, la France est un pays avec 11 vaccinations obligatoires. Et puis il y a eu toute une. Depuis maintenant un siècle, même plus d'un siècle, il y a eu tout un pataquès autour de la vaccination. Et oui, ça a éradiqué la polio, la variole, patati, patata. Et donc je pense en effet, je suis comme là-dessus, je suis comme Van den Bosch, parce que attention, d'abord je dis pas qu'il a dit que des bêtises, je dis qu'il était contesté, qu'il fallait faire attention, mais je suis d'accord avec lui. Moi je pense que c'est une stratégie parce que c'est un choix stratégique dû à beaucoup de choses, et notamment parce qu'il pense que les nouvelles techniques de vaccination, enfin qui sont pas si nouvelles que ça, les techniques à l'ARN, mais pouvait faire effet. Et alors, je pense qu'il y a autre chose, surtout, autre chose. C'est que quand la pandémie est partie de Chine, il y a eu une vague de panique. Il y a eu une vague de panique. Et à cause de deux choses, je pense. D'abord, parce qu'il y avait des formes au début qui étaient graves, c'est vrai. Et puis, il y a eu aussi tout le sensationnalisme journalistique. Et ce qui fait qu'il y a eu une panique et que nos politiciens ont. Il a fallu qu'ils répondent à la panique, en fait. Et je pense que ça a été l'engrenage dans une politique absolument folle. Moi, c'est ma grille de lecture. C'est à ça que je. Que je. Que je. Que. Pour moi, c'est la responsabilité. C'est la responsable. Il y a eu une panique. Alors, on peut dire que la panique a été volontairement mise dans les populations. Je pense que ça vient surtout du sensationnalisme, pardonnez-moi, sensationnalisme journalistique. Il y a eu des paniques, on l'a vu avec le papier toilette, tout ça, la nourriture. Et il a fallu que les gouvernements apportent une réponse. Et la réponse a été, Moi, j'y crois oui. vraiment pas. Moi, je veux dire, là, t'es trop bienveillant avec. Oui, je sais, moi je suis extrêmement bienveillant. D'ailleurs, la preuve, c'est que si demain j'arrivais au pouvoir, contrairement à toi, il n'y aurait aucune épuration, aucun procès de Nuremberg, il n'y aurait rien. Il y en aurait une, c'est toi qui te ferais épurer très vite par les vaincus, mais. Ben, je préfère me faire épurer par les vaincus que d'épurer. Donc c'est pour ça que. Bon, mais ça, Mais, non, après. mais ça, c'est autre chose, parce que je veux dire, tu dis oui, c'est sous l'effet de la pression, etc. Il y a un effet Oui. de pression, mais je ne suis pas du tout d'accord, parce que quand les gens les voient sur le terrain, dans les hôpitaux, parce qu'il y a des gens qui ont été curieux d'ailleurs, ils allaient filmer, tu sais, dans les centres d'accueil, parce qu'on disait, voilà, les hôpitaux sont débordés, il y a des morts partout. Et en fait, on voyait des couloirs vides, il ne se passait rien, en fait, dans les hôpitaux. Il ne se passait pas grand-chose. Il y avait 4 000 réanimations, un peu en France. Bon, attends, un pays de 67 millions d'habitants, bon, c'était pas du tout. C'était présenté comme la fin du monde. Et quand les gens s'approchaient des centres hospitaliers pour accueillir les gens, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de queue, il n'y avait personne. Sur le site, on a montré des photos, d'ailleurs, de gens qui sont partis prendre des photos ou partis filmer. Et ça ne correspondait pas du tout au discours. Donc ce fossé qui existait entre ce qui était dit Et ce qui se déroulait sur le terrain et qui était constatable par tout le monde démontre que en fait c'était pas du tout sous l'effet comme ça, d'une vague montante. C'est, en fait, c'était vraiment orchestré. Ça, je veux dire, c'est pour moi, en tout cas, mon avis, c'est vraiment ça. C'est que c'est vraiment une panique organisée, sciemment, comme le savent très bien faire les médias, qui sont étroitement contrôlés. Et je ne crois pas du tout au hasard, comment dirais-je, à un incident comme ça, qui n'aurait pas trop là, et puis qu'ils auraient adopté le tout vaccinal, parce que finalement, c'est ce qu'ils savaient faire de mieux à ce moment-là. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on va y croire de moins en moins. Parce que on va bien voir que les mesures qu'ils vont annoncer de plus en plus fréquemment ne vont pas du tout correspondre à la situation. Elles correspondent d'ailleurs assez peu déjà à la situation. Hein. On n'a jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité bloqué des nations entières en les confinant, en stoppant totalement leur activité économique, en restreignant à ce point les mouvements de population pour une maladie qui tuait comme une grosse grippe au moment où elle est apparue. C'est jamais arrivé, on n'a jamais fait ça. Dans l'histoire passée, on a eu bloqué certaines villes, ça a eu arrivé, des villes, lors éventuellement d'épidémies, de certaines épidémies, mais c'est tout ce qu'on avait. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Moi, je crois vraiment au plan. Je le dis. Et en plus, c'est revendiqué. Je veux dire, il y a des gens comme Trudeau, à la faveur de la pandémie, hein, le premier ministre du Canada, ils ont surgi comme ça dans leur écran. Ils ont dit c'est une opportunité. C'est quand même incroyable. Ils disent c'est une opportunité pour l'agenda 2030, qui est l'agenda de Davos, comme chacun sait, ou en tout cas beaucoup de gens savent. C'est quand même. Ça colle pas, quoi. Je veux dire, t'as pas un premier ministre comme ça qui arrive face caméra, alors que c'est censé être une catastrophe sanitaire avec des gens qui meurent. En disant, mais c'est une opportunité, rendez-vous compte, on va pouvoir aller vers l'agenda 2030. Alors, beaucoup de gens ont découvert qu'il y avait un agenda, ils ne le savaient pas. Et quand on creuse l'agenda, on découvre des tas de trucs qui se mettent effectivement en place. Il n'y a plus de monnaie physique, par exemple. Ah, tu découvres ça comme ça. Les transports collectivisés. Ah bon. Les logements collectivisés. Ah bon. En fait, tout est collectivisé, tu le découvres. Quel rapport avec la fameuse pandémie, etc., etc. Bon, y a beaucoup de choses qui font que c'est pas juste. La gestion me paraît complètement beaucoup trop. Enfin, c'est même pas qu'elle est suspecte. Enfin, pour moi, c'est une signature. Quoi. Enfin, ça, j'ai compris ton propre argumentaire. Je respecte. Hein. Moi, j'en ai une autre. Les autres, je sais pas. Je crois connaître leur point de vue aussi. J'aimerais bien les solliciter, d'ailleurs, même vite fait, en passant. Est-ce que, d'après vous, tout ce qui se passe, est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est exploité fortuitement? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est beaucoup trop synchronisé entre les nations. Le petit événement de Wuhan apparaît, effectivement. Hein, et toutes les nations, en très peu de temps, se rangent comme un seul homme dans une politique anti-pandémie. Par ailleurs, et pour ça une chose que Vincent a dite, moi je pense que le sensationnalisme journalistique n'existe pas. Il n'existe plus depuis longtemps. Je pense que la presse mainstream est au service des pouvoirs respectifs dans les nations et pas l'inverse. Je pense que les journalistes ne vont jamais, en quelque sorte, ouvrir les yeux du pouvoir. C'est toujours le pouvoir qui va orienter les médias mainstream. Je sais que c'est manichéen, peut-être, mais je le pense. Non, mais moi, j'adhère à cette perception. Qu'on voyait déjà avec les Gilets jaunes, hein, au point de vue journalistique. Là, le traitement de BFM des manifestations, c'est flagrant. Au Trocadéro, il y avait quand même une foule considérable, je ne l'ai pas quantifié, mais il y avait quand même une foule concert. Bon, tu as BFM TV qui dit des centaines de personnes au Trocadéro. Enfin, je veux dire, ce niveau de désinformation est tellement flagrant que voilà, je veux dire, le plus intéressant, c'est à quel point ils en font une question politique du passeport sanitaire. Tu parles de la manifestation de hier De hier. Ah, ouais. Ah d'accord, en tout cas. Parce que moi, j'ai pas lu les centaines de personnes, mais j'ai pas vu tout BFM. Hein. J'ai lu que les comptes rendus de la presse, que les que les articles où on parlait de 11 000 personnes. Ah oui, ça c'est le communiqué du ministère de l'Intérieur. Oui, bon après on peut discuter sur les chiffres, moi j'y étais pas, je les ai pas comptés. Ce que je sais, c'est que évidemment le ministère de l'Intérieur a tout intérêt à compter à minima. La réaction de Macron, intéressante face à ça. Donc il a dénoncé l'irresponsabilité et l'égoïsme des non-vaccinés. Si on aime sa propre liberté et si on respecte les autres, le seul geste à faire, c'est se faire vacciner, affirme le président de la République. Donc c'est clair et précis. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont des irresponsables, d'accord, qui n'aiment pas la liberté, deuxième point, et qui ne respectent pas autrui. Voilà. Donc si vous refusez de vous faire vacciner, eh bien vous entrez dans cette catégorie par le président de la République. Donc on peut dire que ce sont des mots très durs de la part d'un chef de l'État. Moi je trouve que c'est quand même très dur. Ce sont des irresponsables, des gens qui n'aiment pas la liberté, qui ne respectent pas les autres. Bon, c'est une fin de non-recevoir, d'accord. On va vers une confrontation, ça me paraît évident. Là, c'est pas un discours d'apaisement, c'est ce que je veux dire. Voilà, il dit pas « je comprends les inquiétudes », etc. Là, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration à Macron ? Dans les dernières émissions, on a pas mal insisté sur le fait qu'on était face à une idée religieuse qu'on appelle donc c'est un millénarisme auquel on est confronté. Et dans les millénarismes, il y a toujours un ennemi juré qui est donc le mal, qui représente le mal absolu, et duquel, si on se débarrasse, on installe le paradis sur Terre. Bon, dans le concept de génocide, il y a également une notion qui est similaire, c'est-à-dire qu'on accable, on affuble le groupe que l'on veut éliminer de toutes les tares de la Terre et là, on le déshumanise très souvent. Alors, nous les Blancs, on est déjà déshumanisés, hein, vous le savez. Et là, ils en rajoutent une couche avec les non-vaccinés. Donc, comme tu dis, moi je pense qu'on va aboutir, en fait, à une confrontation, c'est-à-dire que les mecs vont tellement nous rejeter la faute de tous les problèmes sanitaires qui vont voir le jour, que je serais pas surpris si il devait y avoir plus ou moins métaphoriquement des pogroms de non-vaccinés. Quoi. Lagarde, qui est le patron de l'UDI, dans un parti allié à Macron au centre, il y a deux semaines, trois semaines, a dit à la radio qu'il fallait commencer à songer à ne plus soigner les non-vaccinés. Alors, c'est induit par le passeport sanitaire, puisque, comme j'ai dit, hein, l'hôpital pour rentrer, etc., vous connaissez l'histoire. Mais lui, il allait plus loin, il fallait que statutairement, la sécurité sociale vous retire en quelque sorte votre carte vitale et vous n'avez plus accès aux soins. Sous-entendu, vous mettez en danger les autres. Vous voyez, vous comprenez ? Attendez, c'est un parlementaire, c'est pas non plus le premier venu. Et c'est pas comme ça en passant, quelqu'un l'a entendu dire, c'était à la radio. Et je ne peux pas croire que qu'un politicien expérimenté comme lui n'ait pas pesé ses propos avant de les dire à l'antenne de cette grande radio française. Donc, il savait très bien ce qu'il était en train de dire, et croyez-moi bien que quand ce genre de personne, parce que c'est un centriste, pourquoi je dis que c'est important qu'il soit centriste, c'est-à-dire qu'il est vraiment au cœur du marais, quoi. Et pour qu'il exprime ça en public, je peux vous dire qu'entre eux, c'est l'état des discussions. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils veulent faire, à ce stade, mais comme je dis, le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux revient de facto, de toute façon, à rejeter toute une série de personnes. Alors, est-ce que ça pourra être fait ? Ça, c'est autre chose. Mais ça revient à ça, c'est indirect. Mais il y a des gens, des durs, des partisans de la ligne dure, qui clairement voudraient mettre ça sur la table. Mais il faut qu'ils le fassent. S'ils le font, ça va radicaliser les gens. S'ils radicalisent les gens, il risque d'y avoir des actions violentes et ça risque de déstabiliser le système. C'est peut-être ça la faille qui peut nous permettre de nous engouffrer et de changer la donne. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours, même s'il ne faut pas l'induire nous-mêmes, il faut accepter la politique du pire. J'en reviens toujours là, moi. Plus ils vont loin dans leur répression, dans leur contrôle, etc., plus ça va devenir insupportable. Et c'est ça qui est intéressant. Quant à la déclaration de, quant à la déclaration d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que c'est un mélange vrai et faux, parce que il a dit la liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. C'est tout à fait vrai. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. Et puis je crois qu'il est du genre, que vaut votre liberté si vous me dites que vous voulez pas vous faire vacciner? Et alors après il a dit, oui, mais si jamais vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, alors je suis victime de votre liberté. Bah finalement, cette déclaration n'est que la traduction de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Enfin, c'était la liberté et de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc vous voyez ici un Emmanuel Macron qui a une logique, s'exprime dans la droite ligne de la pensée révolutionnaire de 1789. Pour moi, il y a là rien de surprenant. Hein. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a des gens qui voudront en même temps l'idéologie révolutionnaire et en même temps leur liberté. Mais je leur dis, mais c'est là où vous êtes contradictoire, parce que vous n'avez pas compris que la liberté républicaine, cette notion de liberté, cette fausse notion de la liberté, qui consiste à dire la liberté, c'est de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais ça, c'est une notion absolument fausse de la liberté. C'est pas ça, la liberté. Mais voilà où elle conduit. Alors aujourd'hui, bah, vous en plaignez dans des manifestations, et je suis heureux que vous manifestiez. Je vous appelle à manifester encore plus fort. Sachez que faudra un jour que vous remettiez aussi en cause vos propres notions de la liberté. Quelqu'un d'autre sur la réaction de Macron, qui sont, comme je dis, hein, une fin de non-recevoir, même une posture plutôt belliciste, hein, en fait. Hein, j'ai l'impression qu'il recherche plutôt l'escalade. Il recherche l'escalade. Je pense qu'il recherche, moi. Il la recherche en disant « ça va passer ». Ça va passer, et après, je serai vu comme le sauveur de la France. À mon avis, c'est ça. C'est ça, je veux dire, si on reste sûrement sur le volet politique et de stratégie politique, à mon avis, c'est ça. Il prend des postures qui consistent à dire « je suis le sauveur de la France malgré une petite minorité ou malgré des gens qui sont des irresponsables. Je vous protège de quelques centaines de milliers d'irresponsables emmenés par Francis Lalanne et Bigard. » D'ailleurs, lorsque Maluret a osé dire qu'en 2000 ans, on était passé de Socrate sur l'Agora à Lalanne sur Facebook, si j'avais été en face de lui, j'aurais dit « Mais monsieur Maluret, vous avez été dans beaucoup de gouvernements, et qu'est-ce qu'a fait l'éducation nationale ? Hein, c'est la faute de qui si aujourd'hui les gens s'arrêtent à Facebook et à Lalanne ? Je veux dire, c'est trop facile de mépriser les gens, mais quand on a fait une éducation nationale qui, depuis maintenant 40 ans, fait l'enseignement de l'ignorance, allez même 30 ans, comptons 30 ans, fait l'enseignement de l'ignorance et qui l'a fait de plus en plus, ben, venez pas vous plaindre, c'est quand même, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, là, hein, je veux dire. Alors, avant de nous séparer, quand même, Florent Philippot a été assez offensif, il a appelé à bloquer le pays et a systématiquement refusé de céder à la vaccination et à donc ne pas permettre à l'économie de fonctionner sur cette nouvelle base de contrôle total des populations. J'espère que ce sera entendu, on va voir comment ça se passe. Mais bon, il a été assez offensif, il faut reconnaître qu'il a bien su mener sa barque, hein, son propre rassemblement, parce qu'il avait son rassemblement au Trocadéro, mais il y avait une autre manifestation de gauchistes qui avait lieu à Paris, à Bastille, qui a eu cours. Bon, il s'en sort pas mal. Ça prend plutôt une bonne direction. Je voulais peut-être quand même demander votre avis sur toutes ces manifestations, comment vous les voyez. Bon, Vincent a donné son opinion là-dessus, mais peut-être d'autres. Fulbert aussi a donné son point de vue, je crois. Porovitch, je ne l'ai pas entendu sur les manifestations. Les manifestations, j'aime bien le public que je vois. Ils ont une bonne tête. Et ça me rappelle, bah oui, furieusement, les Gilets jaunes. Et je trouve ça très positif. Je sens une énergie très positive là-dedans. J'espère que ça va se maintenir et que ça ne sera pas détourné par les habituels gauchistes qui peuvent vous transformer n'importe quelle revendication légitime en une demande de plus d'homosexualité, plus d'immigration et plus d'impôts. Ouais. Ah, mais ils le font déjà, ça. Les trotskistes, ouais. C'est... ouais. Moi, je selon les manifs dans lesquels tu vas, hein. Pas de problème. Selon les manifs dans lesquels tu vas, t'as déjà des mecs qui sont en train d'essayer de récupérer, récupérer tout ça, noyer le poisson. Moi, j'ai assisté à des métèques qui haranguaient les fous en leur disant qu'il fallait absolument faire l'union sacrée avec les jeunes des cités, avec Adama Traoré, avec les minorités opprimées. Enfin, c'était ridicule. C'est les trotskistes, ça. Enfin, souvent, c'est les trotskistes qui font ça. Et ouais, c'est les rois de ces trucs-là. Ils transforment n'importe quelle manifestation en truc pour la régularisation de son papier. C'est leur grand truc. Ça, c'est, oui. Tu manifestes pour la production de tomates. Ils balancent. ouais. Mais ce que je pense, c'est que Florian Philippot, ne soyons pas dupes, il récupère ce mouvement en sa faveur. Mais encore une fois, moi, je ne lui en veux pas. C'est la politique. Hein. C'est la politique. Je pense qu'il a trouvé le bon filon, surtout que comme Marine Le Pen est restée en retrait, il s'est dit, ça, oui. C'est vraiment le... C'est le moment, c'est l'opportunité pour catapulter mon mouvement. Et j'avoue que c'est un simple calcul politicien, mais encore une fois, c'est le jeu politique. Et à sa place, j'aurais fait exactement pareil. Et j'irais même plus loin si j'avais été un politicien, ce que je ne suis pas. Même si j'avais été pro-vaccinal, dans la posture de Philippot, je ferai sûrement ne pas l'être et pour récupérer le mouvement. Je veux dire, c'est voilà. Mais je pense que voilà, Florian Philippot, il y a un calcul derrière. Mais je pense que c'est un bon calcul. Oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est la règle de la démocratie, donc on la connaît. Hein. Mais non, il mène bien sa barque. C'est bien que tu évoques le Marine Le Pen, invisible. Invisible, on la voit pas, elle est pas là, elle est nulle part, quoi. Ben Marine Le Pen, le problème c'est qu'elle a un parti très hétéroclite. Déjà, par exemple, Jean-Marie Le Pen a été pour la vaccination, puisque quand j'étais à la Ligue anti-vaccinale, justement, il avait été interrogé, je crois, c'était pour l'élection présidentielle de 1995, et il avait dit justement, ben non, la vaccination qui a permis d'éradiquer la polio, patati patata. Bon, et donc la Ligue anti-vaccinale, qui n'était pas forcément pro-Le Pen et de loin, en avait profité. Donc je pense que Marine Le Pen, avec un parti hétéroclite, où il doit y avoir beaucoup de gens quand même qui sont malgré tout pro-vaccinaux, elle doit encore une fois être l'arrière-train entre deux chaises. Hein. Oui, bon, je pense qu'elle est convaincue. Hein. De toute façon, sa posture jusqu'à pas très longtemps, ça consistait à attaquer Macron systématiquement pour dire qu'il n'en faisait pas assez dans le terrorisme sanitaire, hein, donc c'est ça. Donc bon, c'était même assez. Et puis on a vu ce que c'est. Alors, d'un point de vue purement cynique, on pourrait dire bon, si ça lui permet de doubler ses scores, ça pourrait se défendre. Mais en pratique, dans les urnes, ça s'est traduit par. Alors, je dis pas que c'est la cause, mais je crois que quand même c'est une partie des causes. Ça s'est terminé en hémorragie électorale. Hein. C'est-à-dire que quand même les principales un des principaux secteurs impactés par toutes ces mesures de confinement aberrantes pendant un an et demi pratiquement, oui, c'était les petits commerçants, très essentiellement. Bon, c'est une catégorie qui peut être séduite par un vote du Rassemblement National. Bon, en plus, elle pouvait articuler tout un discours face à Amazon, etc. Enfin, il y avait de quoi faire. Et elle disait, il faut en faire encore plus. Macron est un mou. Forcément. Oui, c'est pour ça que Florent Philippot là-dessus joue bien. Quoi qu'on pense du personnage, moi, je n'ai pas de sympathie spéciale ni d'antipathie pour Florent Philippot. Enfin, il se dit patriote. Il appelle à De Gaulle. Oui, c'est un gaulliste. Hein. Bon, faut pas non plus. Voilà, c'est un gaulliste. Bon, mais enfin, après, moi. Peu importe, je dirais que quelqu'un qui agit bien, moi je regarde pas ce qu'il est. Je suis désolé, je sais très bien que ça peut choquer un peu, mais c'est comme un bon chanteur, même si c'est un ultra gaucho, moi j'en ai rien à faire. Je l'écoute pour ce qu'il chante. Après, il peut donc. Je sais que tout le monde pense pas comme ça. Hein. Après, c'est peut-être moi qui ai tort, mais donc Florian Philippot, oui, bon bah très bien, très bien. Non, mais il a bien mené sa barque. Et puis de toute façon, je veux dire, la nature aura du vide. Donc il a occupé cet espace. Ce que j'ai aussi apprécié, donc je tiens à saluer tous les démocrates qui ont utilisé les cortèges pour faire passer des messages bien sentis, hein, avec des visuels très sympas, t-shirts, pancartes, il y en a eu des pas mal, avec le fameux mème, hein, qui ? Qui ? qui. Et c'est vrai que c'était bien. Merci de les avoir envoyés par email. Donc, quand vous êtes dans les cortèges, prenez des photos et envoyez-les à Démocratie Participative. Nous, ensuite, on regarde celles qui sont exploitables et on les met en ligne ou mettez-les sur le forum d'Europe Écologie Les Bruns. Comme ça, on peut discuter de ce qui se passe, comment ça évolue. Mais il faut faire passer des messages dans ces cortèges pour ne pas qu'on reste justement, parce que ça revenait souvent dans les discussions. Ah ouais, les descriptions étaient sensiblement les mêmes hein, partout, peu importe les villes. Donc un carottage d'une sociologie très large, donc avec des gauchistes, avec des gens, des familles normales, je veux dire, voilà, quelques nationalistes aussi présents. Bon. Des squatteurs syndicalistes qui essayent d'exploiter, bon, on connaît un peu tout ça, et nonobstant, il y a quand même moyen de véhiculer des messages, et souvent bien reçus, et le message sur qui est très très bien reçu, c'est-à-dire que les gens identifient confusément la question juive, c'est-à-dire qu'à force de voir des Agnès Buzyn, des Yves Lévy, des Martin Hirsch, des Jérôme Salomon, des Alain Fischer, des Robert Sebag, etc. Bon, au bout d'un moment, on commence quand même à remarquer qu'il y a un fil conducteur. Ouais. Et donc, c'est un message qui est intéressant parce que ça pousse les gens à s'interroger sur qui veut tout ça. Et moi, je le dis clairement, les Juifs, évidemment, le veulent. Évidemment, le veulent. Ça fait totalement partie de leur plan. Il n'y a pas de problème depuis le jour J. Alors, les gens vont me dire, mais il n'y a pas que des Juifs. Évidemment qu'il n'y a pas que des Juifs. Évidemment qu'il n'y a pas que des Juifs. Mais c'est une des forces motrices, sinon la force motrice principale de cette reprise en main. Et alors après, vous avez des collaborateurs, évidemment. Vous prenez un Blachier, c'est qui? Bon, bah, c'est un mec qui travaille dans le secteur de la santé, il est cul et chemise avec le laboratoire, les labos Gilead, etc. Bon, voilà, il prend de l'argent. Et beaucoup des gens qui s'expriment sur les plateaux d'experts, etc., qui s'expriment en faveur, n'oubliez pas une chose, ces gens-là sont dans la poche. De puissants groupes d'intérêts, notamment pharmaceutiques, qui sont dans cette grande stratégie. Donc, quand ils parlent comme ils parlent, c'est parce qu'ils sont payés. Donc, évidemment, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont juifs, je suis d'accord, évidemment, bien sûr. Mais ceux qui ont une vision plus profonde, plus lointaine, un vrai projet, une vision du monde, constante d'ailleurs à travers l'histoire, ce sont bien les juifs. Et d'ailleurs, tout le travail hein, de délégitimation des critiques, c'est Rudi Reichstadt, c'est Tristan Mendès France, je voyais encore là, un autre, là, il s'appelle Weil, même ton. On les retrouve, je veux dire, et eux savent pourquoi ils le font. Hein. C'est pas juste parce que, oui, il y a peut-être des antisémites dans le... Non. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est bien de faire passer des messages, ça permet aux gens de ne pas rester, j'ai vu ça aussi, cette expression, le paste nazitaire. T'as les juifs qui essayent de réduire en esclavage et t'as des gens qui voient la main du nazisme. Il y a quand même des gens qui sont quand même complètement à côté de leur grolle. Alors ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, mais ils n'ont pas la clé d'explication. Il suffit juste de retourner leur grille d'explication et ils ont tout bon en fait. C'est-à-dire que si au lieu de voir des nazis, ils voient des juifs, ils ont tout compris à ce qui se passe. Donc encore un effort avec vos t-shirts, avec vos pancartes dans les cortèges, et ils comprendront que non, ce n'est pas Adolf Hitler ni Heinrich Himmler qui les menacent actuellement, c'est l'autre côté du spectre. Voilà ce que je voulais dire en message adressé aux participants du forum. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose à toute notre discussion d'aujourd'hui, soit sur les perspectives d'évolution, soit quelque chose qu'on aurait manqué, soit la façon dont vous percevez l'évolution probable de tout ça, n'hésitez pas. On fait un petit dernier tour de table sur votre ressenti. Qui veut prendre la parole sur tout ce que j'ai dit là, ou l'émission, voilà. Bon, moi, j'aimerais rajouter un truc. Je pense que les auditeurs nous ont déjà entendu dire « Sieg oder Tod », c'est-à-dire « la victoire ou la mort ». Mais je pense qu'il ne serait pas forcément malsain de leur poser la question et puis ensuite qu'eux-mêmes puissent poser la question à leurs amis, à leurs proches qui vont manifester et leur demander comment vous... Déjà, est-ce que vous voulez vivre? Et si vous voulez vivre comment? Parce que si vous voulez vivre à genoux, comme un esclave, alors effectivement, c'est assez facile. Hein, il suffit de dire oui à tout, il suffit de se laisser vacciner, il suffit de ne pas chercher à se rebeller contre les injustices. Voilà. Si en revanche, je voulais vivre debout, comme un blanc, j'ai envie de dire, comme un être humain, ben justement, libre, mais, mais qui est un être humain qui peut se respecter et se regarder dans le miroir et puis être fier de ce qu'il accomplit dans la vie, à ce moment-là, il faut poser une question subsidiaire qui est: est-ce que vous êtes prêt à mourir? Si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous ne serez jamais apte à vivre debout, en fait. Et je me pose cette question parce que les manifestations que j'ai vues jusqu'à présent, elles étaient un petit peu trop bon enfant, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, beaucoup de joie, hein, il y avait des gens qui mettaient des bonnes chansons de bons gauchistes, en mode nous, ce qu'on veut, c'est continuer à danser encore, enfin ce genre de choses, de conneries, quoi. Donc, si les gens ont envie de continuer à danser, en fait, ils peuvent le faire à genoux. Hein. Je veux dire, c'est ce que font certaines personnes. Hein. Ils ont envie de continuer à voyager, ils ont envie de continuer à essayer de choper Samantha en boîte de nuit au Macumba à 23h. Donc, ils se font piquer. En revanche, il faudrait vraiment, en fait, que cette question-là soit centrale. C'est-à-dire que Jefferson disait que l'arbre de la liberté doit être arrosé du sang des patriotes, quoi. Bon, ben, je crois que là, on est arrivé, hein, c'est la croisée des chemins. C'est maintenant qu'on va voir si les gens veulent vivre debout ou si ce sont des esclaves. Et cette question est valable pour les auditeurs, elle est valable pour les gens qui font manif, elle est aussi valable pour nous participants. Je pense qu'on est vraiment arrivé. C'est le dernier arrêt de train, en fait, avant la catastrophe, quoi. Si on descend pas maintenant, on sait que le train va tomber parce que le pont a été saboté, par exemple. Bon, voilà. Croiser des chemins, donc, pour Captain America. La phrase de Jefferson, c'est que l'arbre de la liberté doit être arrosé du sang des patriotes et des tyrans. Bah, c'est d'accord. Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on est à une croisée des chemins, encore une fois. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire, notamment une en 41. Là, c'était le rendez-vous que, pour moi, il ne fallait pas manquer, qui a été manqué, hélas, mais je pense qu'on est à une croisée des chemins. Alors, sera-ce la dernière? Je ne sais pas quel âge a Captain America. Bon, moi qui suis sûrement un peu plus vieux, je me souviens quand, au moment où le passeport pour la victoire de Jean-Marie Le Pen est sorti, c'est-à-dire en 87, on disait, si on ne gagne pas en 88 ou à la rigueur en 95, ce sera fichu, il n'y aura plus jamais de solution. Bon, il y a eu encore une croisée des chemins en 2002. Donc, je dis qu'on est à une croisée des chemins. C'est peut-être pas la dernière tout de même. Alors, ça doit pas être une excuse pour ne rien faire. Mais il est évident que là, il y a une possibilité. Il y a une possibilité parce que nous avons tout en place. Nous avons une cristallisation qui, pour l'instant, a l'air de réussir de la contestation. Ce sont des mouvements hétéroclites, naturellement. Beaucoup de journalistes s'en moquent. Mais justement, c'est ce qui fait leur force. C'est qu'il y a tout un panel, enfin tout un échantillonnage de la population qui est là. Et ça, c'est bien. Et on a en face un Macron qui se met dans une posture, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec raison, une belliciste, une belliqueuse, une posture de belliciste. Et il se pourrait qu'il y ait un emballement que le système n'a pas prévu. Ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra, et comme a dit Captain America, ça dépendra de est-ce que les gens sont prêts jusqu'à aller à mourir. C'est ce que disait Édouard Drummond. Il disait, derrière chaque grand événement, il y a un homme qui était prêt à mourir. C'est ce qui fait toute la différence. C'est toute la différence. À partir du moment où vous dites, non, il y a des choses que je ne pourrais pas remettre en cause, dans une situation de crise grave, c'est fichu. J'en parle et je pense pouvoir en parler, justement, parce que moi, j'ai tout remis en cause. Si à un moment ou à un autre, j'avais dit « Ah non, ça, je ne peux pas m'en passer. » J'aurais arrêté. La pression était trop dure. Donc, Captain America a entièrement raison. La question qui se pose aujourd'hui, la question centrale, c'est « Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout ?» Quand un peuple est prêt à aller jusqu'au bout, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Pas grand-chose. Mais va-t-il être prêt à aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. L'avenir le dira, je ne fais pas de pronostic. Personnellement, je suis pessimiste parce que justement, je commence à être maintenant vieux et j'en ai vu des choses où on disait là, c'est parti, là, c'est bon, ça y est, c'est parti, c'est bon. Et ça fait comme un pétard mouillé. Mais qui sait, l'histoire est imprévisible. Hein. Je le dis toujours, hein. En 27, qui aurait pu prévoir l'état d'Allemagne en 37 et en 37, qui aurait pu prévoir l'Allemagne, l'état d'Allemagne en 47. Hein. L'histoire est pleine d'imprévus. Voilà ce que j'avais à dire, moi, pour conclure l'émission. Je vous remercie de m'avoir invité. Fulbert ? Oui, moi, je peux dire au moins dire une petite chose. C'est que ailleurs qu'en France, en Europe, c'est le cas de mon pays, mais je suis certain que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou ailleurs, et même aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent actuellement ce qui se passe en France. Et il faudrait que les Français prennent conscience. Ils ont lancé, c'était peut-être pas le bon mouvement, mais ils ont lancé une révolution en 1789 qui, grâce aux soldats de Napoléon, a envahi l'Europe. Eh bien, même si la révolution avait échoué, eh bien, moi, je vous encourage, amis français, à donner des coups de pied. Parce que si vous donnez de bons coups de pied, bien efficaces, le restant de l'Europe suivra, nation après nation. Ça, j'en suis convaincu. Je peux même en toucher un mot pour cela, mais c'est peut-être pas le moment. Ah si, c'est le moment. C'est une sensation personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Vous savez, j'ai attiré votre attention, je crois que c'était la semaine passée, sur la fameuse vidéo de Queiroz. Vous vous souvenez de ça ? Ouais, ouais. Eh bien, la fameuse loi pandémie qui a été votée par le Parlement en Belgique, donc qui devrait passer, nous a-t-on dit, probablement à la rentrée politique, sous forme d'un arrêté royal, il est sanctionné par un arrêté royal, eh bien, ou à l'automne, donc un peu après la rentrée politique. Moi, je vais vous donner ma sensation. Je ne suis pas un expert de la politique, ben, je suis bien loin de là. Mais écoutez ça. Les Belges, la caste politique belge est prudente. Elle regarde ce qui se passe ailleurs. Elle prévoit à peu de choses près les mêmes lois, puisque c'est une loi, bon, je vous ai donné un peu de détails la semaine passée, qui est quand même, qui a des éléments assez, des articles assez durs, hein, du niveau en tout cas de ce qui se passe en France. Eh bien, la caste politique belge, qui n'est sans doute pas la plus courageuse, mais pas la plus stupide non plus, elle regarde ce qui se passe ailleurs. Et pour l'instant, elle regarde certainement ce qui se passe en France. Et en fonction des événements à venir, des événements proches, soit l'essoufflement de la contestation populaire, soit le gonflement de la contestation politique en France, populaire, eh bien, ils sortiront cette loi sous forme d'arrêté royal ou ils ne la sortiront pas. Ça, c'est ce que je crois. Je peux me tromper, mais je pense qu'en Belgique, en tout cas, on en est là. Quelqu'un d'autre ? Je suis d'accord, moi, Fulbert, à propos de ce qu'il dit de la France, qu'elle a été le foyer de départ de la Révolution. Elle peut peut-être aussi être le foyer de départ de la contre-révolution. La France a joué un rôle un peu de porte d'entrée pour certains mouvements, certains grands mouvements qui vont ensuite conquérir l'Europe. Je crois que ça a été vrai souvent dans l'histoire. Ça a été vrai pour la Révolution. Peut-être ça peut l'être aussi dans l'autre sens. Oui, moi, je suis d'accord. La France reste avec un énorme rayonnement. Je veux dire, même si nous, on sait, les Français, qu'elle a beaucoup perdu. Moi, j'ai toujours remarqué, comme à l'étranger, la France, c'est la France. Eh bien, s'il y avait une déstabilisation en France, je suis prêt à parier, qu'il y aurait des secousses dans d'autres pays. Déjà, le mouvement des Gilets jaunes avait un peu essaimé, bon, puis après, il y a eu bon, tout ça. Mais s'il y avait une déstabilisation en France, ça pourrait donner un point de départ complètement imprévu dans d'autres pays. Il y a un deuxième rôle aussi que la France joue, c'est au niveau intellectuel. Je pense que beaucoup de grandes doctrines, de grandes philosophies ont pas mal été incubées en France. Qui sait, peut-être les démocrates participatifs, pourquoi pas essayer de trouver une nouvelle doctrine, une sorte de protocole des sages d'Hyperborée, pourquoi pas. je lance un appel, voilà, notamment à nos camarades du forum. Voilà. Bah, on va voir, mais les manifestations progressent en mobilisation. Et ce qui est très encourageant, c'est que ça se passe à un moment où traditionnellement personne ne manifeste, hein, personne ne manifeste jamais entre le 15 juillet et le 15 août. Donc le fait que les gens se déplacent comme ça est un bon signal de départ, en sachant en plus que dans l'échéancier arrêté par les parlementaires, le pass sanitaire est censé s'appliquer à partir de septembre pour certaines dispositions. Donc ça laisse un étalement dans le temps tout à fait intéressant. Et que les démocrates n'hésitent pas à participer au cortège, bien sûr, et à utiliser des slogans pour se reconnaître les uns les autres, ça serait tout à fait le bienvenu. Mais oui, je crois que... Je crois, d'ailleurs, je voulais terminer là-dessus, par rapport à ce que disait Vincent. Vincent disait, il y a eu plusieurs moments où nous, en tant que militants, on disait, voilà, c'est maintenant ou jamais, etc. La différence par rapport aux exemples que tu as cités, Vincent, notamment les élections présidentielles avec Jean-Marie Le Pen, c'est que c'était dans un prisme purement franco-français. Or, nous sommes dans une configuration qui, de par la coordination des différents États dans les politiques menées, font que, en fait, tout ce qui pourrait se passer en France aurait immédiatement un écho, et c'était en creux ce que disait Fulbert, un écho dans les autres pays. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que la question sanitaire intéresse des dizaines et des dizaines de nations qui suivent exactement le même chemin. Donc ce n'est pas simplement une élection nationale qui pourrait avoir de l'écho, si vous voulez, à l'étranger, mais là c'est vraiment des questions qui intéressent tout le monde. Et si ça ne marche pas en France, c'est-à-dire que si ça génère de graves troubles civils en France, fatalement, les autres opposants du monde entier, plus spécialement en Europe et en Amérique du Nord, s'inspireront d'une telle résistance. C'est évident. Parce qu'ils voudront eux-mêmes échapper au même sort. Donc, c'est effectivement ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'opinion publique française qui regarde ce qui se passe dans les rues en France. Et que les succès dans les rues... notamment, ou dans les blocages, parce qu'il faut être un peu innovant aussi, hein, il n'y a pas que les manifestations. L'appel au blocage de Philippot me paraît très intéressant, à ce titre-là, pour les acteurs économiques qui ne veulent pas être complètement anéantis par cette fuite en avant du système, eh bien, peuvent montrer que c'est possible. Et ça ferait tache d'huile. À mon avis, c'est un peu là que ça se passe. Mais je suis d'accord avec Captain America qu'on est à un tournant précisément pour cette raison, en raison de la globalité des mesures qui sont prises et du fait que si ça passe pas en France, ça aura un écho ailleurs. Ouais, voilà, en gros, voilà ce que je crois. Mais je crois aussi qu'il faut une opposition très dure, en fait. Pas simplement... Faut pas que ça se termine comme la manif pour tous. Parce que si tu mets 1 million de gens dans les rues, mais qui sont aussi dociles que des vaches sacrées, ça ne marchera pas. Et regardez les bonnets rouges, les quotas, ça a été retiré parce qu'il y avait 50 000 Bretons fous furieux qui étaient prêts à tout. Voilà, c'est typiquement, vous avez l'exemple, quoi, hein. Donc, la manif pour tous, ils avaient 1 million de gens dans les rues. Les bonnets rouges, c'était une région... et quelques dizaines de milliers de personnes dans cette région. Mais c'était tellement dur que le gouvernement a reculé. Donc je crois que là, on a une bonne comparaison des mouvements. Et je précise... La différence aussi... Ouais. Excuse-moi de te couper, la différence aussi, c'est qu'il y avait un réseau de solidarité, parce qu'on était en face d'agriculteurs, donc déjà corporations, et en plus bretons, donc solidarité ethnique régionale. Le problème aussi, c'est que les manifs, là, sont très, très, très, très, très hétérogènes. tant sur le point de vue politique que du point de vue, point de vue professionnel ou ethnique. Mais s'il n'y a pas l'émergence d'une solidarité très importante au sein des opposants, des frondeurs, et c'est ce que disait Vincent, je crois, tout à l'heure, qu'il disait qu'il faudrait faire en sorte que les professionnels qui refuseraient d'appliquer le pass soient soutenus par la population d'un point de vue physique, d'un point de vue donc monétaire, économique. S'il n'y a pas de solidarité, en fait, on n'arrivera à rien. Parce que l'État peut toujours très facilement défoncer, détruire la vie d'un individu. En revanche, si un individu est appréhendé et que derrière, il y a des manifestants, des groupes qui s'organisent pour soit libérer par la force ces gens-là, soit pour les soutenir, là, c'est plus la même. Et c'est ce qui s'est passé avec les bolets rouges. Hein. Les mecs étaient prêts à tout détruire. Et en plus, ils ont des gros camions, des gros tracteurs. Donc, c'est pas la même chose qu'un pauvre piéton avec son chapeau de paille qui défile sur les Champs-Élysées. Et un point qui est également important à c'est que, comme tu disais, la Manif pour tous a échoué. Pourtant, les jeunes de la Manif pour tous sont allés au carton avec les forces de l'ordre. Mais aller au carton avec les forces de l'ordre, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Si tu vas au carton avec les forces de l'ordre, dans Paris, les mecs déploient du matos lourd et puis repoussent tout le monde à coups de jet ou à coups de lacrymo et que rien n'est atteint, bon, pas ouf. Aller au clash avec les flics ne servira à rien, en fait, puisque tu ne vas pas obtenir de but stratégique. Un truc qui serait très utile, c'est d'avoir des groupes de gars qui vont dans les commerces foutre en l'air les systèmes de contrôle de passeport sanitaire. Voilà, ça c'est bon, ça. Ça, oui. Oui. Voilà, tu vas dans les trucs, tu as des bandes de mecs qui disent, voilà, nous, on défend la liberté de nos concitoyens. Exactement ce que les bonnets rouges vont faire en s'attaquant aux portiques et aux radars. Voilà, donc c'est-à-dire tu vas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est les contrôles sanitaires, tu t'attaques aux contrôles sanitaires. Ok, bon. Crois-moi bien que t'as plus d'un commerçant en disant non, mais de toute façon, moi, tu vois, ils vont vite. Voilà. C'est pas des flics, d'accord? C'est pas des CRS. Vous comprenez? Ça, c'est des objectifs stratégiques. Il faut aller au cœur du problème. C'est quoi le cœur du problème? Le passeport sanitaire, ok? Où on l'applique? À l'entrée des cinémas? Ben voilà. Alors, les petits commerçants, je suis pas pour aller agresser les petits commerçants, si vous voulez. De toute façon, je suis même pas sûr qu'ils aient les moyens de mettre en place ce truc, mais je veux dire, les grandes chaînes. Voilà, voilà, ça c'est des exemples concrets. Ils veulent mettre en place la ségrégation des Français sur leur terre. Très bien. C'est chez eux qu'il faut aller. En effet, tu as raison. Il faut aller au cœur du problème en même temps. Dire voilà, on ne se vaccine pas, on ne présente pas notre passe sanitaire, on rentre en groupe, on s'en fout. Ce sont des actions comme ça. En fait, ça commence par là. Et c'est là où on dit, est-ce qu'on a le courage de le faire? Voilà, tout le problème est là en fait. Non, mais ça, c'est des bonnes méthodes, ça. On veut voir le cinéma, on veut rentrer au cinéma, on voit le truc, on n'a pas de passe, on s'en fout, on passe, on squatte, et on s'assoit à 200 dans la salle, on l'occupe, et voilà, vous ne voulez pas, ça. Ça devient ingérable pour les cinémas, les mecs abandonnent, ils lâchent. Exactement, et en plus, même s'ils ne lâchent pas, vous vous rendez compte, trois quarts de CRS pour évacuer une salle, et bien sûr. Mais ça donne des idées à plein de gens, et ça part comme ça. Mais il faut qu'au départ, il y ait des gens qui aillent au casse-pipe, et c'est l'histoire de la fable de La Fontaine avec... les rats et le chat. Oui, il faut mettre un grelot au cou du chat. Oh, très bien, super, génial. Ouais, mais qui va le mettre? Pas moi. elle est très bonne, cette fable-là. C'est, l'idée est super, mais il faut commencer. Et c'est vrai que si les gens commençaient à arriver, on va tous voir un film. Non, allez, on vous met l'argent sur la table, on paye notre place. Hein, c'est pas illégal ce qu'on fait. Mais on ne monte pas notre passe sanitaire. Appelez les flics maintenant. Allez-y. Et même, tu mets déjà des amis dehors le cinéma avec les caméras et qui vont filmer tout ça. C'est génial ça, mais bon. En tout cas, l'idée est lancée maintenant. L'idée est lancée, c'est parti. Mais résistance, moi ce que je dis, résistance. Enfin, là, c'est maintenant. Hein. C'est pas dans 6 mois peut-être, ou des gens qui attendent une hypothétique non-réélection de Macron. Oubliez ça tout de suite, hein, parce que ils sont foutus de vous-même. Vous avez pas vu ça, hein. Ils ont fait flotter l'idée. Ça y est, ça commence. Hein. Passeport sanitaire avant de rentrer dans les ceux qui voudraient voter, quoi. Passeport sanitaire avant de rentrer dans les bureaux de vote. Hein, donc, mais tout à fait. Voilà, donc croyez-moi bien que voilà, enfin, voilà. Ils ont déjà des plans B, des plans C, des plans D même. Donc non, ça se passe maintenant. À la semaine prochaine, les amis. À la prochaine. Salut. Ben merci beaucoup et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci à tous les auditeurs.